billets bleus sont devenus violets. Les rouges sont devenus verts. Non, non. Ok, je m'en bats les. Je crame une clope dans la. C'est pas ce. Vois ma. Je suis pas à moi. Le Yankee veut ça. En menotte dans la. Au palais, je sens la. Je crame que pour la. La street ça pue la. Je vois le monde, je vois ça. En poster, j'ai là. Tu cours, je veux le. Et tout ce qu'il y a de. Sa mère là, AMD. Je suis totalement paix. Le son de PNL, PNL pour démarrer la soirée, PNL sur Sky, on écoutait Nara. Skyrock, Romano. Non mais attends, j'ai l'oreille bouchée, j'entends pas, attends, je me tourne. D-Fool. Ça reste D-Fool, le leader. Le leader. Bah bah bah. Cédric. Ouais, c'est Marc, moi je m'appelle Marc, du trou. Hein? Je voulais venir te voir. Ah non, non, non. Allô? Marie. Je sais pas, moi j'ai eu plein de mecs qui étaient fermés là-dessus, une fois qu'ils avaient essayé, ils étaient fous du truc. Hein. Ah bah après, ils étaient bien ouverts, oui. Ouais. Samy. Et quand ils partent, tu dis, mais elle suce bien quand même. Non, c'est horrible. Et Karim. Vite, vite, une bière avant que ça recommence. D-Fool Radio Libre. Soir sur Skyrock. Et oui, 21h minuit, on est là. Bienvenue tout le monde. Salut toute l'équipe. Bonsoir. Et surtout. Salut. Salut Cédric, il est de retour. Ouais, ouais, ouais. Bonjour Cédric. Ouais, bonsoir tout le monde. C'est son grand retour ce soir. Il est 21h02 et après plusieurs années de vacances. Il revient. Ça va, tranquille, les vacances aux Bahamas? Ouais, ça va, tranquille. T'as vu, j'ai bien bronzé. Ouais, ouais. Ah bah, t'as l'air d'avoir mal à l'épaule, l'autre il bouge son bras dans tous les sens. Non, mais ça va, je bouge encore. Ah bah, ouais, je peux pas lever, je peux pas lever plus que ça. Il est de retour, regarde les messages, enfin le retour du veau, nous dit Dark. Merci, bonsoir l'équipe, bonsoir à Pop Dog. Et en effet, Cédric est de retour. Alors, t'es content de nous retrouver? Est-ce que tu nous retrouves encore plus beau que quand tu nous as laissé, Cédric? Bah ouais, vous avez pas changé en fait, je crois. Et t'as vu Romano comme il est beau? Ah ouais, putain, ça a pas repoussé les cheveux. Ah. Non, ça a pas repoussé, t'as vu là. Toi, c'est une catastrophe. En tout cas, tu as toujours autant d'humour. Et oui, c'est pour ça qu'on est très content de te retrouver. Ah bah, ça promet, dis donc. Putain, j'avais perdu du poids, j'ai repris du poids, je suis vénère, putain. Et voilà. Bah, on te retrouve tel qu'on t'a laissé, ça fait c'est plaisir. Hein. Laid comme jamais. Non, beau gosse, bon, t'es à lui la Marie. Toujours aussi belle. Ouais, oh, toujours, merci, ouais. Oh, vous êtes mignon. Toute fraîche, enfin plus fraîche que toi, en tout cas, Cédric. J'ai pas été malade, moi. Oui, Karim est là aussi. Bonjour, Karim. Salut les man. Fais un bisou à Cédric. Sur la bouche. Ouais, non, ça va aller. Ah, c'est mignon. On va se faire la bise. C'est mignon. Et alors Samy, je sais pas, mais je refuse de venir. Je sentais qu'il y avait quelques problèmes avec ton retour. Il n'est pas là pour l'instant. Il n'est pas. Et pense qu'il viendra plus. Il vient pas pour la grande teuf. Vas-y, appelle-le, Samy. Passe-lui un coup de fil s'il est joignable. On va passer un petit coup de fil à Samy. Et oui, il n'est pas là ce soir, t'as vu. Putain, c'est bizarre. C'est dingue, hein, alors qu'on voulait que toute l'équipe soit là. Alors... Il a été là tout le temps, j'étais pas là, et là, il est pas là quand tous les jours, il a été là, et là, tu reviens, et bam, le mec, il revient pas. Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, c'est gentil. Merci pour les messages que vous envoyez à Cédric. Bonjour à Speedy Gonz, à Hugo Bordeaux. Bonjour Hugo Bordeaux. Bonjour à Tristan, à Seb de Slovaquie. Ça fait plaisir de vous retrouver tous ensemble, sauf Samy. Mais qui devrait débarquer, on va le forcer, hein. Il devrait débarquer avant minuit dans l'émission. On espère. Ouais, on espère. Il a très très peur. Oh, je veux pas venir, il sonne trop mauvais. Oh, il sonne plus mauvais que le vieux porc. Ah, ça c'est clair. Oh, ouais. Il sonne mauvais. Oh, la cagade, il sonne. Oui, il sonne la crotte, oui. Ah, cagade, fort. Bon. Il arrive. Comment? Il arrive, il met des chaussures. Qui? Me demandez pas pourquoi. Samy. Ah, il met des chaussures. Je crois que je le laisse avec ses deux mains pour lacer ses chaussures. Très bien. Bon, on va retrouver Samy dans quelques instants. Donc, je rappelle tout de suite. En direct avec nous. Et bon, bah voilà, ça fait plaisir, Cédric. Le retour ce soir. Alors, t'as réservé une grosse soirée ouais. Exceptionnelle pour toi. Avec déjà la venue tout à l'heure de Big Flo et Oli. Ah, ça, c'est cool. Et oui, ils viennent nous rendre visite. Big Flo et Oli qui reviennent nous voir tout à l'heure avant minuit. Donc, ils ont un truc à la Cigale pour un truc pour l'abbé Pierre. C'est un truc sympa. Ouais, qu'ils font. Il y a eu tout ça aussi. Il y a plein de monde. Il y a Fredo, il y a Black deuxième. Y a... Oui, oui, il y a du monde. Ils nous en parleront tout à l'heure. Mais surtout, pas, mais... juste après ça, ils viennent nous voir. Donc si vous avez des trucs à dire à Big Flo et Oli, soyez là. Laissez vos messages même dès maintenant avec la nouvelle appli Skyrock et avec le 41759. Vous laissez tout ça et puis on vous retrouve en direct avec Big Flo et Oli. Tout à l'heure, Big Flo et Oli. Eh ben oui, ils sont sur la BO de Bryce The Nice numéro 3. C'est ça, ouais. C'est eux, Big Flo et Oli. Tu vois, ça c'est un grand retour, Cédric, tu vois. Tu reviens et des stars viennent nous rendre visite. Ouais, voilà. Ah, c'est beau, hein. Ouais. Juste pour toi, Jean. J'aime bien, titre. Big Flo et Oli qu'on va retrouver tout à l'heure. Bon, t'as prévu des trucs ce soir. Oh, mais dis donc. Je vois ça, il y a des cadeaux et tout. Attends, donne-moi les cadeaux. Ah, non, attends. Alors, Cédric, ça c'est de ma part. Je t'ai acheté un cadeau. Toi, t'as acheté un cadeau. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Romano, t'as acheté un cadeau pour de vrai. Ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est quoi cette encore? Non, c'est ça pour toi. Voilà, attends, parce qu'il y a plusieurs cadeaux. Mais non, je veux le grand, moi. Non, toi, t'auras ça, toi. Tiens, Cédric. Et ça, c'est quoi ça? Ah, c'est à moi. Très bien. Bon, ben voilà, Cédric. En fait, c'est pas du tout Romano qui l'a acheté, c'est Pierre, le boss de Skyrock. Ouais. Pas du tout. C'est moi. Bah, merci Pierre. C'est moi qui l'ai fait. C'est de sa part, c'est encore une saloperie. Non, mais comme c'est Pierre, ça va, je peux l'ouvrir tranquille. Ouais, Pierre, il est non, sympa. C'est des chocolats, ouais. Ouais, Pierre, il est sympa, il veut te faire grossir. Ah, c'est gentil. C'est, bah, merci Pierre, tu fais un gros bisou. Voilà, si vous avez un cadeau pour Cédric, une idée pour Cédric, n'hésitez pas, un message à lui passer, n'hésitez pas non plus. Hein. Et puis donc, avant minuit, l'arrivée de Big Flo et Oli en direct dans l'émission. Bon, on a prévu, c'est pour moi ça, Romano. Bah, non, mais je crois que c'est... Non, non, c'est pour moi. Non, non, mais je crois que c'est... Ah, c'est un truc pour toi. Ah bah oui. Ah non, mais l'autre, il me pique mon courrier maintenant. Ah ouais, non, non, mais je crois une boîte. C'est maladif. Non, non, mais c'est malade. Je peux l'ouvrir? Ah bah si tu veux, c'est des lunettes, mais. Ah non, mais je... non, parce que je croyais que c'était les buzzers. C'est... Oui, alors il faut que tu l'annonces, Romano, ce soir. Alors attention, ce soir. Ouais. Ah ouais, exceptionnel. Bon, grosse soirée. Hein. Oui, oui, oui, oui, oui. Mais attention, ce soir, nous allons élire le gros con de l'équipe. Question pour un gros con. Oui. Ce soir, c'est la finale. Ah. Allons pas direct à la finale, nous. Il y a pas eu de tour préliminaire. C'est direct la finale. On le sait, quoi. C'est Karim contre Cédric. Exactement. Parce qu'on a remarqué que depuis que t'étais plus là, que Karim essayait de lutter contre toi au niveau de la. Mais j'ai entendu. Ouais, et de la culture. Non, mais tu sais, il était assis à ta place. Je pense que ça a eu une incidence. Je crois que c'est à ta place. Je crois que c'est le siège. Ouais. C'est contagieux. Donc ce soir, on va voir qui est le plus con. Oui, on fera une grande question pour un gros con. Et Samy est avec nous en direct aussi. Et puis j'aurai quelqu'un à te présenter dans un instant, juste pour te faire plaisir, Cédric, quelqu'un qui voulait fêter ton retour. Ah. Samy en direct. Alors en direct du TGV. Bah alors, salut, Samy. Salut Samy. Comment ça va? La bonne excuse du TGV pour pas venir à la. À la grande fête. À la grande fête du grand retour de Cédric. Grave, j'ai fait jeter un mec devant le train. Samy, ne viens pas, il est moche. Je t'assure, ne viens pas, il est trop chum. Romano a perdu l'habitude, oui, ça c'est un truc de ouf. Alors, bah, je t'assure, tu vas être choqué. Ah, c'est vrai, putain merde. Ah ouais. Ça l'a pas rangé l'histoire de la clavicule cassée. Ah non, non. Non, ça va. Ouais. Non, mais t'as les cheveux longs, mais tout est bien. T'as vu, bordel. J'ai pas touché le coiffeur depuis deux mois. Gros. Il a un peu la coupe de Bryce The Nice, mais en brun. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, non, mais je vais aller chez le coiffeur dans la semaine. Tu veux pas qu'on trace, c'était pas prévu. Ah ouais, pas con. Non. Qu'est-ce que tu fous en plein milieu de la Bourgogne, Samy? Il y a une vache qui s'est jetée sous les voies. Non, au début ils ont dit que c'était une vache et finalement au bout d'une heure ils ont dit que le mec s'était jeté. Ah. Donc ils doivent faire une enquête machin pour faire redémarrer. Déjà les enquêteurs ils sont un peu biglouches parce que confondre une vache et un humain, à moins que ça soit une personne de très grosse corpulence. Exactement. Ouais. Salut les filles. Cédric, tu ne t'es pas mis. Voilà, je me suis mis sous le TGV. Non, je suis là moi. T'es pas mis sous le rail du TGV, non? Non, du tout. Très bien. Je me suis demandé. Bon ben on t'attend alors, Samy. Ouais, bah là en fait. Mais là, t'es où? T'es en Bourgogne? Ouais, je sais pas, vers Montbard. Ah, Montbard, bien sûr. Montbard. Ah, Montbard, ouais. Ah, Montbard. Ouais. C'est vous qui êtes Skyrock sur 96.2 dans le coin là-bas. Ouais, ouais. Très bien. Ah, mais là, c'est la Beurche. Ah, bah t'es en plein là-bas. Ah, là, c'est la Beurche bourguignonne. Ah, la Beurche. Eh, il va à Montbard, il fait marche arrière jusqu'à Montbard. Et à Montbard, on prend une voie, mais pas haute vitesse, tu vois. Pour d'accord. Aller jusqu'à Paris. Ah, une voie de genre. De trains régionaux, bon courage. Donc ouais, avec un peu de chance, tu ne seras pas là pour la première de Cédric avant minuit. On verra. J'espère arriver quand même, je vais voir sa tête. Bon, surtout qu'on a prévu un truc pour Big Flo Oli tout à l'heure, on a une épreuve pour eux, restez bien dans le coin. Non, c'est pas un blackout, parce qu'il y en a qui nous demandaient un blackout avec Big Flo Oli, c'est vrai qu'on en a fait des bien beaux avec eux. Ouais, c'est vrai. Non, c'est pas un blackout qu'on va faire ce soir, c'est encore plus fort, c'est rapport avec Bryce The Nice. Ouais. Mais on vous tiendra au courant avant minuit. Bon, une grosse soirée. Il y a la 3G dans la Beurche, c'est cool. Bah, attends, tu rigoles, Roman, il est équipé. Hein. Roman, on l'a fait installer. Attends, hein. Ça. Ah bah attends. Full HD quoi. Ouais, tu vas voir, dans 100 mètres, tu vas plus rien avoir. Tu vas pas bouger. Tu vas pas avoir un truc de réseau, rien du tout quoi. Bon, profites-en. Voilà. C'est cool, je m'éclate. Ouais. Bon, ton dossier des doubles appels, il est où? Il est dans ton placard? Ah bah oui. Parce qu'on a plein de numéros qu'on va récupérer dans les numéros que vous nous avez laissés pour appeler les familles de France. Il y a un tas de numéros au-dessus de Cédric. Très bien, on va récupérer tout ça et on se fait le double appel. L'arrivée des buzzers pour question pour un gros con. Bah si t'appuies pas dessus. Oh putain, le bruit. C'est bien. Bon, si vous avez des questions à poser à... T'as vu, t'as un buzzer, t'es content Karim? Tu veux lequel Cédric? Le violet? Ou le violet? Ah, le violet. Non, moi je veux le bleu, moi. Non, t'auras le violet, je trouve que ça va bien avec le bleu, c'est ma couleur préférée. Fais voir le mien. Ouais, prends ça, ouais. Moi je veux celui-là, ouais. Prends ça. Je te donne le bleu, tu veux le bleu, on est gentil avec toi. Bon, nos buzzers, ils sont prêts pour nos questions pour un gros con. Tout à l'heure, le retour du clash en face à face. Cédric et Romano, l'un en face de l'autre, qui va gagner, on verra ça tout à l'heure. Le double appel, les familles aussi. Et Cédric, on voulait fêter ton retour avec. On fera la pesée aussi. Je vois le câble HDMI de la PS4 qui demande tu pèses combien maintenant? On fera la pesée avant minuit. Et il y a Speedy Gonz qui dit vous allez faire du surf dans la radio libre. On peut l'annoncer. Allez, oui. Oui, on va faire du surf avant minuit dans la radio libre. On a installé un océan. Ouais. Sur un océan. Un surf sur un océan. On a préparé les vagues et c'est parti. D'ailleurs, on peut tester. C'est bon ça? Non, on ne peut pas tester pour le moment. La vague n'est pas prête. Toujours on pas. Installe l'eau, Romano. On est en train de remplir la baignoire. On est en train de foutre un bordel aux étages de Skyrock. Là, on a mis une planche de surf, un océan. Enfin, ça va être la folie. Ça sera un truc minuit. De dingue. Alors, bon, on a tout ça à faire d'ici minuit. Puis vous tous et vous toutes, je vous le savez, hein, même si Cédric revient aujourd'hui, vous avez la priorité. C'est au 01 53 40 30 20 pour nous appeler. Je suis sur quoi là? Sur Snap. Bonjour Snap. Vous allez donc au 41 759 avec la nouvelle appli Skyrock pour nous laisser des messages. Et au 01 53 40 30 20, comme je vous le disais, on salue Sarah qui a la clavicule cassée aussi. Elle compatit avec toi. Cédric, cool que tu sois revenu. Ah, gros bisous à toi. Enfin, un beau clash. Tu pourras arrêter de dire que Romano te bat parce que tu es au téléphone et lui à la radio. Il va te mettre ta race. Exactement, c'est ce qui est prévu. T'as tout compris. Ta race aujourd'hui. Ah, pas sûr, pas sûr. C'est Fab qui nous laisse le message. Si, je vais te mettre ta race pour on verra, tour. Mon gars, on verra. Salut à toi, Fab. Et puis des questions pour Big Flo Oli qui défile. Bon, Big Flo Oli, question pour un gros con. Le clash de la drague, le double appel, ça va être chargé ce soir. Du surf. Hein. Du surf dans l'émission. Et puis surtout, son grand retour. Il est là. On le retrouve tel qu'on l'a laissé, malheureusement. C'est Cédric. Dans la radio libre. Je suis là. Quelle grande journée. Nouvelle appli Skyrock, le retour de Cédric. Big Feu Oli tout à l'heure. C'est la folie, ouais. Et puis une surprise pour démarrer l'émission. Ah ouais? Quelqu'un qui voulait fêter ton retour, Cédric. Il est là. C'est qui? Il est avec toi. C'est Tonton. Bonjour. Casse-toi. C'est Tonton Jean-Marie. Bonjour. Bonjour Tonton Jean-Marie. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Eh bien voilà, il est content. Bonjour. T'es content Cédric? Putain ouais. Eh ouais ouais. Eh ben oui, Jean-Marie Le Pen qui vient fêter le retour de Cédric. Vous plaisantez ou quoi? Ah bah non, pas du tout Monsieur Le Pen. Il est là. Ça fait rire toute la France. Ah bah oui, bah c'est Cédric qui revient dans la radio libre. Ouais, c'est l'événement. Et oui, c'est aussi fait pour faire rire toute la France. N'est-ce pas? Ah, attention. Je vais te faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Mais il est pas rouquin, il est brun, il a les cheveux sales. Je vais te faire courir. Je vais te faire courir, tu vas voir, rouquin. Bon, pour te faire plaisir, Cédric, Jean-Marie Le Pen est un des meilleurs appels de Jean-Marie Le Pen. Ah ouais, ça c'est bon ça. Qu'on va retrouver, puisque tu l'as loupé la semaine dernière. Spécial dédicace, Cédric. Ouais, spécial dédicace. Écoutez bien. Ah, il est content. J'espère qu'on va pas faire intervenir dans ce truc. C'est un réveil de star. Non. Un réveil de star spécialement pour toi, Cédric. Écoute bien, et puis dans un instant, les autres surprises, il va y en avoir plein. T'es content? Ah bah oui. Et ouais, tu vois, regarde, je savais que Cédric votait Jean-Marie Le Pen. Ah non. Un beau message que vient de nous envoyer Kader. Ça non, mon pote. Salut à toi, Kader. On va pas jusque là. Tonton Jean-Marie est venu là pour toi, trop drôle. Lol, nous dit le Gueule sur SMS. Salut le Gueule. Bah salut ma gueule. Et salut ma gueule aussi. Salut le Gueule, salut ma gueule. Tiens, pour ton plaisir. Spécial dédicace. Écoute bien, Cédric. Vas-y. Écoute bien comme c'est beau. Attends, c'est la nouvelle appli. Allô. Moi j'essaye. Bonjour. Bonjour. Est-il exact que vous ayez la double nationalité? Ah non. Vous êtes algérien ou vous êtes français? Vous êtes turc ou vous êtes français? Vous ne pouvez pas être les deux à la fois. Je suis français. Vous plaisantez ou quoi? Si ça vous fait plaisir, venez. Ça fait rire toute la France. Bah ouais, ça me fait rire. C'est quoi le problème? J'ai qu'une bourse. Ouais. Deux secondes, arrête de me parler dans les oreilles, deux secondes. Allô? Là, la petite, là, qui est là, elle ferait mieux de porter une bourcotte. Ouais, mais y a pas de souci, elle me le dire en face maintenant. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu parles avec qui? Le Jean-Marie Le Pen. Ah ben, viens. Viens, Jean-Marie Le Pen. Je suis à courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Ah, c'est con, je suis pas où. Ah non, c'est rien l'histoire. C'est quoi l'histoire? C'est rien l'histoire. Allô? Joyeux Noël. Noël, c'est pardon ça. Il est né le divin enfant. Pour toi, c'est Nick. Et on voit résonner Buzette. C'est quoi là? Au lieu de jouer le bill, c'est quoi? Si t'es si malin que ça, t'as mon numéro de téléphone, donc t'as mon adresse. Donc au lieu de jouer le bill, à faire du je suis Jean-Marie Le Pen, machin. Alors vas-y maintenant, si t'es un vrai bonhomme, vas-y, viens chez moi, t'as mon numéro de téléphone, t'as mon adresse. Viens, je vais t'enterrer dans mon jardin, c'est quoi ton problème? C'est quoi le problème? Passe-moi le téléphone. Criez moins fort, ça va réveiller un certain nombre de personnes qui dorment tranquilles. Viens, je t'attends. Ferme ta gueule, viens, je t'attends. Allô? Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. C'est quoi le problème? Pourquoi vous nous appelez? Je n'ai pas fait et la déclaration. De dire qui vous êtes et pourquoi vous nous appelez. J'ai le droit de vous défendre. Vous nous dites même pas qui vous êtes et vous nous dites même pas pourquoi vous nous appelez. Vous me laissez pas la parole, quoi. On se croirait chez les bolcheviks ici. Mais si c'est pour entendre dire des conneries, allez-y, je vous écoute. J'ai qu'une bourse. Ah, mon pauvre monsieur, bah, je suis désolé pour vous. Ça va bien vous embêter, tout ça. C'est un autre problème, c'est un autre jugement. Ouais, salut, pauvre con. Pauvre con. Au secours. Jeanne, au secours. T'es content, Cédric? Ça fait plaisir. Ah, fait ah plaisir. Il est content. Ah ouais, ça lui a donné le sourire, dis donc. Quand je t'avais dit qu'on allait avoir plein d'habitués qui déchiraient. Hein non, c'est si vous voulez te réveiller. Moi, c'est un des meilleurs réveils de Sarre qu'on ait fait, qu'on ait fait le matin. Je l'adore. C'est assez drôle. Hein. En effet, Kenny Dugère, j'arrive au bon moment. Et comment va Cédric? Alors, Cédric, comment ça va, dis donc? Bah, écoute, ça va, tranquille, nickel. C'est vrai. Là, juste un petit peu de rééducation au niveau de l'épaule, mais c'est bon. Très bien. C'est reparti. Ouais. Ah bah, je vois. Mais c'est normal que t'aies plus d'attelle? Non, non, je l'ai, mais je la retire de temps en temps. D'accord. Mais en fait, t'es un gros con. Ah non. Il va se retrouver avec une Là, tu vas faire 2 mois que je la mets, c'est bon. C'est là, pas je mal sur quoi. Ah, mais tu vas te retrouver bancal. Hein. Mais non, déjà que t'étais pas bien beau à voir. Non, juste la bosse en fait, j'ai l'os qui sortira à vie, quoi, en fait, là. Là. Ça va? Ouais, ça va, hein, franchement, regarde ouais, ta tronche, il y a pire. Yeux, hein. C'est vrai, c'est vrai, il y a pire. Et bienvenue. Au programme, vous tous et vous toutes, vous avez un message pour Cédric, vous envoyez, vous voulez parler à Big Flo et Oli, vous envoyez aussi, vous nous laissez vos messages en direct. Est-ce que Jerem Star sera là ce soir? Romano, tu t'es occupé de Jerem Star? Bah vas-y, hein, si vous voulez, on essaye de l'appeler, parce que le mec fait sa star et ne répond jamais. Donc, attends, mais tu sais pas qui tu parles. T'as pas réussi à le vendre depuis. Jerem Star, c'est quand même le mec qui interviewe tous les gars de télé-réalité dans sa baignoire. Romano, respect un peu, s'il te plaît, s'il te plaît. Ah, tu vois, regarde, tu parles de lui, il t'envoie immédiatement un message et ça, c'est quand même super. Tiens, Karine, je te donne le numéro, essayons de l'appeler. Bon, on va tester les familles du double appel. On vous attend en direct. Et puis, un truc qu'on avait lancé vendredi, puis on en a pas reparlé, on n'a pas fini. On vous a demandé, est-ce que vous étiez déjà sorti avec quelqu'un qui avait mal parlé de vous, juste après, notamment de vos performances sexuelles. Et on avait lancé un autre sujet, on vous avait demandé si vous étiez déjà tombé sur un mauvais coup. Donc, comme on n'a pas eu le temps de faire ça vendredi, eh bien, on va en reparler. On fera un point aussi sur les stars qui sont des mauvais coups. Ouais. D'ici minuit, c'est pour vous, c'est sur Sky, vous en saurez plus. Quelles sont les stars qui, selon leurs ex, sont des mauvais coups? Et puis, si vous aussi, vous avez des ex qui ont été des mauvais coups, alors vous sortez avec une meuf ou un gars qui est un mauvais coup, vous pouvez nous faire signe comment ça se passe, comment vous gérez l'histoire, et puis bah, racontez-nous tout ça. Vous êtes sorti, vous sortez, vous nous dites au 41759 et avec la toute nouvelle appli Skyrock que vous pouvez télécharger pour tout déchirer tout au long de la soirée. Bon, une grande soirée qui démarre. Big Flo Oli tout à l'heure et du son à écouter. Qu'est-ce qu'on va se mettre là pour démarrer? On s'est mis un petit PNL tout à l'heure et ça c'était bien. Bah, moi j'ai bien aimé. Ouais. Et bien on peut continuer avec. Bah tiens, le ghetto phénomène. C'est bon ça, hein? Maria. Jules et le ghetto phénomène, c'est maintenant, c'est sur Sky et c'est Radio Libre jusqu'à minuit pour le grand retour de Cédric. Oui, salut les filles. Salut les filles. Skyrock. Ils ont gagné 1500 euros dans le morning de Diffoul sur Skyrock. Et ils savent ce qu'ils vont en faire. Honnêtement, je viens de déménager, du coup c'est super. Je vais faire une grosse soirée avec mes potes, ça va être génial. Je vais faire plaisir à mes amis. Je vais m'acheter une pomme. Bah elle est dépensée. Ah bah moi je garde tout pour moi. Non mais attends Romano, je t'ai reconnu, t'as pas gagné les 1500 euros toi. Allez, tiens. Quand Diffoul t'appelle et te demande quelle est ta radio préférée, réponds Skyrock. Et après, fais-toi plaisir. Le morning de Diffoul, 6h-9h sur Skyrock. The morning show. Jack Reacher, vous êtes qui, nom de Dieu? Never go back. Celui que vous n'attendiez pas. Tom Cruise, sans concession. Il est temps qu'on se mette en chasse. Sans remords. Faudra pas m'en vouloir. Sans retour. J'aime pas qu'on me suive. Jack Reacher, never go back. Tom Cruise. Vous êtes une légende. On raconte quoi d'autre? Mercredi au cinéma. Je suis pas la loi. Pour augmenter tes chances de gagner 1500 euros,

vais partir. Je veux pas finir sous un pont qui est dans un parking. Mais tu sais que la retour, pour nous c'est la routine. Un aller sans retour, sur le 47 à Poutine. Et je patine, et je patine, du mal à vivre à 200. Et je taquine, et je taquine, tu finiras par prendre ma leçon. Oui, leçon. Comme tout l'on est fait d'or et platine. Innocent, coupable, mes frères, on a marre des gants. Fais pas les donner. Tu le sais qu'on connaît, oh. On connaît, connaît, connaît. Fais pas l'étonner, oh. De la maman maille, ouais, il m'en fout. Tu le sais qu'on connaît, oh. On connaît, connaît, connaît. Je reste fidèle au party, yo. Je reste fidèle au party, yo. Ils ont mis l'œil sur ma gali, yo. Ils ont mis l'œil sur ma gali, yo. Je t'ai rien fait, tu me salis, yo. Je t'ai rien fait, tu me salis, yo. Oh Maria, Maria. Qu'est-ce que t'attends pour marier? Oh Maria, Maria. Phénomène, le groupe de Jul, enfin le pote de Jul, le son avec Jul dessus, c'était Maria Maria sur Sky. Radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Ah, et merci pour tous vos messages, ça fait plaisir. Le grand retour de Cédric et Gangsta qui vient de saluer du 75-015. Content du retour de Cédric. Pour ça, votez Cédric au Clash. Faites gagner Cédric au Clash. Il a lancé le hashtag Radio libre de Diffoul Romano et il fait de la promo pour Cédric ce soir. Bah ouais, mais y a pas de problème. Vous allez voter Romano ce soir, mes amis. J'espère que je compte sur vous. Cédric. Ah. Qui a dit ça? Il vient de dire le message, Diffoul t'es con ou quoi? Oui, mais c'est qui disait ça? C'est Gangsta. Ah ouais? Oui, donc c'est pas Diffoul qui incite à voter Cédric. Gangsta. Non, ah non, Gangsta, Diffoul est l'arbitre, je resterai entre vous deux jusqu'au bout. Ça, sinon il y a l'avant-embrouille direct. Voilà, la team Cédric est là pour Funny Gamer. Pour le retour. La team Romano lâche pas l'affaire aussi. On va vous retrouver. Ah non, mais on lâche rien, nous. Hein. En face à face, on aura Big Flo et Oli qui débarque tout à l'heure. Vous lancez le hashtag Big Flo et Oli sur Skyrock si vous voulez leur laisser des messages. On va les retrouver en direct avec nous avant minuit. Ils débarquent aux alentours de 10h, 11h. On va voir. Dès qu'ils ont fini leur truc. Tranquille. À la Cigale, ils sont à la Cigale ce soir. Ils débarquent avec nous en direct et vous pouvez débarquer à n'importe quel moment de l'émission, hein, dès que vous avez un truc à nous dire, dès que vous voulez faire les cons avec nous, on est là, on aura du gros son en plus à écouter ce soir. On écoutera du Booba, on écoutera du Big Flo et Oli, on écoutera du Designer, MHD aussi avant minuit, c'est pour nous. Et puis qu'est-ce qu'on a prévu d'autre? Ken Jones aussi avant minuit également. Bon, on a le temps de faire plein de choses ce soir. On va s'occuper des familles du double appel d'ici quelques instants. Et puis là, on avait Thibaut qui voulait absolument nous parler. Salut à toi, Thibaut. J'imagine c'est pour le retour de Cédric. Eh ben oui. Ah ouais? Oui, c'est vrai. Ah ouais. Wow. Salut Thibaut. Ouais, Thibaut. Ouais, salut, ça va quoi? Ça va Thibaut? Salut Thibaut! En direct salut du 95, filles. Salut les filles! Salut les filles! Salut mon pote! En direct de Cergy! Ça va ou quoi ma gueule? Ouais, tranquille et toi Cédric? Ouais, ça va, tranquille pépère, on se remet, hein, normal. Alors t'es content, il est de retour? Ouais, ça y est. Ouais, ça fait plaisir. Il y aura du niveau un petit peu. Ah, ça, j'ai remarqué tout de suite, ça monte au niveau de l'émission, au niveau intellectuel déjà. T'as vu un peu? Au niveau bogossitude aussi, l'émission elle est dans un swag total ce soir. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ça swag total. Ah, mais c'est clair. Et, absolument, oui. Absolument. Ouais. Absolument. Et les filles, j'imagine que vous êtes très, très, très excitées ce soir où que vous soyez, dans votre lit, dans votre voiture. Bah, j'ai même envie de te dire que ça doit mouiller de la culotte. C'est certain. Ça, on peut le dire. Regardez Marie. Marie est inondée. Marie, dans quel état elle est ce soir? J'ai changé de culotte. Tellement elle est mouillée. Ah bah ça va vite, hein. Et ouais. C'est tellement excitant. Alors qu'est-ce que tu voulais dire à Marie? Il a oublié Cédric, on passe à Marie. D'un coup Cédric s'en bat les couilles. Ouais, bizarre, ouais. Je te comprends Thibaut, je te comprends. Qu'est-ce que t'avais à dire à Cédric ce soir, mon bon Thibaut? Bah rien, ça fait plaisir le retour, puis bien le chauffe quoi, faut bien faire quoi. Ah, t'es déjà dans le... Merci ma gueule. T'es déjà dans le game, toi. Le game de ce soir, oui. Il y a un autre jeu qu'on va faire ce soir, c'est question pour un gros con. Est-ce que tu encourages Cédric également pour ce grand jeu? Il va jouer contre Karim. Et Romano, il a des questions. Gars. Romano, c'est Julien Lepers ce soir. Exactement. Avec moins de cheveux, pardon. Avec moins de cheveux, c'est vrai. Romano Lepers. Tu as un truc à demander à Cédric, Thibaut? Profites-en, hein. J'ai pas d'argent. Non, t'inquiète pas. Non, rien de spécial. Il faut que tu gagnes des classes, c'est tout. Ah, bah merci, ma gueule. La team Le Belge, elle est là. Elle est là, la team Le Belge. J'espère que ce soir, je vais gagner mon premier clash, tiens. Oui, j'espère que tu vas gagner question pour un gros con. Oui, question pour un gros con. Tu seras élu gros con de la soirée. Oh ouais, j'espère de tout mon cœur. Merci, Thibaut. Raccroche pas, Thibaut. Il y a Tom aussi qui est là en direct de Beauvais avec nous. Bonjour, Tom. Bonjour. Bonjour. Tom. Ça va, Tom? Ça va bien et vous? Eh ben écoute, ça va bien aussi. T'as 16 ans et t'es à Beauvais, toi. Salut Tom. Tu voulais aussi fêter le retour de Cédric avec nous ce soir. Ouais, ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Ça va quoi, ma gueule? Ça va? Tu lui as manqué. Bah, moi aussi, tu m'as manqué, chérie. Ouais, ça va. Et voilà. Vous m'avez manqué. On va se calmer quand même. Non mais vous m'avez manqué donc ce soir ça me... Non mais ça me fait plaisir en plus d'envoyer. Ouais, j'espère que tu vas tout déchirer ce soir. Ah, j'espère aussi. Déchirer à quoi tu veux dire? Au clash de la drague, vous voulez bah dire. Bah oui, évidemment. Il va se faire déchirer, ouais. Moi je veux pas vous. C'est l'événement ce clash, ouais, le retour en face à face. C'est dingue. Hein. C'est la soirée propagande. Je peux pas vous inquiéter la team le belge hein. Mais le fait qu'il soit dans le studio ne va pas faire monter son niveau hein. Ça peut par contre pour le grand retour de Cédric faire monter la team Cédric qui est très très présente ce soir. Ah ouais, tu devrais mobiliser la tienne. Ah bah ce qui est sûr c'est que depuis que t'es arrivé l'audience est en baisse. Ah t'as des chiffres. Vous savez qu'on avait multiplié par 5 pendant ton absence, Cédric. Pendant ton absence, on a multiplié par 5 l'audience de la radio. Ouais, mais cher. Ah bah là, on a déjà divisé par 2, là. Ah merde. Oh bah merde. Il va vite falloir remonter le niveau. Non, mais la team Romano, soir, votez Cédric. Pour mon grand retour. Mais qu'est-ce que tu, pourquoi on voterait pour toi? Parce que c'est mon grand retour. Bah, t'as qu'à pas être absent. Il y aura pas de cadeau, hein. Ça me ferait plaisir. Mais aussi, c'est mon retour, hein. Il y a le week-end. Wouh. Oh, Romano est de retour également aussi. Je suis de retour après le week-end. Pas con. Bon. Tu t'es déjà cassé un truc, toi, Tom, ou jamais? Non, jamais. Jamais. Moi, qu'est-ce que je me suis cassé ici? Moi, je me suis cassé un doigt de pied, moi. Ah, l'épaule aussi. J'ai souffert le mars. Non, mais l'épaule, c'est pas cassé, elle est déboîtée. L'épaule, elle se déboîte, et puis moi, je pars pas trois mois en vacances. Quand non, je me c'est clair. Mal à l'épaule, ça, c'est clair. Tu déboîtes l'épaule, et ça n'a rien à voir avec péter, quoi. Ah, bah, quand je me suis pété le doigt de pied, est-ce que j'étais pas là tout là, le temps? Je te quatre côtés. T'étais tout le temps là, dit foule. Tout le temps là, ouais. C'était pendant les vacances. Mais en fait, Cédric, pendant un mois et demi, il se souvenait plus les horaires de l'émission. C'est-à-dire qu'il sortait entre 9h et 21h. Oui, 9h du matin, enfin du et entre minuit et 6h. Mais le reste du temps, il ne sortait plus de chez. Non, mais j'attends que tu viennes me chercher, connard, pour me ramener à la radio. Ouais, mais Romano n'a pas de bétaillère. Non, mais je suis pas taxi. Oui, je suis pas taxi non plus. La soeur, t'as bien réussi à venir. T'es vraiment une salope, parce que quand toi, t'étais en galère de voiture, qui c'est qui te ramenait le soir? Ouais, mais en l'occurrence, c'était plus de la direction que t'allais que la mienne. Non, rien à voir. Et Romano, il est tout petit, il peut rentrer dans le vide-poche. Donc, moi, je tenais pas de place. Et puis, voilà ce que je subissais quand je montais avec Cédric. Le mec pétait pendant tout le trajet. C'est vraiment voilà, excuse-moi, je me suis retenu pendant toute l'émission. Maintenant, il faut que je lâche les gars. Et là, Romano, il se mettait à la fenêtre pour essayer de respirer et de pas mourir. Non, j'avais pété une fois, ça va. Oh, ouais, mais sévère. Ouais. Une fois sur une semaine. Est-ce que t'as déjà fait l'amour, Tom, ou tu es encore vierge? Non, pure. Jamais. Tu es pur, tu es malheureusement. Sais. Non, mais je voulais te demander ça parce qu'on va parler des mauvais coups, en fait. Tiens, j'ai pas demandé à Thibaut. T'es toujours là, Thibaut? Oui, toujours là. Toujours là. Est-ce que t'es déjà tombé sur un mauvais coup ou est-ce que toi-même tu es un mauvais coup, Thibaut? Team le Belge, mauvais coup. Hein. Ah, voilà. Team le Belge, mauvais coup. Non, mais c'est bien de le dire. Je suis précoce, en fait. Tu sais, on devait en parler vendredi. Toi aussi, tu es précoce, en fait. Je suis précoce, en fait. Pourquoi t'es précoce? Copain. Je voulais te demander ça parce que pour fêter le retour de Cédric, on a lancé un grand sujet. Le sujet, je suis un mauvais coup ou j'ai connu un mauvais coup. Si ça vous est arrivé, merci d'ailleurs pour les messages. On l'a lancé pour toi, Cédric. Pourquoi pour moi? Regarde, la pile du Racel témoigne. J'ai eu un très très mauvais coup pendant 3 ans. Alors j'allais voir ailleurs. Je suis tombé après sur une cougar d'expérience. Elle me faisait des trucs que j'avais jamais fait. Tu vois, lui, il est tombé sur un mauvais coup. Dis-nous pourquoi c'était un mauvais coup là. Merci pour les messages que vous envoyez là. Moi, j'ai eu Moshita au standard. Je vais vous la passer dans pas longtemps, les gars. Moshita est en ligne. Je la brief, elle se met dans un endroit où il n'y a pas de bruit et tout, et je vous la passe. Ah non, mais elle n'est pas joignable. Donc on va retrouver Moshita, très bien. Merci Karim. Elle est sympa, c'est Moshita, elle voulait fêter le retour de Cédric. C'est marrant parce que. Elle est vraiment cool, moi je l'aime bien. J'avais invité Moshita, mais elle n'est pas venue dans le studio, là, au téléphone. Non, mais je crois qu'elle voulait pas. Et j'avais invité également Pamela, et hop, pour l'instant, pas de nouvelles de Pamela. Chelou. Moshita, on vient de me dire au standard qu'elle n'a pas de réseau. Ah bah si, parce qu'elle est en ligne. Elle capte plus. Si, je l'ai passé, gros. Bah oui. Il est décidément complètement con. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, salut ma belle, comment ça va? Coucou. Ça va bien? Alors je t'ai manqué, mon cœur. J'entends une voix dégueulasse. C'est lui qui est de retour, Moshita, mais tu le sais, je t'ai dit de venir spécialement pour lui, t'es pas venu? Ah oui. C'est pour ça que tu es au téléphone? Oui, je ne pourrais pas venir du coup. Oh merde, c'est ouf ça, qu'est-ce qui t'arrive? Je veux pas voir sa gueule. Je suis malade. Ah, tu es malade? Je viens de te soigner ce soir. J'ai beaucoup malade. J'espère qu'elle nous fera pas le même coup, enfin que Big Flo et Oli nous feront pas le même coup que Moshita. Ah bah je suis pas sûr qu'ils viennent. Ah ouais merde. On a invité Big Flo et Oli, ils viennent ce soir vers 10h 11h ils ont dit. Ils se tâtent encore. Ils se tâtent en pensant à Cédric sans doute. Bah c'est ça, ils se tâtent la bite évidemment. Ouais. Et donc tu voulais témoigner pour les mauvais coups toi? Ah bah Cédric champion. Ah champion c'est champion, tu vois. Champion mon frère. Du monde. Merci ma belle. Il comprend. Champion mon frère. Il comprend rien. Non mais écoute, c'est bien, ça fait plaisir. Oui merci. Et oui Cédric, champion mon frère. Champion mon frère. Donc les mauvais coups et Moshita qui voulait donc un petit témoignage, c'était quoi le petit témoignage rapide? Arrosage de poils, c'était bien. Ouais, ça c'était à la fin ça, ouais. Non, c'était au début malheureusement. Non, c'était avant même qu'il rentre. Ouais, bien sûr. Alors, avant même que tu rentres, il y a eu arrosage de poils. Il approchait son sexe sale et odorant. Non, il était propre. Il était propre, t'aimais ça, espèce de mytho. Ben. Et à ce moment-là, il voyait ma toison pubienne. Ah, dégueulasse, putain. Pouf, pouf, pouf. Ah, tu vas me faire vomir. Et là, il disait, oh merde, c'est parti tout seul, excuse-moi, Mojito. Oui, bah moi, j'étais bien contente. Bah, c'est pas grave, mon chéri, je vais aller me laver. Bon, bah merci, Mojita, si tu peux venir avant minuit, ça serait super. Hein. Bah ouais, viens nous faire un petit coucou, oula, ma belle. C'est pas sûr, hein. C'est pas facile. Je fais mon maximum, vous connaissez. On fait une grosse teuf ce soir. Oui, oui, oui. Bah, en tout cas, ça fait plaisir de voir que vous êtes tous là. Bonjour à Bozio et le Clouno qui est là. Bonjour à XR2 qui vient d'arriver. Il y a Vic du, Vic 99 qui nous laisse un message. On te fait une bise, ma Vic. Vic 17 ans. Bonjour à ta gueule, à Tony du 13, à Sam Sider. Bonjour, Sam Sider. Fresh Sam. Et, Cédric, tu en as de la chance, il nous dit, Sam Sider. Et ouais, car tu es revenu. Ça fait très plaisir à Romano, comme ça. Eh ouais. Non, mais c'est vrai, je suis content, moi. Bon, on prépare. Ça me fait plaisir. On prépare question pour un gros con. Écoutez le buzzer de Karim. Appuie Karim. Ah, ça, c'est toi. Voilà, ouais. Et ton buzzer, Cédric? Ah. On vous a prévu un grand test ce soir. Alors, comment on fait? On fait en trois manches? On fait. Combien de points? Combien de questions? Oh, bah, des questions, il y en a à l'appel. Hein. T'en as à l'appel? On peut faire. Ouais, on va faire une série de 5, Cédric, t'emballes pas. Oui, série de 5 questions, c'est bien. Ouais, série de 5. Ouais, c'est déjà pas mal. Et après, on fera peut-être une deuxième manche. Ah, bah, ouais, trois manches alors. Bah, on peut faire, ouais. C'est un peu d'égalité. L'aller, le retour, la belle. Ouais, voilà. Très bien, ouais. Très sauf s'il y en a qui gagne les deux manches, bon, dans ce cas-là. Ouais, ça sera belle. C'est bien. Bon, on va prendre. Deux manches gagnantes. Momo au téléphone avec nous. Momo, il appelle de Arles. Salut à toi, Mohamed. Momo. Allô, Momo. Oui. Oui, comment vas-tu? Salut, Momo. Bien. Bien! Ah ouais, on est à Arles, on est dans le 13, là. Bienvenue, Momo. Ouais. Ah ouais! Ah, tu voulais donc saluer Cédric de la part de tout le 13, de toutes les Bouches du Rhône. Ouais, salut tout le monde. Salut tout le monde! Salut, ma gueule. Ah, salut, Momo! Tu as salut des Bouches du Rhône. Ça y est, vous avez votre nouveau, votre. Ah, ça y est, il a raqué, là. Ça y est, il a raqué John McCouy. Ah, John McCouy est le nouveau président de l'OM, le nouveau propriétaire même de l'OM. Ça y est, il a racheté le truc. Le mec sait pas dans quelle merde il s'est foutu, hein. Ça, c'est clair. Ah ouais, putain, le mec, il va bien regretter, ouais. Il va investir 100 millions d'ici l'été prochain. 100 millions pour des transferts, des nouveaux. C'est joueurs. Beaucoup, moi, je m'en rends pas trop compte. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal, là, pour faire des transferts, c'est bien. Combien ils mettent, par exemple, le PSG par an, Le PSG, combien ils mettent, Karim? Combien ils mettent le PSG par an? En transfert, en montant. Bah là, cette année, ils ont pas mis énormément, ils ont mis 60, 70, mais. C'est pas l'année, ils ont mis le moins. Donc 100, c'est pas mal. Ah ouais, 100 millions pour 100, l'OM, c'est pas mal. Bien sûr, pour l'OM, là, parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que le mercato d'hiver, pardon, c'est que des petites affaires qu'ils vont avoir. Donc, ils vont pas dépenser énormément d'argent, ils en auront pour cet été. D'accord. D'accord. Bon, ben, ça va faire plaisir à tous les Marseillais qui, génial, qui nous écoutent et à Samy qui, on vous le rappelle, est bloqué. Alors, c'est marrant qu'il soit bloqué le jour du retour de Cédric, mais enfin bon. En Bourgogne. Ouais, il est bloqué en plein milieu de la Bourgogne, dans le train. Le train, fait marche arrière. Oui, le train est en marche arrière. Bah ouais. C'est quand même un truc de fou, hein, ça. C'est le pauvre. Bon, alors, Mohamed, on va le retrouver d'ici quelques instants. On a les familles du double appel aussi à appeler. Et puis, tiens, on parlait des mauvais coups. Vous voulez que je vous donne le témoignage? On en parlait l'autre matin, c'était vendredi matin. À 6h20 bientôt, le témoignage de Kim, l'ex d'Eminem. Ouais. Et ouais, Kim, l'ex d'Eminem qui a témoigné sur les mauvais coups de santé. Oui, exactement. Eminem, ouais. Bon anniversaire, Eminem. Ouais. Ah bah, bon anniversaire. Ah, c'est aujourd'hui, je savais que c'était dans le. Ah ouais, c'est là. Ah ouais, c'est là, aujourd'hui. Ouais. Bon anniversaire, Eminem. Bon, Eminem et sa femme, Kim. Son ex. Elle s'est mariée deux fois avec lui. Ils sont mariés, ils ont divorcé, ils sont mariés, ils ont divorcé. Ça m'a l'air stable, leur truc. Ouais. Elle a toujours dit qu'il était un bon père. Par contre, en ce qui concerne leur sexualité, alors, elle a déclaré, écoutez bien, si vous voulez faire des trucs avec Marshall, autrement dit Eminem, vous devez venir avec une petite pilule bleue, parce qu'autrement, ça ne marche pas, il bande mal. Ah bah super, et elle dit ça, elle est normale. Oh, le dossier. Elle non, mais surtout, moi j'y crois pas du tout, moi, ça. C'est vrai. Bah attends, le mec il a quel âge? À 40 piges. Ouais, à 40 piges, j'imagine qu'il arrive quand même à bander, quoi. Ah mais il y en a qui ont des problèmes d'érection à n'importe quel âge. Ah ben Marie, ils sont sympas tes mecs. Ah non, non. Non, alors non. Allez, bâtard. Je parlais pas de mon mec. Non mais bon, a priori ça sent le vécu quand même. Non. Mais comme elle a dit, c'était naturel, gros. Mais ça sent pas le vécu, je sais si, pas. Si ça sent le vécu, Marie n'a pas réussi à faire bander un mec. Ta vie à faire des choses, tu peux entendre des choses, tu sais, il y a des gens autour de toi qui discutent, qui vivent des trucs, tu vois, tu peux aussi courir de ça. Elle essaie de se rattraper aux branches, t'es pas obligé d'y aller. Enfin, ouais, mais attends, ça dépend quel âge de tes amis, Marie. Si tu traînes dans les maisons de retraite, oui, ils ont besoin de pilules. Non, mais excuse-moi, on en parle aussi dans l'émission de ce genre de choses. Ouais, non, mais bon. Moi je dis 40 ans c'est quand même rare. Ah bah, c'est clair. C'est quand même pas la majorité des mecs qui prennent des pilules du Viagra à 40 piges. Bon, c'est vrai que j'ai des potes moi qui l'ont essayé le Viagra juste pour voir ce que ça donne. Oui mais de base ils bandaient. Ouais, c'était pour un délire. Ouais, je sais pas, je les connais pas, je les connais pas assez intimement. Tu peux essayer peut-être avec Cédric ce soir. Vous voulez pas prendre du Viagra tous les deux? Ouais, ouais, non, ça va aller. Et copuler devant nous. Oh, non, ouais, comme un coup. Tu comme un coup. Ouais, baisez-vous. Je sais bien que c'est le grand retour de Cédric Romano, mais faudrait pas faire n'importe quoi. Mais Karim, t'aimerais plus te faire enculer ou d'en enculer le Belge? Quitte à choisir, gros, je préfère l'enculer. Ouais, mais moi aussi, je préfère t'enculer, tu vois. Bah, enculez-vous. Moi, je vais enculer Romano. Enculez-vous bien. Absolument. Ouais. Moi après je t'en pile au faut que vous vous enculiez là. Un super mauvais coup, Romano, t'as un super mauvais coup dont tu voulais nous parler, rappelle-toi la nièce Frigide. Ouais mais elle je l'ai pas baisé donc elle. Mais non mais qu'elle voulait pas. Non mais c'est-à-dire que la meuf je l'ai serrée en boîte, la meuf je lui mets la main sur la cuisse, elle fait un bon l'air. Déjà ouais, elle tremblait comme une feuille donc je me suis dit ouais, ça va pas aller bien loin quoi. Ah non, ça c'est sûr. Non mais je pense qu'elle était elle débutait, tu vois, sa vie sentimentale. Ah ouais, c'est ça. Et j'ai sans doute impressionné. Tu es très impressionnant Romano. Bon. Ah non mais je sais pas, je l'ai galoché, tu sais, elle galochait comme quand tu galoches quand t'as 10 ans quoi, t'es pas 10 ans mais pourtant elle n'avait pas 10. Heureusement pour toi Romano, sinon tu Non mais elle était dans mes âges. Oui, on tient à vous rassurer. Non, mais tu sais, elle tournait la langue, mais à fond la caisse. Oh, tu vois, putain, c'est truc, horrible, ouais, c'est dégueulasse. Truc que tu fais quand tu débutes, quoi. Exactement, tu te dis, faut tourner la langue, donc tu la tournes, et puis bon. Oui. Il la tourne beaucoup, ouais. Bon, on revient sur les mauvais coups, on va en reparler. Tu voulais témoigner pour ça, au moment où tu es tombé sur un mauvais coup, tu es toi-même un mauvais coup, peut-être. Hein? Hein, Momo? J'ai pas compris. T'as un mauvais coup ou t'es tombé sur un mauvais coup? Ah, je suis tombé, je crois. Ah, t'es tombé. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Rien. Ah, rien, oui, alors ça, ouais, ça c'est vraiment le pire. Oui, dans ce cas-là, ouais. Eh oui, ça, bah, comme on disait l'autre matin, le pire, c'est quand elle est morte sous l'homme, quoi. Ouais. Ah, ouais, en tout cas, pour un mec. Ah, bah, tu m'étonnes, t'as pas l'impression de la motiver. Bah, t'as l'impression de baiser une poupée gonflable. Bah, c'est ça. Et ça, c'est pas super. Non. Eminem, il a 44 ans, tiens, nous dit Titom. Merci, Titom. Tiens, on parlait des stars qui sont des mauvais coups. Bah, tiens, par exemple, j'ai qui comme mauvais coup? Ah, une ex de Drake. Bah, alors ça aussi, est-ce qu'il faut y croire ou pas? Donc, une ex de Drake qui a déclaré que le mec, il passait son temps à se regarder dans le miroir. Il lui faut un miroir pour faire l'amour. C'est un amant qui est égoïste, Drake. Ouais, ou alors elle a eu le seum qu'il l'ait lâché, peut-être qu'il l'a gêné. Mais moi, je pense que tous ces gens, c'est des rageux, moi. Ouais, tu crois? Ah, peut-être qu'elle a des bras aussi dedans. Oui, peut-être. Ouais, dans l'eau. Tu ouvres ta gueule dans ces gars-là. Oui, non, mais c'est vrai que bon, ce que dit Cédric, c'est pas parce que t'es une star que tu baisses forcément bien. Non, c'est sûr. Oui, c'est vrai. Regardez Taylor Swift, par exemple. Alors, il paraît que bah, elle, moi, je pense qu'elle baisse pas, elle. Bah, c'est ce que disent ses anciens amants, parce que là, ils sont plusieurs à dire ça sur Taylor Swift. C'est qu'en fait, elle passe des heures et des heures à embrasser, mais que ça. C'est-à-dire qu'elle roule des pelles, elle te nettoie le visage en fait avec sa langue. Non, mais ah ouais, c'est vrai, t'as peut-être pas tort. Elle a pas une tête à aimer la bite, tu vois. À aimer la bite. C'est clair. Elle fatigue ses amants à force de vouloir s'embrasser pendant des heures, et puis c'est tout. Hein. Non, puis surtout, elle t'excite, et puis après, bah. Non, oui, quoi. Non, mais c'est surtout, bon, c'est sympa quand t'as 12 ans, quoi, de rouler des pelles. Oui. Mais Taylor Swift, elle a quel âge? Ah, elle a passé les 12 ans, maintenant. Oui, elle doit bien avoir 20-25 ans, elle. Facile. Ouais, facile. C'est vrai que bon. Oui, donc ces mecs, je pense qu'ils recherchent autre chose que le roulage de pelles. Voilà, 26 ans. Il y a une ex de Colin Farrell qui a déclaré qu'il avait une toute petite bite. Il a un super corps, un charme auquel toutes les femmes succombent, mais dans les draps, c'est décevant, avec une demi-baguette dans sa lunchbox. Autrement dit, il a une toute petite bite. Ah oui, parce qu'une demi-baguette. Mais il y a une vidéo avec Colin Farrell à poil. Qui baise une meuf, non? Ou une demi-baguette, c'est grand quand même. Je sais pas, aller voir la vidéo, je sais pas s'il a une demi-baguette. Mais si, mais ouais, il y avait pas eu une histoire où il baissait. Mais si, il y a une sextape. Genre, c'était pas la moitié des travelots ou des putes. Je sais plus, c'est quoi que c'est des putes, si? Ouais. Allez voir la vidéo. Et Karim, il avait pas compris, il me dit, mais c'est grand une baguette. Je dis, mais c'est pas une baguette. C'est pas une demi-baguette, c'est grand, les gars, tu sais. Non, mais pas de pain. Une baguette. Genre un truc chinois, tu vois. Putain, moi je me suis imaginé à la boulangerie, gros. Déjà, c'est aussi fine que ça, le mec. Ah, bah déjà, t'es mal, ah oui. Et Adam Levine, vous connaissez? Oui, Maroon 5. Maroon 5, Adam Levine. Il est sorti avec Maria Sharapova. Il a eu de la chance parce qu'elle est mignonne, Maria Sharapova. Non, mais lui, de toute façon, il se tape que des bombes, lui. Ah, le mec, je crois qu'il s'est tapé la moitié des mannequins, là, Victoria's Secret, là. Trop bonne. T'as de l'oseille, gros. Ah, bah, ça aide, ouais. Ah, ouais. Alors, lui, bah, écoute, il a déclaré, vous n'imaginez pas à quel point j'étais déçu. Alors, il parle de Maria Sharapova. Je pensais, comme beaucoup de garçons, qu'elle serait plutôt du genre à faire beaucoup de bruit. Mais elle n'en faisait aucun quand on faisait l'amour. Elle restait allongée comme une grenouille morte. J'ai bien l'image. Comme elle l'affiche. Comme une grenouille morte. Et elle s'est même énervée quand je gémissais, disant que je lui cassais toute sa concentration, là, relou. Oh là là. C'est lui, là, Adam Levine. Ouais. J'étais tellement désabusé que j'ai pris des antidépresseurs pendant un mois. Ah, ouais, quand même. Mais non. L'autre, elle était tellement un mauvais coup qu'elle l'a foutu sous cacheton. Ah, ah ouais, quand même, ouais. Tiens, il y a Stamero qui dit CR7 est un mauvais coup. Ah, tu l'as su comment, CR7? Dis-nous, Stamero. Tu as couché avec CR7, Stamero, peut-être. Bah, vous nous laissez vos messages. En tout cas, si vous avez connu des meufs qui, étaient pas très, très, très, très entreprenantes. Enfin, on va le dire, pas des bons coups. Et les filles, si vous êtes tombées sur des mecs qui n'étaient pas des bons coups. Qui n'étaient pas des bons coups. Ah, Marie, elle veut retémoigner sur ces mecs qui bons coups. Tu veux nous parler de tes mecs qui bons coups? On va en parler vendredi. Bon, on en reparle dans un instant. Merci, Momo. Et on fait le point tout de suite sur nos familles de France. Allez, c'est parti, c'est l'heure du double appel. Écoutez deux secondes, je vous jure qu'on n'appelle pas. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Là, c'est un monstre gavé, hein. Bah, c'est vous qui me gavez, c'est vous qui m'appelez. Le double appel de Difool sur Skyrock. Et le double appel. Il y a des chevaux. Il y a des chevaux. Et vous avez entendu, hein, c'est dingue ça. Il y a des chevaux. Il y a tout. Faudra qu'on vous remette le double appel avec les chevaux là qu'on avait fait. Il y a des gens qui parlaient à des chevaux. Ils croyaient qu'il y avait des chevaux, qu'on était dans une écurie quand on les appelait. Ils étaient en forme. Alors notre double appel avec Patrick qui est a priori disponible. Oui, comment vas-tu? Ça va bien, Patrick. On est content parce que c'est le grand retour de Cédric ce soir. C'est excellent là. Ah, merci Patrick. Patrick est heureux de ton retour. Ben ouais, ça me fait plaisir, Patrick. Vous êtes de la même famille tous les deux, Cédric, Patrick. Est-ce que vous avez des liens? On peut vous le demander comme ça, des liens de sang tous les deux? Absolument. Ah, très bien. Vous avez couché ensemble dans la famille? D'accord. Oui. Ah, ouais. Non, je demande tout de suite. Ouais. Ah ben c'est bien. et c'est un mauvais coup. Voilà. Ah, oui, ça c'est sûr. Oui. T'as pas aimé quand t'as baisé avec lui? Non, pas du tout là. Non, pas du tout. Qu'est-ce qui t'arrive, Patrick? Ça le mérite d'être clair. C'est vraiment un mauvais coup alors. Hein. Absolument, oui. Absolument, mon bon Patrick. Bon Patrick, qui peut parler aux familles de France, c'est comment ça marche, le double appel, on appelle des familles, on les met en contact et on les écoute et on leur donne la parole. C'est ça, la radio libre, la plus grande radio libre de France. Premier essai. Ouais. Alors, on appelle. C'est Jean-Michel et Xavier. Très bien. Jean-Michel. Tu peux faire ceux avec qui t'as pas les prénoms aussi. Hein. Allô? Allô? Oui, comment vas-tu? Allô? Allô? Allô? Oui, allô? Oui. Allô? À parle? Accouche. Pourquoi t'appelles? Connard. Et pourquoi connard? Tête de beurre. Hein? Connard. Pourquoi tu dis connard? Elle venait du cœur celui-là. Vas-y, rappelle-le, le premier, il avait une bonne bande. Ah, j'adore. Lui, tu parles plus. Il y en a un autre, il est encore là. L'autre, il est traumatisé. Elle bouge pas, l'autre. Allô? Ah, c'est parti. Ouais, raccroché. Ouais, tu rappelles le premier, là? Ah ouais, il est bon. Lui. Vas-y, rappelle le premier. Je le sens bien. Il est super, on s'est fait un ami, là, déjà. Logiquement, Romano, faut pas parler. Ouais, bah bon. À un moment, il s'est énervé parce qu'il avait une belle voix, il voulait plus parler, tu voulais l'entendre. Ah ouais. C'est pour ça que t'as crié parle. Connard. Ah, il veut plus. Ouais, un peu plus. Tu dois être à bout. Putain, j'aimerais trop, tu sais, qu'il y ait un système, genre, tu peux entendre chez eux, quoi. Après les appels, parce que là, je suis un mec qui est en train de bugler chez lui. Ouais, un connard. Bon, on retente le coup tout à l'heure. Un double appel au calme, hein, comme ça, tranquille. Vas-y, Karim. Enchaîne. Ça sonne. Patrick, t'es prêt? Allô? C'est bon. Vas-y, faisons d'autres, hein, si tu veux. Oui. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô, c'est moi, oui. Qui, moi? C'est qui? Madame Devin. Oui. De où? Et qu'est-ce que vous voulez? Ah ben là, je vous ai pas appelé, moi, c'est pas moi, hein. Ben, écoutez, mais madame. C'est une erreur téléphonique, là, ça arrive? Non, c'est madame, une personne. Madame, il y a quelqu'un qui me téléphone, là, en appel masqué, ça fait trois fois. Hein? Et c'est pas qui c'est. Là, vous êtes posé. Mais madame, attendez, mais écoutez, au moins qu'on s'explique. Ah. Oui. Moi, je viens d'avoir un petit téléphone, là, tout à l'heure. Moi aussi, j'en ai eu un. Si vous parlez un peu plus, je peux rien vous expliquer. Et je vais bientôt aller mettre votre numéro à la gendarmerie, on va s'expliquer. Oui, comment va-t-il? Nous, vous rassurez pas non plus. Si vous n'avez pas marre d'emmerder les gens, alors maintenant, vous raccrochez, et c'est la dernière fois que vous appelez, ça y est, après, la prochaine fois que vous appelez, je vais avoir comme quand je suis harcelée par un numéro. Je trouve que vous êtes en train de vous tromper de numéro, de tromper de personne, madame. Je raccroche et tout est aux gens. Et vous appelez quel pays? Mais vous n'avez rien dit, moi, ce madame, je vous demande à quel pays vous téléphonez. Bah, sur Saint-Vigne. Comment? Je j'habite sur Saint-Vigne-les-Mines. Ah. Ça se trouve où, ça? Ah ben, c'est en Saône-et-Loire. Eh. Oh! Eh ben, vous savez où c'est que vous êtes, là? Vous êtes dans la Somme, madame, du côté d'Amiens. Bah oui, ouais, mais c'est pas moi, hein, madame. C'est pas moi, c'est qu'un appelé, alors, si c'est pas vous. Ouais, j'ai une bonne bite surtout, hein. Et arrêtez vos menaces, monsieur. Écoutez, je crois que vous faites des confusions du diable. Nous, on doit avoir rien à faire avec vos histoires que vous avez. Mais j'ai pas d'histoire, moi. Bon, mais alors, pour quelle raison vous m'appelez? Mais je ne sais pas appeler, moi. Mais si, madame, vous êtes la table de mes enfants. Là, à l'instant, je viens de décrocher, je viens de vous avoir. Comment se fait-il que vous m'appelez pas, mais que je vous ai? Non, mais réfléchissez un peu, voyons. Ben, c'est pas moi qui vous ai pris au téléphone. C'est bon, allez, au revoir. Et puis j'espère que j'ai plus de numéro de téléphone avec vous parce que j'appelle la police. Mais moi, j'ai rien fait, madame, merde. Commencez pas, parce que je commence à en avoir marre. Vous avez où, là? Ramassez des champignons. Ramassez des champignons. Espèce de salaud. Ramassez des champignons. Mais vous vous trompez de numéro, monsieur. Ah, c'est parti. Oh putain, les deux. Eh ben, la Somme et le 71, un bon contact, hein, tous les deux, là. Bah, ils vous faites des convulsions du diable. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Romano, toi qui es bon mignon? Je sais pas, ça doit être le diable et en elle, quoi. Vous faites des convulsions du diable, c'est pas du bon, ça. Moi, je suis dans la Somme. Oui, elle était dans la Somme. Ah, la dame, ça, elle s'en est pas remise. Moi, je suis enchaîné, loin. Vas-y, rappelle, Karim, parce qu'en ces deux-là, je peux te dire, faut les regarder. Au début, l'autre qui arrêtait pas de parler, là. Ça sonne, là. Ça sonne. Allez. Et si vous avez des numéros comme ça, n'hésitez pas à nous les filer, là. Vraiment, vous nous envoyez ça sur la nouvelle appli, toute nouvelle appli Skyrock. Ou alors sur le 41759 ou sur l'appli Sky. Ça, c'est du bon double appel, là. Ah, ça décroche plus, là. Décroche plus. Ah, dommage. Il n'y a même pas une des deux qui décroche, là. Moi, j'ai bien aimé la voix du mec de Saône-et-Loire, il était super. Aïe, aïe, aïe, aïe, champignon. Je fais le mec, mais il va au champignon à 21h50. Je sais pas. Il va en nocturne. Non, mais l'autre, elle a cru qu'il lui parlait de. Je sais pas, mais il va être champignon rien, à la chatte avec rien. Là. Bon, c'était super. Et c'est pas fini, hein. Jusqu'à minuit, il va se passer plein de choses. Tout à l'heure, on va faire du surf en direct dans l'émission. Oui. Il y a Big Flo et Oli qui débarquent. Ils arrivent dans pas longtemps d'ailleurs, hein. Si vous avez des trucs à leur dire, n'hésitez pas à nous laisser des messages. C'est eux qui font la BO de Brise de Nice 3. Ouais, c'est pour ça qu'on a fait venir un surf dans les locaux, comme on dit. Ouais, c'est ça, ouais. On va prendre la vague, man. Ouais, c'est ça. Là, on est en train d'installer l'océan là-haut. Ouais, on installe l'océan. À un moment donné, vous entendez plus, c'est qu'il y a une fuite d'eau. Exactement. D'ailleurs, je suis un petit peu inquiet parce que c'est vrai qu'il y a une fuite de cul là. Il a pas changé, hein, vous avez vu. Oh, ouais. Il est à peine revenu il y a une heure que là, il est sorti du studio depuis 5 minutes. Au début du double appel, on l'a vu sortir. Mais quelque part, c'est rassurant, tu vois. Mais c'est toujours le même. Ouais, au moins, il n'a pas changé. Il est resté simple. Il est resté simple. Simplet. Simplet. Dans un instant, on aura notre grande question pour un gros con. Ouais. Attention, première manche avec 5 premières questions. Ouais. Le grand match entre Cédric le Belge et Karim Neuneu. Oui. Les deux qui sont là. Ah, avec leur buzzer. Fais voir ton buzzer, Karim. Et pas mal. Fais voir le buzzer de Cédric, Karim, vas-y, appuie dessus. Pas mal. Donc, question pour un gros con et vos questions. J'arrive avec les buzzers, ça vous rend intelligent. Oui. Vous pourrez répondre aux questions en même temps, les aider. Ah, bien sûr. Vous envoyez des messages, on va tester leur culture générale. Et à mon avis, il y a du lourd. On va revenir demain matin plus intelligent grâce à la radio libre de ce soir. C'est sûr. Hein. Ouais. Ah, ça, ouais. Bon, et qu'est-ce que je voulais vous annoncer? Le grand retour du clash, Big Flo Oli qui arrive dans un instant. Et vous tous en direct avec Germain, on parle des bons et des mauvais coups ce soir. Germain en direct de Nice avec nous. Salut Germain. Salut l'équipe, ça va? Salut Germain. Salut Germain, ça va et toi? Ouais, ça va tranquille. Bah, en direct de Nice, c'est marrant parce qu'on va justement parler de Brise de Nice. Brise de Nice, puisque la BO du film, c'est ça. On va sortir le katana. Et c'est Big Flo et Oli qui viennent nous voir ce soir. Ouais. Les deux frangins viennent nous voir là. Big Flo et Oli, Cédric. Question pour un gros con. Le clash de la drague. Et puis surtout vous tous en direct. C'est qui était un mauvais coup? C'est toi ou alors je sais pas, les personnes avec lesquelles t'as fait l'amour, toi, Germain? Non, c'est une fille que j'ai rencontrée. Eh ben, tu vas nous raconter. Ah oui, ça m'aurait été que tu dises non, je suis un mauvais coup. Non, mais vous avez le droit de vous dire. Je pèse comme une merde. Ah bah, tu peux l'assumer aussi, oui, ça c'est sûr. Ouais. Ça aurait été étonnant quand même. Bon, allez, c'est parti. Le son de. Qu'est-ce qu'on se met là? Tiens, on va écouter Ken Jones avec Don't Mind. Il y aura du Booba tout à l'heure, du designer, du Big Flo Oli, du MHD aussi. Et vous tous, en direct au 01 53 40 30 20 avec la nouvelle appli Sky. Allez-y, testez-la. J'ai chargé la nouvelle appli, envoyez-nous des messages. Et puis le 41759 aussi. Allez! Qui t'offre le plus de places de concert. Faites du bruit si vous êtes dans la place. C'est Skyrock. On verra bien. Après les 200 places en exclu pour voir Maître Gims. Les 200 places pour Soprano. Les 200 places pour Jules. Skyrock rajoute 200 places et t'envoie sur les concerts de Nekfeu et du Escrew dans la ville de ton choix. Mais le coco et on Lille, Nantes, Lyon, Marseille et Paris. Mais le coco et on 200 places de concert Nekfeu et Escrew en exclu sur Skyrock. J'aurais pas dû. Jamais de la vie. Envoie vite roulette par SMS au 720 et à toi les places de concert. Ouais, c'est Nekfeu. Nekfeu et Escrew. Dans la roulette sur Skyrock. Un vrai groupe parisien. Premier sur le rap. 65 centimes plus coût SMS.

for sure. I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, the fuck he gon' say? Hey, telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me, to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mara. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mara. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She from Africa, but she fuck me like she Haitian. Ass black, but the eyes looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape, she on candid camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina, she from Arizona. Then I met a girl in Cali, I never disown her. She got that high grade, her weed come with diplomas. I want her, but she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me, to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mara. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mara. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mara. Then she says, I pass it. And I said, nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mara. Then she says, I pass it. And I said, nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. Skyrock, D-Fool. You speak English? Romano. Ouais, oh, allez, vous allez pas me dire que vous êtes honnête quand même. Cédric. T'as pas peur pour le clash, ça va aller? Non, mais ça fait 10 fois que tu me poses la même question. Ça y est, t'es lourd là. Marie. Est-ce qu'elle est épaisse ou pas? Samy. Là, il y a un aéroport qui fait délirer, c'est à Gibraltar, dans le sud de l'Espagne. Et Karim. Ostracisé, ça vient du mot racisme? Non. D-Fool, Radio Libre, 21h. Soir sur Skyrock. C'est bien, nous ont déjà montré dans le jingle un étendu de leur culture et notamment Karim sur la fin ostratisée, ça vient du mot racisme. Ouais. C'est pas mal Karim, on va se cultiver ce soir. Question pour un gros con. Oui, attention, ça va démarrer dans quelques minutes la première manche avec 5 premières questions entre Cédric et Karim. Ouais. Ça, c'est le buzzer de Karim. Ouais. Le tien, Cédric. Le mien, il est là. Ah, voilà. Déjà, tu as compris, Cédric. Pour répondre, il va falloir que tu buzzes. Ouais, j'ai compris. C'est plus difficile, là, ça, dans le jeu. Hein. Bon, on va donc jouer et vous nous direz qui est pour vous le gros con de la soirée. De toute façon, je pense que les résultats parleront d'eux-mêmes. Hein, question pour un gros con, exactement. T'as des questions, Romano? Ouais, c'est bon, j'en ai 5 premières. Romano, il se prend pour Julien Lepers ou Jean-Luc Reichmann. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, écoute, sur le coup, je vais peut-être prendre Jean-Luc Reichmann qui, lui, a encore du travail. C'est vrai, tu as raison. C'est pas con. C'est bien pensé. Julien Lepers, il est dans avec les stars, donc. C'est la soirée du grand retour de Cédric ce soir. Et pour la soirée du grand retour de Cédric, on a mis les petits plats dans les grands, comme ils disent à la télé. Et ouais, Big Flo et Oli viennent d'arriver. Et les gars, on voulait vraiment vous remercier. Vous savez qu'on a lancé des appels au monde entier. On a appelé Gradure, on a appelé Lefa, MHD, Maître Gims, Tal, qui était pourtant là dans Planète Rap. Elle est partie. Elle s'est barrée direct. Elle a ramalé la guitare, elle s'est barrée. On a appelé SCH, on a appelé Jules, on a appelé Ritza, on a appelé Alonso. Il n'y en a aucun qui a voulu fêter le retour de Cédric ce soir. Vous savez, nous on a un téléphone rouge à la maison. Dès que Skyrock appelle, on répond immédiatement. Eh bien, c'est sympa d'être là pour Cédric. Putain, vous avez... c'est gentil, les gars. C'est Romano qui paye les billets. C'est parti. Ah ouais, c'est toi qui paye. Ah oui, c'est toi. Par contre, il faut rentrer, les gars. Faut partir, les gars. Merci d'être venu. Ça paye l'hôtel de ce soir et les avions, tout ça. Non, mais la surprise, c'est que vous allez dormir chez Cédric. Ah, ça m'a fait plaisir. C'est beaucoup, ça. Ah, t'inquiète, je vous accueille, les gars. Les deux frangins, ils vont le prendre en sandwich. Vous verriez l'état de son appartement. C'est plus propre que chez toi. Bienvenue Big Flo et Oli, comment allez-vous? Ça va bien, super, on est très contents d'être vous êtes là, de retour. Vous êtes sur la BO de Bryce DeNice avec ce son. Pour sortir le katana, pour dormir avec des piranhas. pour un pote. On écoutera tout à l'heure en entier. Ah oui. Pour un pote. Tiens, dites-nous, on a lancé le hashtag pour un pote. Là, sentez-moi les messages que vous avez laissés toute la journée. Ce matin, on a lancé le hashtag pour un pote. Qu'est-ce que vous feriez pour un pote? Tiens, je me retourne vers Romano. Imagine, Romano, on est pote. Hein. Oui. Enfin, un petit moment déjà. Hein. Il est pas sûr. Hein, sur le imagine. Non, mais ça dépend ce que le pote demande. Alors, ben, justement, pour un pote, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour un pote? On lance le hashtag, il est partout. Et puis, vous nous répondez, vous nous dites pour un pote, je suis prêt à faire ça. Comme dans la chanson de Big Flo et Oli. Avec Jean Dujardin à la fin. Eh oui, quand même. Attendez. Eh, c'est pas rien. Bryce the Nice. C'est le premier feat de notre vie. Il est super sympa avec vous à la fin. Ouais, ouais, il est très, très gentil. Big Flo et Oli, c'est deux rappeurs de merde. Donc, Romano, admettons, je suis ruiné. Je ne sais pas. J'ai été victime d'un crack bancaire. Et je suis vraiment en galère et je suis ton ami. Qu'est-ce que tu ferais pour un pote? Attention. Ah putain, là tu peux pas demander autre chose que de la thune. Mais j'ai rien demandé. J'allais dire, moi genre si t'es malade, je vais devoir à l'hôpital quoi. Non, la fois il m'a ramené un pack d'eau. Non, mais je suis là, c'est super qu'elle est. Mais vous rigolez, à l'hôpital il m'a quand même ramené un pack d'eau le mec. Bah il est gentil. Ah ouais, c'est gentil, franchement. C'est sympa, ouais. Bah, de sa part, ça m'a surpris. Non, parce que attends. 40 centimes. Non, mais parce que. Non, mais si tu te dis, ouais, le pack d'eau, ça. Parce que Cédric, non, parce qu'en fait, vu il était à l'hôpital pour sa chiasse là et sa clavicule. Et je lui dis, ouais, qu'est-ce qui te ferait plaisir que je te ramène? Est-ce que tu peux manger un truc? Et je peux pas manger. Ouais, il pouvait pas manger. Il me dit, ouais, là je veux bien un pack d'eau. Bah, je vais ramener un pack d'eau. Je pensais qu'il allait me dire non, ce coup en plus. Hein. Moi, j'ai acheté un gâteau, mais je l'ai bouffé avec Karim, Oran. Ouais, tranquille, le mec qui me ramène un cadeau, c'est que tu le bouffes. Ça va bien d'ailleurs, Cédric? Ouais, ça va, merci, tranquillement. Voilà. Là, c'est reparti, mon pote. Il a l'air chaud, il a l'air chaud. Le grand retour de Big Flo et Oli dans la radio libre. Et le retour de Cédric ce soir. Ouais, bah ouais, merci. Et ça, vraiment, ça touche tout le monde, ça fait plaisir. Ah ouais, moi, je suis heureux. Le retour de Paco et Juan. Paco et Juan. On n'oublie pas, les vrais sauront de quoi je parle. Et oui, les plus fidèles le savent. Bon, on va pas. Et on a une surprise pour vous, à faire du surf ce soir. Alors ça, on a entendu dans le Uber. Mais qu'est-ce que c'est là? Ah bah c'est une. On a installé un océan dans les étages de Skyrock. Au deuxième étage, là, juste au-dessus là. Ouais. Un océan et une planche de surf. Bah vous êtes sur Bryce the Nice, non? Non mais alors là, je veux voir. Attends, attends. Pas une pote Brice avec des rappeurs de merde. Big Flo et Oli. Et non pas cool. Bientôt 6 millions de vues là, c'est un truc de fou. Ça, en une semaine et quelques, c'est incroyable. Moi j'ai bien aimé ce dont on parlait ce matin là, c'est le film. Alors si vous cherchez le film Bryce the Nice et que vous voulez le voir avant qu'il sorte, ils ont lancé un truc. Donc tu regardes le début du film et là tu te dis putain, j'ai réussi à choper le film. Au bout de 3 minutes 30, t'as Bryce the Nice qui arrive, Jean Dujardin qui arrive et qui fait un cassé. Cassé. Mec, pas mal ça. Tu vois 3 minutes 30 du film et tu vois pas la suite. Il fait 30 minutes de casse comme ça au ralenti là. Ouais, pendant 30 minutes. Parce que ce que tu dis pas, c'est que la blague qu'il a fait, elle dure 1h20. Ah oui, il a duré du film en fait. Il est sur un fond blanc et il fait que le con et il fait un casse, slow casse, il appelle ça. Et ça dure 25 minutes. Où il descend le bras comme ça et je l'ai regardé hier soir pas en entier. T'as que ça fout quand même. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est galère vrai. Quoi. T'as l'air super ta vie. J'ai pas d'amis donc j'ai regardé le casse en entier. 5 minutes. Au ralenti. Le slow casse. Non, ouais, c'est marrant là. Ah, c'est pas con. Ouais. Donc vous laissez pas baiser parce que vous êtes sûr d'avoir le film. Au bout de 3 minutes 30, le film s'arrête et puis après de t'as toute manière, casse, une heure et demie. Si on avait des amis, on serait pas ici. C'est dit. On serait comme les autres, on n'aurait pas répondu. Bah voilà, c'est gentil les gars, merci. Qu'est-ce que vous faites? Alors Romano, t'as pas répondu à la question. Vous avez raison de me dire Romano, il a pas répondu à ta question, Nifu. Ah, c'est vrai. Nifu ouais, est ruiné. Ça arrivera jamais. Je suis ruiné. Pourquoi ça arrivera jamais? On sait jamais. Un crack bancaire. Bah, si t'es victime d'un crack bancaire, je le serai aussi. Hein, donc... Alors qu'est-ce que tu fais? C'est plutôt moi qui sera. Il a esquivé la question. C'est plutôt moi que tu devras ramasser la petite cuillère si je suis ruiné, quoi. Alors il veut esquiver la question, mais j'ai tous les arguments. Romano, c'est ma banque qui est tombée en faillite, pas la tienne. Alors qu'est-ce que tu fais? Bah je sais pas, moi j'essaye de te trouver un travail. Mais tu me donnes pas des sous. Ah, il te laisse en galère ce con. Non mais je te dépanne quoi, mais tu l'héberges au moins. C'est gentil. À crédit quoi. Imagine il a. Tu lui fais un taux de combien Romain? Non mais je lui fais un taux à zéro, mais bon. Non, c'est-à-dire que je t'avance de l'argent quoi. Ah c'est gentil. Et je me démerde pour te retrouver un travail et à ce moment-là tu me rembourses. Oui, c'est-à-dire qu'en fait il ponctionne sur ton salaire direct en non, fait. Non, je vais travailler, c'est lui qui récupère mon salaire. C'est ça, c'est à peu près ça. Ouais. Il crée un esclave en fait. Ouais, tu utilises comme un esclave. Romano te prête de la thune, je deviens esclave après, t'as raison. Non mais de la thune, ça me ferait chier, j'aime pas trop parler d'argent entre amis. Oui, mais parfois les amis ils ont besoin d'argent. Ouais, mais par contre, t'aimes bien gratter de l'argent à tes amis. Non, mais genre, il faudrait que je te dépanne de combien? Bah, je sais pas, déjà pour payer mon loyer, la bouffe, tout. Bah, je sais pas, il me faut au moins 1500 euros par mois. Hein. Ah ouais, non. Attends, Déjà, ouais, tu lui rends les 30 euros que tu lui dois. Attends, il va être malade. Déjà, c'est 20 déjà. Non, c'est 30. Il y avait 20 plus 10. Non, mais de toute façon, on a oublié. Mais on a fait cadeau. Tu parlais d'un truc qu'il y a 2 ans. J'ai pas oublié, t'inquiète. Qu'est-ce que vous feriez pour un pote? Comme le morceau de Big Flo et Oli, il s'appelle Pour un pote d'ailleurs. Ah, moi, je l'héberge chez moi, sinon galère. Alors, pour un pote, je pourrais faire n'importe quoi, nous dit. Sois plus précis, mais c'est bien ça. C'est bien, Val Visio qui nous laisse un message. J'irai même en prison, même si j'ai rien fait pour un pote. Message de Zinedine, 15 ans. Moi, je ferais tout pour un pote, mais ça. J'ai vu un mec qui parlait de brosse à dents aussi. Elle lui donnerait sa brosse à dents. Utiliser sa brosse à dents. Oh, c'est mignon. C'est mignon, ouais. Mais moi, je veux des trucs aussi qu'ils ont déjà fait pour des potes, des vraies histoires qui se sont passées. Ouais, on attend vos stories là. Moi, je veux bien les petites stories, hashtag pour un pote. Allez, hashtag pour un pote avec Big Flo Oli. Titi de l'eau, pour un pote, je suis capable de vendre un de mes reins. C'est sympa. Tu peux vivre avec un rein en ouais, plus. Ouais, tu peux vivre, ouais. C'est bizarre quand même. Non, problème. Mais déjà, de le vendre, c'est abusé. Tu lui donnes. Non, mais le vendre. Quoi, moi perso, je donnerais pour pas un pote. Non, mais non. Quand il dit vendre, c'est vendre son rein, puis l'argent, il donne à son pote. Moi, j'ai quand même ça qu'il veut dire. Ce qu'il dit, pour un pote, je pourrais baiser Marie. Ah, bah, c'est super. Merci. Alors, c'est plaisir. J'espère que t'as plein de potes. Ça, c'est gentil. Tiens, pour un pote, je me suis déjà levé tôt le matin pour démarrer sa voiture. Message de Papon 93. Ouais, non, mais ça, ça j'ai déjà fait ça, moi. Ah, bah, Difool, je t'ai pas changé une roue? Si. Hein? Si. Ah, c'est sympa, ça. Ouais, ah, ouais, gratuit. Ouais, gratuit, ouais. Ah, ouais, plus, c'est comme niqué ma soirée, ce con. Magnifique. Tu sais, ça a été le galère, mais, quoi, d'ailleurs, j'ai tenté de lui changer, mais finalement, c'est un mec d'un resto qui nous a aidés, parce qu'on n'y arrive pas. C'était un bordel. Un vrai professionnel. Alors, qu'est-ce que vous faites pour un pote? Qu'est-ce que tu fais, Karim? Je caresse la jambe. Il va te sucer pour un pote. L'autre, il met sa tête entre mes cuisses. Ah non, c'est pour me voler, moi. C'est pour me voler un sac, d'accord. Bon, alors, Big Flo, Oli, le surf. Vous êtes bons au surf, tous les deux, là? Alors, absolument pas. Vous avez déjà surfé ou pas? Oui, une fois, justement, avec mon meilleur pote. Une fois? Il m'avait amené, lui, il adore le surf, il m'a amené, je suis monté genre une minute, j'ai dit, allez, ciao, je suis rentré. Ah, mais t'as réussi à monter dessus quand même? Parce que c'est pas évident, hein. Non. Ce soir, moi, j'étais couché dessus à moitié. Moi, j'ai une petite info croustillante. Vas-y, Oli. Alors, Jean Dujardin n'a jamais surfé, il nous l'a dit, voilà, enfin, il ne sait pas surfer. Ah ouais, ça balance. Donc, Brisonis va bien avec son rôle, voilà. C'est ça, en fait. Vous avez vu, ça balance, hein. Oli, qui est sur la BO de Brisonis 3, balance sur Jean Dujardin parce que Jean Dujardin l'a traité de rappeur de merde. Eh ouais. On n'a jamais fait de surf, mais attendez, là, il y a vraiment un truc de surf là-haut, non? Ouais, c'est une blague. Ouais, ah, c'est vrai, ouais. Pas avec de l'eau. Non, c'est si. Ah bah, il y a tout. Dis full, j'ai. C'est pas vrai. Je suis désolé, je gâche toute l'ambiance, je demande une musique suspense, s'il vous plaît. Pourquoi? J'ai un règlement de compte à faire avec Romano. Qu'est-ce qui se passe encore? Oui, ça va être réglé tout de suite. Alors, attends, tu veux une musique de suspense? Je demande une petite musique suspense et je viens de gâcher toute l'ambiance. Attends, c'est pas grave, il suffit de. Souvenez-vous, fidèles auditeurs, un jour, Romano, tu m'avais fait un petit truc qui m'avait vraiment stressé. C'était quoi? Tu te souviens? Le quoi? Le téléphone? Ouais, le téléphone. Il est où ton petit téléphone là? Ah merde! Eh, hey, tu vois, il apprend vite, Oli. Voilà. Ouais, non, mais bien joué. La vengeance est un plat qui se mange froid. Merci à tous. Romano, tu sais, moi je suis team Romano, je suis désolé, jusqu'à la mort, Romano, c'est pas moi qui suis responsable. Non, mais bien joué, franchement, j'avoue, bien joué. Je le confie à Cédric. Mais méfie-toi, la soirée n'est pas finie. Voilà, je suis complètement fou. Peut vous arriver un accident sur le surf, tout ça. Bon, on va clasher, clash de la drague, le retour du clash en face à face, Cédric contre Romano tout à l'heure. Vous voulez pas en faire un l'un contre l'autre aussi tout à l'heure? Parce qu'on a jamais fait ça, Big Flo contre Oli. Ah, moi je suis chaud. Vous avez pas fait ça avec nous? Non, jamais. Là, on parle de potes, il y a quand même mon meilleur ami qui vient de m'envoyer Tocard, il te reste 2 heures, j'ai oublié son anniversaire aujourd'hui. Oh putain, pour voilà, un pote, bravo. Qu'on n'est pas capable pour de un faire. Pote. C'est mon meilleur pote et j'ai oublié, je suis désolé, putain. Honte sur toi. Moi je voulais remercier Arc du 78 qui dit si un pote devient impuissant, je me propose de niquer sa femme. Oh, mais qu'est-ce que c'est? C'est ça vraiment, c'est sympa comme ouais, tout. Franchement, ouais, c'est ça c'est vraiment cool, ouais. C'est un mec cool. C'est le genre de truc qu'on peut faire à un ami et alors ça vraiment, je suis génial. Merci Arc du 78. Il y a Krabi qui nous dit, moi pour ma meilleure amie, je ferai tout, je dépanne de l'argent, j'ai même payé son loyer. Je lui ai offert des courses, des fringues pour son fils. Oui, c'est ça t'obsède. Oui, hein, parce que, oui. Bref, je ferai tout pour elle. Ah bah tu vois comme c'est beau ça, pour un pote. Hein. C'est, on y reviendra d'ailleurs. Sortez-moi les messages qu'on a eu depuis ce matin là. On a lancé le hashtag Big Flo et Oli chez Difool. C'est ça le hashtag? Ah oui. Ouais, Big Flo et Oli chez Difool. C'est ça, ouais. Vous envoyez. Chez Difool et pas que d'ailleurs, hein, puisque Romano tu es là et d'ailleurs Romano ce soir va se transformer en animateur télé. Vous avez été un peu animateur télé vous, hein. Ouais, c'est vrai. Un peu, on peut dire. Un petit peu. Ah, on vous a retrouvé dans. Écoutez bien, cette. Hop là. touche pas à mon poste. N'en touche pas à mon poste. Hey, hey, hey, hey. Le public est toujours en rythme. Et là, il y a Cyril. Salut, petite beauté. Ouais. Tu mets les pieds sur la table. Jean-Michel Maire arrive. Il vous embrasse sur la bite. Sympa. Et vous savez qu'on est aussi jury de The Voice Belgique. Ah oui, c'est vrai. Vous allez appeler. Ça commence jeudi d'ailleurs. Ouais, on commence le tournage jeudi là. On est un peu à Paris. Ensuite, direction la Belgique. Vous savez, cinéma, télé, musique, Big Flo, on est un peu tout terrain, vous savez. On est un peu des artistes multi-talents. Multi-talents. Multi-talents, ouais. Je suis ému, Flo, c'est très bien. Bah tiens, justement, vous n'avez jamais fait animateur de jeu. Romano, tu es ce soir l'animateur de notre grand jeu de ce soir. Question pour un gros con. Question pour un gros con, avec d'un côté... Ah, t'es pas un con. Ah, il y a un buzzer et tout, ok. Ouais, ça c'est... Alors, fais écouter ton buzzer, Karim, fais voir ton buzzer. Cédric, ton buzzer. Alors, on les a élus, tous les deux finalistes de questions pour un gros con. Oh, il n'y a pas eu de tour avant. Hein. D'accord, enfin, c'est direct finaliste. Non, mais bon, le niveau est quand même bas. Bah, oui. Est-ce que je pourrais poser une question? Oui, oui, tu pourras, tu pourras. Super. À limite, si on a besoin de les départager, tu poses la question. Ah, mais avec grand plaisir. Pas mal. C'est bien, Big Flo. Je me fais des kiffs. Ouais. Et puis, il y a autre chose dont on parlait depuis le début de l'émission tout à l'heure. Prépare une bonne question. Hein. Oui. On parle des bons coups et des mauvais coups. Exactement, les bons coups et les mauvais coups. Et vous êtes déjà tombé sur des mauvais coups? Alors nous, déjà, il faudrait qu'on tombe sur un coup. Déjà, du coup, ouais. Non, mais bon ou mauvais après. Non, franchement, non. J'ai eu très, très peu de conquêtes dans ma vie. Donc voilà, c'était plutôt moi le mauvais coup, je pense. Mais ton frère, il n'avait pas eu. T'as déjà été un mauvais coup. Je pense, ouais, je pense, mais j'ai eu que très, t'as déjà très été peu de conquêtes. T'as fait, ouais, on peut se dire tout en tout. Regarde, quand il me regarde, l'autre, il va faire cracher. Non, mais franchement, ça arrive à tous les gars d'avoir des moments de faiblesse. C'est Big Flo, je le dis pour la réputation de Oli. C'est vrai. Il y a pas de honte, ça arrive à tous les gars, même les plus grands, rappeurs tels que Big Flo. Ont parfois des petits problèmes, ça arrive. Hein. Il faut pas de honte, les gars. On a pas l'air trop d'accord, hein, mais bon. Oli. Moi, je suis un génie du sexe en même temps. Je suis un génie du sexe. L'autre, il vient de serrer une meuf, il est heureux. Le bâtard. D'ailleurs, est-ce que je peux avoir encore une musique suspense? Est-ce que c'est possible? Tu veux une musique suspense? Mais bon, d'un moment, ça va être facturé, les gars. Les amis. C'est un grand jour parce que Oli m'a dit qu'il voulait l'annoncer. Parce que vous le chambrez. J'ai pas dit que je voulais l'annoncer. Si, on va l'annoncer quand même. Ça fait plusieurs fois qu'il vient ici qu'on le chambre. Oli a une copine. Oh, officiellement. Oh, oh. Oh là là, la honte. Vous foutez la honte. Il y a des milliards et des milliards de filles qui doivent être en train de pleurer derrière leur radio. Non, elle a rien de la chance. Ah, pas du tout. Si, tu le sais, Oli. Car mon vrai amour dit full restera le public. Et tu un peu de violon, ça m'avait manqué. Oui. Les mauvais coups. Bah tiens, justement, on va en parler avec Germain. T'es là, Germain? Oui, je suis là. Avant notre question pour un gros con, notre gros concours ce soir. Bah bienvenue, Germain. T'as 21 ans. Et devinez où il est, lui? Toulouse? Non. Albi? Non. Nice? Bah oui. Ah, eh oui, Germain de Nice. D'accord. Salut, Germain. T'as 21 ans, toi, Germain, c'est ça? Ouais, c'est ça. Eh ben, bienvenue sur Sky. Bon, Big Flo et Oli, tu les connais. Cédric est de retour ce soir. Ouais, ma gueule. Une soirée ouais, de folie. Ah ouais, ça. Qui nous attend jusqu'à minuit. Tous vos messages, hein, pour Big Flo et Oli, allez-y, hein. Yeah. 41-759, skyrock.fm et 01-53-40-30-20. Il y a plein de messages. Bravo, Oli. Ah, enfin, Oli. Putain, je te jure. Si tu galères, Oli, je suis là. Ah, c'est Mademoiselle Anna qui nous laisse un message. Il y a déjà en fait, on m'a tellement chambré dans cette émission sur mon célibat que même dans la rue, les gens me chambraient sur ça. Sérieux? Alors, oui, vous. Oui, vous. Ah bah pas moi. Ouais, tiens, la marocaine qui non, Marie, dit Oli, tu es l'homme de ma vie. Mais ça fait plaisir. Gros bisous. Ah, c'est beau. Mais ouais. Il est pris, ça y est. Ouais. Personne dit Big Flo, t'es l'homme de ma vie. Si, un mec qui l'a dit. D'accord, merci. Merci à vous. Big Flo, tu es un monstre. Ah, d'accord, oui, d'accord. Bah alors, Germain, t'as été un mauvais coup? Non, c'est une meuf qui était. T'es tombé sur une meuf qui était un mauvais coup. Ouais, une meuf que j'ai rencontrée sur Smax. Oui. Et donc la fille, pour la première fois que je la vois, je vais chez elle directement. Ouais, mais c'est comment ça s'est passé? Donc t'as discuté avec elle, elle voulait tirer un coup, elle voulait l'amour, elle voulait quoi la meuf sur Smack? Ouais, bah on a parlé sur Smack et un soir elle m'envoie, je suis toute seule chez moi. Ah, et là tu te dis, c'est pas mal ça. Là je me dis, il y a l'occasion. Non mais tu te dis, je vais la niquer. Soyons clairs. Ouais. Ah oui. Moi, je l'avais dit de manière un peu plus soft, mais bon, tant pis. Hein. Non mais oui, non mais dans un cas comme ça, tu te dis, ouais, c'est bon, ce soir je la nique. Voilà. Voilà, c'est ça. Mais a priori, tout ne s'est pas passé comme prévu. La fille, Oli, ne bougeait pas. Oli, mais comme Big Flo et... Oh non, s'il vous plaît, ne nous mettez pas dans ces histoires-là. Oh la vanne pourrie. Bah, attends, c'est ce qu'on peut, hein. Oh Flo, tu es l'homme de ma vie. Ah voilà. Tapez Big Flo, je suis là aussi, mort de rire, nous dit manche longue, elle a 15 ans. Il y a quand même un mort de rire. Oui, ça tweet. Il y a là aussi 15 ans. Derrière, ouais. Ça tweet beaucoup, là, ça arrête pas sur mon portable aussi. Je vois beaucoup de messages, ouais. Alors pourquoi ça a été un mauvais coup, la meuf, Germain, toi? Eh ben, bougez pas. C'est-à-dire qu'elle est restée allongée et voilà, c'est tout. La technique. Ah mais de tu l'as niqué quand même. Ah oui oui mais bon. Comme l'histoire qu'on racontait avec c'était qui restait. Ah c'est la Maria Sharapova. Elle est bonne Maria Sharapova, c'est la tennis. La tennisman. La woman. Tenniswoman. Ouais. Elle restait. Il y a Adam Levine, le chanteur Adam Levine, qui a raconté qu'elle restait allongée comme une grenouille morte. Donc grenouille morte, ça marche aussi pour toi, Germain. C'est pareil. Ouais voilà c'est ça, c'est pareil. Mais genre tu l'as niqué commissionnaire ou tu l'as retourné un peu? Ah. Elle bougeait pas du tout. C'est Une enclume quoi. Non mais genre, est-ce que tu as vérifié qu'elle respirait? Elle était pas décédée. Ouais, bonne question. C'est pas con. Quand même. J'ai vérifié au bout d'un moment, mais ça allait. Elle respirait. D'accord. Ah ouais. Ok. Ouais, c'est chaud ça. Mais genre aucune réaction, pas le souffle qui change, rien. Mais la meuf comme morte. Ah ouais, mais c'est ça. Le lendemain, elle m'a envoyé un message, mais bon, j'ai même pas répondu. Ça te rappelle des souvenirs, Romano? Ah bah, tu m'étonnes, hein. Ça donne pas forcément envie, ouais. Ah, ça te rappelle des souvenirs, Romano? Hein? Ça te rappelle des souvenirs? Mais c'est du harcèlement. C'est du harcèlement. Tu dirais Jean-Jacques Bourdin. Romano, ça te rappelle des souvenirs? Non, pas du tout. Ah, réponds. Non. Mais si. De quoi? La gothique? Bah ouais. Ah oui, bon, c'était pas... Il restait 3 ans et demi avec. Non, mais elle bougeait quand même un minimum, hein, mais bon, c'était pas la folie, quoi. Comme le dit LSCH, en mode cadavre, c'est un peu ça, quoi. Et surtout, elle suçait pas, quoi. Et en plus. Ah, ça. Ah, putain, la totale. Dure à vivre. Elle se faisait même pas enculer, en plus, vous savez. Donc, tu nous le dis à nous, ça, genre, en mode confidence. Et non, si, mais... Bizarre, non, mais je t'ai confirmé, hein. Personne ça. Ne nous entend. Non, mais elle, en même temps, j'avais pas trop envie de l'enculer, tu vois. Je suis extrêmement choqué. J'imagine. Dit-il. Bon, alors... Bah écoute, Germain, t'as changé depuis? T'es passé à autre chose? Ah oui, depuis. Ah bah j'espère pour toi. Dès le lendemain. Ça a changé. Mais très, t'en as reniqué d'autres sur Smax qui bougeait mieux? Ouais, une autre où c'était normal quoi. Bon bah très bien. Bon bah très bien tout ça. Bah écoute, merci Germain. Puis n'hésitez pas à témoigner. Les filles aussi, hein, vous êtes tombées sur des mauvais coups, des mecs mauvais coups. On a eu tout à l'heure le témoignage de Moshita d'ailleurs pour Cédric. Ouais. Évidemment. Régulièrement elle vient nous faire des témoignages poignants. Et celui-ci, il était poignant, Germain. Merci Germain du coup de fil. Merci à vous. Salut à toi. Salut. Ciao. Salut. Alors, Big Flo et Oli. Ah, enfin Oli. Putain, mais c'est l'événement de la soirée, le fait que tu aies rompu ton célibat. J'ai vu tout le monde t'a dit bravo et tout. Maintenant, il parle du permis aussi. Je me fais chambrer tous les jours. J'ai pas le permis aussi. Rassure-toi, moi non plus. Je suis victime. Ah bah, il est rassuré, là, grave. Romano en parlait, je suis victime d'harcèlement au quotidien. Bah, mais t'as le permis ou pas? Ou tu l'as eu? Non, j'ai pas le permis. Non, mais non, c'est quoi le rapport? Je sais pas, les gens disent t'as une copine, mais non, passe ton permis, je comprends. Ah, d'accord. Ah, oui, c'est ça. Ah, genre, faut y aller par étapes, quoi. Marie a pas le permis, mais elle tire les freins à main. C'était joli, ça. Elle ne tire pas que les freins à main, d'ailleurs. C'est la petite blague. Oh putain. Elle tire toujours de retour et mes jeux de mots pourris, vous inquiétez même pas, les amis. Mais ça nous avait manqué, tu sais, Biflo. Préviens juste que je prévois les bruitages pour cacher un peu la misère. Tiens, Oli, tu te fais harceler, regarde. Il suffit de dire un truc, genre, ne faites pas, et sur Sky, vous faites. Il y a Lo qui vient de laisser un message. Oli, passe ton permis. Maintenant que t'es une copine, passe ton permis. Regarde. Hashtag Oli, passe ton permis. Licorne aussi qui laisse un message. Pareil, même chose pour Licorne. J'y pense et je reviendrai le fêter à la radio libre. Tu nous diras tout, en exclu. On te prêtera la voiture du Belge, t'inquiète. Tu sais que Difool ne l'a eu que la deuxième fois? À cause d'une fille qui était toute petite. Non, mais ça ne marche pas comme argument. Non, mais c'est pas. Non, ça marche pas, gros, ouais. J'ai déjà expliqué que ça passe pas. Permis de conduire, incapable de l'avoir une fois. Bah, incapable, j'avais pas réglé un rétro. L'autre con, il me demande de rentrer sur une autoroute. Malheureusement, j'ai pas rétré le rétro extérieur de gauche. Je l'ai pas eu du premier coup. Ah, merci, Bifou. Voilà. Là, monsieur Difool, il se la raconte sur tout, donc je le remets en place sur son permis. Je me la raconte. C'était la route qui a fait une erreur, pas Difool. C'est la route. Ça, c'est bien. Tu l'as eu la même. Toi, tu l'as, ouais. Moi, j'ai le permis, ouais. J'ai le permis. Il a permis VTC. Dans le clip avec Jean, on le voit, c'est Flo qui conduit. On a failli se. Ah ouais, d'ailleurs, ça, c'est une petite anecdote, petite anecdote marrante. Ouais, se foutre dans le ravin, on était carrément à deux doigts de se foutre mal, quoi, vraiment. Effectivement, un sacré conducteur. Maman, tu le vois, il est. Peut-être qu'il n'est pas eu du premier coup. Vous l'avez passé à Toulouse, non? Oui, je l'ai passé à Toulouse, j'ai eu mon permis. Voilà, on va faire un point sur tous les permis. Sur le tien uniquement, Flo, parce qu'a priori, c'est pas la folie du volant, dis donc. Moi, j'ai du premier coup. Hein. J'ai eu trois fois, moi, le permis. Ouais. Ah, puis voilà. Pourquoi trois fois? Parce qu'il me l'a annulé. Parce qu'il est complètement con. Parce qu'à chaque fois, il me le retirait. Bah, j'avais plus de points, donc il me le retirait, donc je l'ai repassé une deuxième fois. Ouais, il vaut mieux qu'il te le retire tout court. Ça, je suis d'accord. Non, mais là, c'est comme si j'avais trois fois le permis, quoi, en fait. Et trois fois du premier coup. La première fois, le code, je l'ai foiré. Mais après, tranquille, quoi. C'est marrant que tu te vendes de trucs, Cédric, c'est bizarre parce que. Voilà, toi, j'ai eu 3 fois mon permis. Bah écoute, l'essentiel est de l'avoir une fois. Plus le permis moto, ça fait 4. Bah oui. Mais tu précoce en fait. Ah, tu précoce en fait. Là aussi, tu te vantes. Mais ça aussi, c'est pareil. Non, mais c'est vrai. Pourquoi tu te vantes, Cédric? Je ne pas de ça. Pour présenter précoce. Allez, c'est bon. Là aussi, on est sur les mauvais coups. Ah ouais, puis il est fier de lui. Dans un instant, il va se vanter du fait qu'il a eu 15 accidents de voiture. Ouais, de trucs normaux. Il est fier de trucs bizarres. Ouais, bizarres. Pour moi, ce soir, Cédric a l'immunité. Donc voilà, je vais pas le clasher. Il revient. S'il est de retour, il s'est blessé. Donc voilà, je serai très gentil. Gentil. Vous avez vu, depuis qu'il est plus célibataire, il est devenu gentil, Oli. Moi, il n'y a pas de pitié, c'est Tim Romano. Ouais, t'as bien raison. Non, mais ça va, il est en pleine forme. Il nous a fait sa comédie. Il voulait qu'on lui ramène des cadeaux à l'hôpital. Vous savez, le mec était malade, mais toute la journée, il était dehors. Ouais, comme par hasard. Sauf pendant l'émission. Mais d'ailleurs, de toute façon, au niveau de ton salaire, gros, tu vas avoir une surprise à la fin du mois. Par contre, nous, on va avoir une grosse prime. Ah ouais, voilà, il est royal. Bon, Big Flo, Oli avec nous, et dans un instant, question pour un gros con, Romano. Oui. Question pour un gros con, c'est des questions de culture générale, on va pouvoir se cultiver avec nous. On savait que vous en aviez besoin, vous aussi, Big Flo, Oli, vous avez bien fait de venir aujourd'hui. Moi, j'adore les quiz, on adore les jeux comme ça, donc on est très friands. Je fais tout tomber dans le studio, on est très friands de ça. Il est très ému, vous avez vu, il tremble de partout. C'est l'amour, c'est l'amour. Il est amoureux. C'est la fin, quoi. Ils vont pas te lâcher. J'ai l'impression d'être dans un repas avec ma famille, tu sais, ton relou. Bah c'est ça un peu. Sauf qu'on mange pas. C'est ça. Et là vous allez vous marier, vous allez faire des enfants, tout ça. Est-ce qu'elle a des gros seins, Oli? Ah non. Est-ce qu'elle est bonne, Oli? Elle est bonne. Je ne répondrai pas à cette question. Bon, Big Flo, Oli, le retour. Vos questions pour Big Flo, Oli. Ça fait plaisir. D'ailleurs, j'avais du monde pour vous. Là, on va les retrouver d'ici quelques instants. Il y a Étienne qui voulait vous parler à Toulousain en plus. Ah. On va s'occuper d'Étienne. On s'occupe de vous. Vous laissez vos messages. Vous avez le hashtag Big Flo et Oli Shinifool. Vous nous laissez vos messages au 41759. Et avec la nouvelle appli Skyrock aussi. Et on est de retour tout de suite. Ils ont gagné 1 500 € dans le morning de Difool sur Skyrock. Et ils savent ce qu'ils vont en faire. Honnêtement, je viens de déménager, du coup, c'est super. Je vais faire une grosse soirée avec mes potes, ça va être génial. Je vais faire plaisir à mes amis. Je vais m'acheter une prod. Bah, elle est dépensée. Ah, bah, moi, je garde tout pour moi. Non, mais attends, Romano, je t'ai reconnu, t'as pas gagné les 1 500 €, toi. Allez. Quand Difool t'appelle et te demande quelle est ta radio préférée, réponds Skyrock. Et après, fais-toi plaisir. Le morning de Difool, 6h-9h sur Skyrock. The Morning Show. Jack Reacher, vous êtes qui, nom de Dieu? Never go back. Celui que vous n'attendiez pas. Tom Cruise, sans concession. Il est temps qu'on se mette en chasse. Sans remords. Faudra pas m'en vouloir. Sans retour. J'aime pas qu'on me suive. Jack Reacher, Never go back. Tom Cruise. Vous êtes une légende. On raconte quoi d'autre? Mercredi au cinéma. Je suis pas la loi. Pour augmenter tes chances de gagner 1 500 €, putain, on voit maintenant 1 500 au 7 20 20. 65 centimes plus coût SMS. L'année n'est pas finie. Non, moment au 71 777. Des conseils, des idées pour bien aborder l'avenir. Envoyez moment, M-O-M-E-N-T, au 71 777 et nos astrologues sauront vous guider vers la sérénité. Le meilleur des futurs, des réponses à vos questions. Moment au 71 777. 65 centimes plus prix du SMS DGP. Le job s'habille plus en panne. Soprano. Soprano, son nouvel album L'Everest, enfin disponible. You're listening to Skyrock. La nouvelle appli radio Skyrock, obéit aux doigts et à l'oreille. Ah, c'est cool. Rejoue tes sons préférés à l'infini. Sky. Retrouve en exclu les nouvelles radios 100% Skyrock. C'est trop de la bombe. Et inscris-toi automatiquement au jeu des 1 500 € pour gagner toi aussi la thune avec Difool. La nouvelle appli radio Skyrock. Sur iOS et Android. Fonce. Elle est gratuite. Ça, c'est le feu, ça. Sarah, 42 ans. Pourquoi donner un rein de son vivant alors que l'on fait des greffes à partir de donneurs décédés? Professeur Combes, président de la Société francophone de néphrologie dialyse transplantation. Bien d'abord parce qu'une greffe à partir d'un donneur vivant pourra être effectuée plus rapidement. Ensuite, le don du vivant offre d'excellents résultats pour le receveur. Et enfin, il permet à un nombre plus important de patients d'accéder à une greffe de rein. Pour toutes vos questions sur le don du rein, rendez-vous sur le site de l'Agence de la biomédecine dondorgane.fr. Concert. Après le succès de SCH dans Planète Rap. SCH dans Planète Rap. SCH choisit encore Skyrock pour ses concerts en France. Ok. SCH en concert avec Skyrock.

Radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Eh oui, la famille, on est là tous les soirs, 21h yes. minuit. Il y a le clash à faire. Il y a du surf à faire avant minuit parce que bon, c'est bien gentil. On monte dire, quand vous voulez. Hein. Je connais Jean Dujardin. C'est nous qui faisons la BO de Jean Dujardin. Oui, bien sûr. On est potes avec Dujardin maintenant. On fait la BO de Bryce de Nice. Mais bon, est-ce que vous savez faire du surf, les amis? Alors, moi je crois toujours pas cette histoire de surf. Non, mais on va mais monter. Tu vas le voir. Mais alors là. Deuxième étage, c'est là où tout se passe. Flo, ouais. tu sais que j'adresse plus la parole aux gens. Tu peux demander à Difool s'il a un Oscar? Oui, Difool, est-ce que tu as un Oscar? Sinon, Oli ne te parle pas, sache-le. Alors, j'ai eu des Oscars, plusieurs. T'imagines le truc? Plusieurs Oscars. Oscar du plus beau nez. Oh, merci. Ah bah, merci. Ouais, ouais. On pourra faire un trophée d'ailleurs. Au moins, le pas, t'imagines sur par grand contre, écran au Cinoche. Les gars, pour le surf, on vous a préparé un short. On a un short pour chacun. Ah, mais si, les gars, vous allez faire du surf. Vous allez pas vous mettre en habit normal. Ah non, torse nu, les gars. Torse nu et short. Non, c'est sûr, c'est une vanne. C'est en extérieur. Non mais crois, je rigole. Non, c'est extérieur. Non, c'est là au-dessus là, dans une salle. Mais on a monté une. Ah, il y a tout un truc et tout. On a foutu un bordel aujourd'hui. Ah ouais, je n'y crois pas. Tu vas y croire, tu vas le voir. Regardez sur notre Snap, on filme tout ça et aussi sur le Snap de Skyrock. Ouais, et on a filmé en Facebook Live et Periscope aussi. Ah, vous aurez promo toujours là. Est-ce que quelqu'un aura un tire-bouchon? Ça chopé là. Alors tiens, il y a un tire-bouchon. Ah ouais, mais c'est ouf. Faites rentrer Ibrahim là, parce qu'il y a Ibrahim qui est venu, parce que c'est aussi le retour de Cédric et toute sa team. Non mais ça c'est un truc de dingue ce qui s'est passé. Vas-y, raconte. J'ai toujours un tire-bouchon. Ben nous on arrive de Sky, il y avait des camions remplis de bouteilles de soft, d'alcool, de bouffe. Ouais. Mais ils ont ramené pour vraiment. Pour 50 personnes quoi. Non, ouais, parce qu'on m'appelle, on me dit en bas, il y a une surprise pour toi. Je me dis, ouais, Romano, on m'a encore fait une saloperie. Je crois que c'est l'autre avec sa baignoire là, Jerem Star. Je me dis, vas-y, les mecs, ils m'ont fait ça et tout, je suis en panique. Vous êtes au courant J'annonce la grande nouvelle. Vous savez pas que Cédric et Jerem Star. Non. Attends, quoi? Tu connais Jerem Star? Ouais, je connais bien. Est-ce que t'es allé dans sa baignoire? Non, il va pas y pisser dedans. Je suis pas prêt d'y aller dans sa baignoire. Mais qu'est-ce qui se passe? Vas-y, je veux savoir. Non, et puis non, y a rien du tout. Gros, eux sont. Ah si si. Non non. Alors en fait, je t'explique. Il y a eu un premier rapprochement entre Jerem Star et Cédric. Non, et Romano déjà. Comment tu sais ça en fait? Ah parce qu'on en a parlé à l'antenne. Bah oui. Tout ça, s'est passé dans la radio. Quel mytho celui-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que de là, Mathieu Delormo s'est glissé dans l'affaire. Ouais. Et c'est tous les boys and girls. Et voilà. Ils veulent serrer Romano en fait. Tous les boys and girls. Il est pas là, la vermine? Si, bien sûr qu'il est là. Il est là, la vermine. Bonjour, bonjour Vermine. Lui il est amoché lui hein, je peux te dire. Ah ouais. Big Flo il s'est branché le micro dans la gueule. Ne t'en casse pas les dents. Et de là la création de Jerem Star et Big Flo il ouvre la bouche, il veut bouffer le micro. C'est bizarre. Et de là la création d'un boys band. Les MJC, Mathieu, Jerem Star et Cédric. Mais attends, est-ce qu'ils se sont vus vraiment? La rencontre est prévue. Tu peux me gérer ça. C'est des conneries. Non, c'est pas des conneries. Jerem Star est OK pour recevoir Cédric dans la baignoire. Casse-toi, vas-y dans la baignoire, frérot. Je vais pas. Bien pour les blessures. Non, mais c'est bon pour le buzz. Vous imaginez le groupe Mathieu Delormo M. Picou les boys and girls. Jerem Star J. Et Cédric. C'est ça, ouais. Et Cédric, il nous fait. Salut les filles. Et MJC, c'est pas un groupe de dingue, ça, quand même. Ah ouais. Ça serait magnifique. Mais si on court, on travaille dessus, on va les produire. Ouais. Nous, on veut bien être sur le coup en coproduction, si jamais. Ouais, mais on mettra peut-être pas vos vrais noms. Vous serez dans le clip, alors, les gars. On mettra Paco et Juan. Voilà, c'est bien des pseudos. On va ouvrir un label à Barcelone, un gros truc, Paco et Juan. Production. Ouais, donc l'histoire, je crois que c'était Romano qui m'a fait la blague de l'autre avec sa baignoire, et en fait, je descends, et je vois deux camions, mais des vrais camions quoi. Le mec il est venu avec un camion, il ouvre le truc, il me fait ouais, je t'ai ramené une surprise, je crois qu'il lui me fout dedans le mec. Non mais laisse tomber. Il ouvre et je vois des boissons de partout, de la bouffe de partout. On va vous mettre les photos, vous allez voir, c'est impressionnant. C'est vrai qu'il était content au début, voilà, je vais me faire kidnapper. Au début, je me suis dit, ouais, c'est un guet-apens. Ah, mais dans un camion de bouffe, il est heureux, hein. C'est toi, Ibrahim, qui a tout ramené? Oui. Il est venu avec un groupe de meufs en plus, mais laisse. Ah ouais, il y a plein de nanas. C'est qui le grand monsieur avec des lunettes de soleil juste à côté de toi? Bah, lui, c'est le Mac, je crois. C'est le Mac qui s'occupe des meufs. C'est le Mac. Et il fallait pas amener tout ça pour Cédric, tu sais qu'il est capable de tout bouffer, hein. Et Marie va tout boire. Il est. Ouais, non, pourquoi les Marie est capable de tout boire, Ibrahim? Non, mais il a ramené des bouteilles, elles font un mètre, les bouteilles. Ah ouais, non, mais un truc de malade. Et les filles n'ont pas eu trop peur en croisant Cédric? Non. Oui, il y a plein de filles. Il y a plein de filles pour Cédric. Il y a plein de filles, des très belles nanas. Non, mais en fait, elles ont vu Cédric, elles se sont barrées. Elles sont dans le camion, elles ont peur. Je vais me déplacer parce qu'il y a beaucoup de filles. Vous vous rendez pas compte, moi j'ai vu dehors. Les filles. Allez voir les filles, Big Flo là. Ouais, mais t'as ramené quoi alors? T'as ramené des bouteilles, mais plein. À manger. Non, mais il y a à bouffer pour 50 personnes. Ah, il y a tout. Hein. C'est gentil. Bonjour, madame, mademoiselle. Bonsoir. Ah. Salut. Salut. Ah ouais, il y a de la. Et fais de la pub pour ta boîte. Hello Boisson, ça s'appelle. Oui, Hello Boisson. C'est un service de livraison pour les pros et puis pour les particuliers en Île-de-France. Hello Boisson, t'as une adresse, t'as une page Facebook? Hello Boisson, helloboisson.com, Facebook aussi, Hello Boisson. Hello Boisson, donc allez y faire un tour parce que. Ils sont cool, hein. Ils ont du matos, hein. Franchement, il y a plein de trucs, ils nous ont ramené des trucs, là on est en train de boire, voilà. Mais putain, il y a un de vos potes, il passe en regardant les films. Ah, mais grave! Il y a un de leurs potes, on dirait Will.i.am. Eh, c'est Will.i.am 95. Là, je t'assure. Salut, Will.i.am. T'as le même chapeau que Will.i.am en plus, je te jure. Magnifique. Salut, dit non. nous, on pensait que c'était pour Big Flo et Oli, tout ça et tout, mais en fait, pas du tout. Mais voilà. On est très déçus. Bon, Cédric. Mais si, on va dire que c'est pour vous, les gars. Bon, moi, j'ai la tête dans des seins, excusez-moi. Je vais pas faire comme Jean-Michel Maire. Hein. Je dis tout de suite, je ferai pas mon Jean-Michel Maire ce soir. Non, tu te tiens. Je suis mieux que ça, oui. Bon, salut les filles, comment vous appelez? Moi, c'est Fernande. Salut Fernande. Et t'as pas une tête à t'appeler Fernande, dis donc. Ah, non, mais bon. Bah, t'as pas l'âge en tout cas. Non, tu t'appelles comment? Jennifer, bonjour Jennifer. Bonjour Nadine. Jennifer aussi, à deux Jennifer, je peux t'appeler Nadine. Mais vous êtes combien? Un, deux, Marie, trois, tu restes la plus belle. Oh, merci. C'est dingue, c'est royal, hein. Ah, t'es trop chou. Et toi, t'es dégoûté de. C'est dingue. Oli. Et Oli. Maintenant qu'il a assuré une meuf. Viens me voir. Toi, t'étais célibataire. Ouais. Toute sa vie, il a été célibataire. Il y a toutes ces filles qui viennent me voir. Tu trouves une meuf. C'est vrai qu'il est dégoûté en ce qui. Ce qui se passe à Skyrock reste à Skyrock. D'accord. Non, mais le mec, toute sa vie, il était célibataire. Il est venu 20 fois. Et jamais il y a eu une meuf. Là, une pour une fois, tu une meuf. Là, c'est pour la fête d'un ami, c'est pour Cédric. Donc, je laisse la main à Cédric. Voilà. C'est gentil, merci ma gueule. Bon, allez, on fait de la promo pour helloboisson.com. Allez-y, hein, sur Hello Boisson, ils sont sympas. Et merci beaucoup pour tout. Et écrit 24-24. Hein. Et ça dit 24-24. Ouais. Oh, c'est bon à savoir ça. Qu'est-ce que tu dis? Les préparations de dernière minute, on répond présent. D'accord, ben on voit. Ça a l'air bon ce que vous faites là. Ils font traiteurs et tout, il y a des petits trucs là. C'est bien, ça a l'air bien bon. Moi, je me suis régalé gratuitement, Romano. T'as bien raison, moi je fais pareil. Regarde, il y a Big Flo qui est avec Romano. C'est deux grosses pinces tous les deux, hein. Non, ils s'entendent bien les deux. Nous à la fin de l'émission, on va charger des caisses dans nos voitures. Oui, ouais, tout à fait. Et Oli, c'est un gros radin ton frère, non? Mon frère, il fait attention à l'argent comme il dit, voilà. Ouais, bah, non mais voilà, Romano, on est pas radin, on est économe. C'est deux gros relous tous les deux là. Mais moi je trouve qu'ils vont très bien ensemble, ils font la paire les deux. Bah ouais, baiser ensemble les gars. Non mais on va peut-être pas devant tout le monde. Moi je m'entends bien avec Cédric, Romano pour un pote. Moi je vais vous laisser. Bon, allez. Pour un pote, je t'encule. C'est ah bah c'est Zifou est parti avec les filles, on le retrouvera plus. Voilà, voilà, adieu les amis, adieu. Bon, putain, je suis content d'être revenu ce soir, dis donc. T'as vu ce oh fait, putain, ça déchire. Ah. Hey, il est où mon portable, les gars? Ah, et le mien, tiens, bouge pas, hop là. Ah. Oh l'enfoiré, évidemment. Ah putain. Romano, sérieux. Je t'ai dit de faire gaffe en plus, hein. Je crois que j'ai voulu un truc. Ouais. Il est là. Ah, à partout. À partout. Bon, merci en tout cas, Ibra, merci à toi. Merci beaucoup. Merci à tous merci les filles. Merci, ouais. Franchement, vous déchirez. Bérénice. Surtout venir pour Cédric. Bon. Anissa. J'ai pas dit bonjour à qui? Toi, j'ai pas dit bonjour. À moi. Comment t'appelles? Christa. Comment? Christa. Christa. Parlez fort, il est un peu sourd. C'est l'âge. Et toi, comment tu t'appelles? Bah, Fernande. C'est Fernande. À qui j'ai pas dit bonjour? À moi. Mais si je t'ai dit bonjour, elle veut que je dise bonjour deux fois, c'est fou. Il sait plus où donner de la tête, il faut là. Il perd ses moyens. Vous le trouvez comment, Cédric? Le beau ou pas? Est-ce que c'est. Merde, soyez pas d'aller nous poser la question. Elle a dit sympathique, ça c'est dur ça. Sympathique, ça fait mal ça. Bah oui, il est sympa. C'est gentil, merci. Mignon quand même. Merci les filles. Ah, sympa. Cédric, attendez, je vais partir avec vous. Cédric, rentre le ventre un peu. Bah je vais vous laisser, faut que je rentre le ventre un peu. Ouais, rentre le ventre. Rentrez ça aussi, rentrez ça Cédric. Elle a juste fait un gros big up à Awa, Tiernon et Aruna. Parce qu'apparemment, c'est qu'on préparait la bouffe, à ce que j'ai compris. Bah merci à vous. Merci beaucoup. En tout cas, c'est l'équipe de Hello Boisson aussi. Donc on va vous mettre des photos, c'est impressionnant. J'ai jamais été. C'est impressionnant les meufs, ouais, ça c'est clair, on va vous mettre la photo. J'ai jamais été avec autant de meufs dans une pièce, je crois. Ouais, ça, tu vois. Tout se passe sur Skyrock. Attends, viens. Oui. On va snapper. Skyrock avec Big Flo. Attends, on se la raconte. Ah, bah quelle belle soirée. Bon, bah restez dans le coin, vous avez le droit de rester dans le coin, profitez. Hein. Tout à l'heure, on va faire du surf. Et ça, on vous avait prévenu, les gars. Ça, j'y crois toujours pas, d'ailleurs. D'ailleurs, on va pas tarder. Hein. On va pas tarder à faire du surf, on va pas tarder à faire le clash de soir. Oui. Et question pour un gros con. Ouais. Vous êtes prêts pour question pour un gros con? Bah, allez, moi je suis chaud. Moi. Allez, on est chaud. On ressort sur le katana. Et Oli avec nous. Yeah. Ah. On écoutera le morceau en entier tout à l'heure. Ça fait plaisir. C'est la BO de Bryce Nice. Si vous n'avez pas vu, vous allez sur YouTube, vous tapez pour un pote. Mais tout le monde l'a vu, il fait déjà 6 millions de vues. Vous l'avez vu le film? Ouais, on l'a vu, on l'a vu deux fois. On l'a vu une fois, en pas préparé en fait. Il y avait que des fonds verts tout ça. Ouais. Et une deuxième fois au Grand Rex, là, ils ont passé le clip et tout. Donc c'était assez touchant de le voir sur le clip. Je te parle sur le grand écran, c'était magnifique. Et le film, il est comment? Le film, c'est le pire film que j'ai jamais vu. C'est tant vraiment mieux, c'est ce que j'aime. Mais il se passe quoi là? Ben je vais pas te dire la fin, Cédric. Bah non. Histoire qu'on rigole un peu. Non, j'ai pas envie de spoiler tous les auditeurs. Spoil pas ici. Mais c'est vrai que je sais pas. T'es bien renseigné. La fin est énorme en tout cas. C'est vrai. Ouais, vraiment. Vraiment, la fin est énorme. Dedans. Et non, alors écoutez, le son était censé être ça vous pourrait le mettre dans les bugs. Le son était censé être dans le film. Ouais. Malheureusement, on a rendu les bandes trop tard. Ouais. Ah bah bien joué, et les du gars, coup, ils nous ont dit, mais les gars, c'est trop tard, vous pourrez pas être dans le film. On a dit, ah, merci. Voilà. C'était notre faute, voilà. S'il y a des fans, j'ai vu des messages, genre, ils sont pas dans le film et tout, à cause de qui? Ben, c'est à cause de nous. Mais on l'entend même simplement pas au début ou à la fin. On l'entend, écoute-moi bien, Romano, pas une seule fois dans tout le film. C'est pour vous dire, la mentalité Big Flo Oli, c'est qu'on est tellement des blédards qu'on a rendu la bande en retard, alors que c'était un gros truc, hein, même. Et pour ça, je dirais, bravo! Ouais, ouais. Bravo! On est confiés en fait, live, hein, si vous voulez nous voir ce soir, là. Depuis que Romano est notre manager, on galère de dingue, là, dans le milieu, c'est une galère. Ah non, mais totale. Moi, je t'aurais pourri la gueule si t'aurais envoyé les bandes en retard. Tu aurais pris trop de pourcentage, de toute manière. Mais bon. Donc, du coup, vous ne serez pas payé, alors? Et du coup, ça nous fait de la pub, voilà. Oui, du coup, on remercie Skyrock. Voilà. Non, c'est quand même Jean qui rappe, hein. C'est assez ouf. Hein. Mais vous avez enregistré avec lui ou pas? Ouais, on était en studio à Paris là, il y a moins de deux mois. Ouais, on était ensemble, on lui a écrit les paroles et on l'a fait rapper quoi. Ah ouais, donc c'est vous qui avez dit, c'est parti. Ouais. Je tenais à le dire. Il a posé facile. Je vais pas être avec des rappeurs de merde. Big Flo et Oli. Jean-François Marquet, Di Fool, ça fait deux fois qu'il l'a pas. Ouais, il aime bien. Il est content, ouais. Ça va faire rigoler. J'ai bien aimé ce que vous avez fait avant. Vous parliez de Brice de Nice en disant ouais, c'est un truc de vieux. Ah là, cette vidéo. Mais ouais, je tenais à dire en tout cas qu'il y a beaucoup et de gens lui, qui disaient un rappeur Big Flo, oui, t'es un rappeur de merde. C'est des Pokémon, il a ouais, les Pokémon, ouais, c'est ça. Moi, je tenais à dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que voilà, c'est que pour un film et que genre peut-être on a même pas rencontré Jean. Ce qui est faux, on a vraiment passé des bons moments. T'es avec lui. Vraiment, on n'a pas rencontré Jean. Ah ouais, Jean, pardon. C'est vrai, Jean, pardon. Mais non, là. Dédicace à Jeannot. Non, mais c'est vrai que c'est devenu un pote. On s'est très bien entendu. Ouais, super cool. On l'a revu plusieurs fois. On s'est bien entendu. Il nous a dit que ses fils écoutaient pas mal Big Flo et Oli. Donc voilà, c'est une vraie rencontre. Voilà, un partage. C'est bon, Oli, toi. C'est bien, Michael. Bon, on va faire question pour un gros compte tout de suite. Allez. Attention. C'est l'heure de notre grand rendez-vous de culture dans l'émission. C'est ça. Je dis fou, j'ai une question. J'ai pas compris. C'est quel animateur qui va imiter? Ouais, moi aussi, j'ai rien compris. Il va imiter quel animateur télé? Julien Lepers. Alors, Julien Lepers, je parle de Kreischmann. Oui. Je suis pas contre non plus. C'est moi qui pose les questions, c'est tout. Ah, d'accord, ok. Et nous, du coup, on joue pas du tout avec Oli. Non, alors, nous, on est public. Non. D'accord. Pour l'instant, non. Peut-être sur également. Voici donc des questions de culture générale pour Cédric d'un côté, qui est donc remet son titre de gros con de l'émission en jeu contre Karim, qui est là, juste à ma gauche. Ouais, je suis là. Oh, déjà, les gogoles, va falloir arrêter avec les buzzers. Ah, on n'en peut plus, là. Je vous explique le principe. Il s'amuse. Romano pose une question. Ouais. Si vous avez la bonne réponse, vous ne la donnez pas, vous appuyez sur votre buzzer. Non, mais c'est au plus rapide. Celui qui buzz le plus vite a le droit de proposer. Le premier qui buzz attend qu'on lui dise, bah, vas-y, Karim. Et Karim donne la réponse. Après, c'est à Cédric. Écoutez bien ce buzzer-là. Ça, c'est Karim. Et ça, Stoing, c'est le buzzer de Cédric. Alors, attention. Stoing, Cédric. Muck, muck, Karim. Vous avez compris? Di Fool, tu peux faire la voix off? Oui, si tu veux. Et tout de suite, en direct des studios de Skyrock, avec Fernand et ses copines, Ibrahim. Ouais, ouais. Voici tout de suite l'homme qui est également appelé le monstre du 93, Cédric Lebel. Je suis là, ma gueule. Et tranquille. Le neuneu du 92 à ma gauche. Ouais. Karim contre Cédric, c'est le grand match. Sous vos applaudissements, nous accueillons Romano. Ouais, ouais. Oh, c'est énorme, c'est C'est énorme. Merci public. Merci. Et nous avons avec nous également les jurés de The Voice Belgique. Ils sont avec nous. Ils sont de Toulouse. Il y a un gros radin qui s'appelle Big Flo et puis il y a un ex célibataire qui s'appelle Oli. C'est ça. Juste une question là, The Voice. Vous êtes sur le même fauteuil, vous en avez deux. Alors ça c'est marrant parce que je sais pas pourquoi de nouveau ça s'arrête, mais c'est la question que tout le monde nous pose plus que tout. Et oui, on est sur un double siège en fait. C'est Ils sont équipés en Belgique. Ouais, wow. Les deux sièges tournent en même temps en fait sur une espèce de plaque. Si on n'est pas d'accord, ben on s'engueule. Ouais, ça tabasse, ouais, c'est celui qui gagne. Bien sûr, c'est pour des raisons économiques. C'est conseil pas cher. Le cachet, c'est pour deux aussi. Ouais. Alors, Karim, vas-y, refais ton buzzer. Cédric, ton buzzer. Très bien. Romano, tu peux. Alors, nous allons commencer par une question orthographe. Oh putain. Pas de triche, s'il vous plaît. Allez, vas-y. Alors, attention. Vous écoutez bien. Vas-y, ouais. Vas-y. Combien y a-t-il de T dans le mot trottinette? Karim. Il y en a 4. Mauvaise réponse. Cédric. 3. Mauvaise réponse. C'était 5. Les deux sont nuls. Ah merde, putain. Attendez, est-ce que je peux poser une question? Si ils font 0 tous les deux à la fin du match, après qu'on ait posé 100 000 questions. Pourquoi t'as dit 3, toi? Parce que je crois que tu t'étais planté, connard. À ce moment-là, pourquoi t'as dit 4? Mais j'étais plus proche. Alors, il y a combien de T dans trottinette? Il y en a 5. Eh oui. 2 T et 2 T et le premier. Ah ouais. Il n'y a pas qu'un T à trottinette. Attends, T-R-O-T-I. Non, sinon ça ferait. Non, je cherche pas. Non, par contre, tu vas pas faire chier sur chaque réponse. Vas-y, c'est moi qui dis direct, sinon je te colle moins un. Faut savoir que Marie, dans son coin, elle était en train d'écrire trottinette comme ça. Ouais. Vite, pour essayer de compter les dés. Ouais. Ok, on a un jeu de rapidité, Marie. Hein. Merci, Oli. Je dis qu'il y a des débiles. Je dis tout. Donc 0-0 avec la première question. Deuxième question. Maintenant, une question musique. Question musique. Quel rappeur que l'on passe sur Skyrock sort avant la fin de l'année un nouvel album intitulé L'OVNI? OVNI, c'est qui? Oh les gars. Attends, je sais. OVNI. Alors L'OVNI, je sais pas. Karim. C'est Caris? Non. C'est Drake. C'est Jules. Ah putain. Karim. Non, attends. Hey, c'est Oli qui vient de donner la réponse. Ah, les amis. Celui-là. J'avais mal à la main, donc j'ai juste fait un signe comme ça. Ouais, c'est ça. Triche. Non, le point compte pas, vas-y, le point compte pas. Mais ça va durer 3 plombs, vous êtes pas forcés. Bon, alors attention, maintenant une question sport. Vas-y. Cédric, tu écoutes, question sport. Ouais, fermez la porte, ça me dérange. Vas-y, je suis là. Fermez les portes. Ça m'a bout de nerf. Oh, le mauvais joueur. Cédric veut se concentrer, il a raison. Alors attention, là, ça va être une question de rapidité. Question pour un gros con, troisième question. Citez 3 joueurs de l'équipe de France de foot. Karim. Non, j'ai mis avant. Non, Karim. Pogba, Koscielny, Matuidi. Voilà. Point quand même pour Karim. Excusez-moi, en tant que jury, on a le droit de buzzer avant la fin de la question? Oui. D'accord, oui. Merci. Non, parce que sinon, avec, comme tu as pu remarquer, le niveau est très très élevé. D'accord. Sinon, on risque d'y passer la nuit et du coup, on ne fera pas de surf. Pas de soucis, merci, je note. S'ils ont besoin d'un appel à un ami, on est présent, on est là dans le jury. Alors attention, maintenant une question téléphonie. Question pour un gros compte. Téléphonie mobile. Oui. Vas-y. Lequel de ces deux téléphones est le plus étanche, l'iPhone 7 ou le Galaxy S7? Karim. Galaxy S7. T'es lent, Cédric. Mais on n'entend pas mon truc. Mais si, mets le devant. Eh, mais monte ton micro, toi aussi, espèce de con. Mais il est monté. Il insulte le présentateur. Ta gueule, toi, sinon je te sors. Alors, Karim. J'ai dit le S7. Tu insultes Romano Lopez. Bravo. Bien joué. 2 points. 2 points, 2-0. L'iPhone 7 va jusqu'à 1 mètre, le Samsung à plus d'un mètre. Ah, ah. Et après, il explose le Samsung. Ça fait 2-0, là. Ouais, 2-0. Ah, il explose le Samsung ou pas? Oui, c'est possible. Le Galaxy Note 7, oui. Attention, on passe à la quatrième ou cinquième question. Alors, que signifie le O de CIO? Vas-y, Cédric. Organisme. Non. Orientation. Non. CIO. Objet, complément d'objet indirect. Non. Alors, je vais vous donner un organigramme. Non. Cédric. Pourquoi tu m'as dit orientation? Je sais pas, vas-y. Que signifie le mot? Alors, je vous donne comité international olympique. Bonne réponse, Karim. Putain. 3 points, bravo. Ah ouais, voilà. Merde. Trois mais il a donné 50 réponses, vas-y, ça compte. Ah ouais, mais gros, fallait donner. Non, il n'y a pas 3-0. Tu vas finir gros con de l'émission. Vas-y, continue. Apparemment, ta question, elle n'est pas claire parce qu'il y a 2 CIO. Centre d'information et d'orientation. Et d'orientation, ouais. Voilà, centre d'information et d'orientation. De toute façon, ça fait quand même un point. points à Karim. Ah, vous allez pas me faire chier. Ah, bah si, j'avais raison. Est-ce que dans les jeux télé, il y a des mecs du public qui vont casser les couilles au présentateur? Non. S'il vous plaît, n'oubliez pas que mon frère doit poser une question. Je suis son avocat. Oui. Bah, vas-y, oui, tout à fait, oui. T'as une question? Ah, je dois la préparer. Ah, bah oui, si. Ah, pardon. Alors, attends, je te... Bon, vas-y, j'en pose une. Il a fait un bug. Alors, il a fait un bug. Une question fruits et légumes. Ah. Pourquoi fruits et légumes? Parce que fruits et légumes. C'est la culture. Vas-y. Quel est le fruit du noyer? La noix. Bonne bien réponse joué. De Karim et Cédric. Ouais. Putain, comment tu sais ça, toi? Parce qu'il est intelligent. Mais non, il est con quand même. Normalement, il est con. Je sais tout, gros. Alors, j'en ai une petite, moi aussi. Je peux vous la poser? Ouais, vas-y. Allez. Qui élit-on lors des élections législatives? Les députés. Putain, Karim! Ah, j'ai joué au hasard, gros. Tu viens là, c'est ça? Ça, j'ai cru que t'en étais là. Elle va gagner la manche. Bravo, Karim. Fait chier. 5-0, Hadra, gros. Donc, on fera une deuxième série avec les questions de Big Flo et Oli tout à l'heure. Oui. Préparez-vous, les gars. Incroyable comme t'es nul. Putain, mais t'avais des réponses, c'est pas vrai. Mais non, je t'assure. Non, il les a pas vus. Voilà que non. Ah non, il les a pas vus. T'es con, quoi. Ils prennent vraiment tout au sérieux ici. T'as vu, hein? T'en reviens pas. Je suis choqué, là. Putain, mais même moi, je suis choqué, ce connard. Alors, Cédric, tu as perdu, mais c'est le seul jeu où on perd et on repart avec un titre. Tu as le titre de gros con. Non, c'est pas fini. Non, mais pour le moment, si, t'as le titre provisoire. 22h52. T'es le gros con. Tu es le gros con de l'émission. Fais gaffe, parce que tu es le gros con. Là, je suis pas au téléphone, je vais faire le tour, mon pote. Je pense que le public dans le studio peut l'applaudir. Bravo, bravo, c'est bravo. Bravo. Félicitations. Bravo, gros con. Bravo d'être le gros con. Non, fais pas trop, toi non plus. Parce non, mais Cédric, si j'ai un mec dans la main, ça va voler, mon pote, tu vas voir. Lui, il a le cuit d'un saumon, lui. Non, il y a 4-0, il y a pas ça. Non, 5-0, gros. Non, mais 5-0, là. Ouais, 5-0. 5-0. 5-0. Non, mais Cédric, il a fou, il se croit à la télé, tu sais, il boit dans un mug. Je crois qu'il a une pistache dans une pistache. Qu'on veut faire et le boisson, donc j'en profite, moi, tu sais, c'est cadeau. Et pourquoi j'en ai pas eu, moi? Bah, parce que tu t'es fait niquer. Ah merde. Non, il y en avait, mais je crois qu'il y a des mecs qui les ont pris. T'inquiète pas, Romano, j'ai mis de côté pour nous. Ok, c'est bon. Donc, j'ai mis des sacs. Victoire de Karim, donc Cédric, ouais. Pour l'instant, tu es le gros con d'émission et ça fait bien plaisir. Putain, mais c'est grave quand même. Non, mais vas-y, on l'a fait quand la deuxième partie là? Full. Ah, ouais. Un peu plus tard, Est-ce qu'on peut aller voir ce truc de surf? Justement, on va vous envoyer tout de suite au deuxième étage de Skyrock. Ah, mais il faut que vous découvriez en direct. Oui. Donc, ce qu'on fait, on les accompagne, quelqu'un les accompagne, mais lui montre pas. Tiens, tu veux t'en occuper, Romain, des réseaux sociaux? Non, mais il comprend rien. Il est gagné par la Wi-Fi. C'est le cerveau de l'émission. Tu voudrais pas participer au gros con? Je pense pas non plus. J'ai pas compris, je suis désolé. J'ai pas compris, j'ai mon téléphone. Donc, on va vous montrer la planche, on va la découvrir en direct. Ouais, on vous reprend dans un instant. Big Flo et Oli avec nous en direct sur Skyrock. Vous avez pas trop peur du surf là, ça va? Non, mais j'attends de voir. Mais là, pareil, on fait un concours. Ouais, mais enfilez vos shorts aussi, les gars. Ah ouais? Ah, il faut se mettre en maillot de bain. Ah ouais, tiens, gros. Attends, mais t'as même pas nos tailles et tout, frère. Ah, tiens, mon pote. Non, mais c'est ta mini. Non, mais attends. Il me lance un short à la gueule. Le mec, c'est branlé dedans, t'as sur la gueule. Chaque fois qu'on vient ici, la dernière fois, il y avait des insectes et tout. Chaque fois, il se passe des trucs pas bien pour nous. Mais c'est quoi ce truc là, mais ça, c'est une tente, c'est pas. Et c'est une tente pour moi, je vis dedans pendant 4 mois. Non, mais les surfeurs portent des trucs comme ça. C'est large, c'est surfeur. En plus, ça pue. C'est quoi, Cédric? C'est quoi, je l'ai pas sorti de ma valise depuis cet été. C'est à toi? Ouais. Oh, mais les gars, non, sérieux. Je l'ai mis cet été pendant les vacances. J'étais sur la plage, beau gosse avec. Attention, ça va surfer, ça va prendre de la vague. Oli, t'as fait du surf, toi? Moi, j'ai testé une fois, ouais, à Osgore avec un pote, mais ça n'a pas du tout marché. Ah, mais avec non, Igor? Hyper dur. Igor d'Osgore? Non. Je sais pas, t'attends. Pas mal. Il y a dans le. C'est hyper dur. Et t'as testé Diffoul jamais, enfin, c'est très dur. Non, mais c'est trop balèze. Diffoul de toute. Attends, mais pour qui vous me prenez quand même? Déjà, pour se mettre debout, rien que ça, c'est une galère. C'est une vraie galère, on se rend pas compte. Mais c'est très classe après. Un gros big up à tous les surfeurs qui nous écoutent. Oui, vous big avez up jamais... Vous avez jamais vu Big Flo et Oli sur un surf? Eh ben c'est pour ce soir. Big Flo sera la planche, bien entendu. Mais écoutez, moi je vais pas me mettre là avec le maillot de là qui pue. Là, à ce Ah si gros, hein, t'es obligé, t'as pas le choix. Non, moi je vais le faire en jean, mais maillot par-dessus, c'est bon? Vas-y. Vas-y, accepté. Ça sera sexy. Mais torse nu alors. Je vais faire tomber un truc. Oli, il fait tout tomber là. Je sais pas s'il est perturbé d'avoir annoncé qu'il était en couple, mais. Il y a une règle. Tu casses, tu payes, mec. Ah, t'as cassé quoi? Je suis pas concerné, j'espère, Romano. Non, t'inquiète. Merci, Romano. C'est les alliés radins, les deux, là. Flo et Romano. Big Flo et Oli, on écoutera le son, tout à l'heure. On se fait designer tout de suite et on vous envoie surfer, là, maintenant. C'est parti, ouais, Panda, c'est ce qu'on va écouter. Et merci, Hello Boisson. Hello Boisson. Hello Boisson. On fait de la pub, on va vous mettre aussi sur les réseaux sociaux de Skyrock. Ah, mettre des photos, tout ce qu'il faut. Les filles, on vous fait de gros bisous. Vous êtes super, les filles. Merci.

in Atlanta. Just to be in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the van. Legacies, family. Wait and see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the helmets. Legacies, family. Wait and see, family. Pockets full, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out to for granted. Then the bullet, you ban it. Hope you killers understand it. I got broads in Atlanta. Twisted to me in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the van. Legacy, family. Why is it look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacy, family. Why is it family? Packers full, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out to for granted. Then the bullet, you ban it. Hope you killers understand it. Hey! Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. I got broads in Atlanta. Twisted to lean and shoot. Sipping Fanta. Credit cards and the scammers. Wake up beside you. Let designer. Over to Lattie shoot. They be acting red time. Over clapping shoot. I be pulling my stuff in the finest shoot. I got plenty just stuff with Bugatti. But look how I try to shoot. Black and six. Fanta. Why is it killing no comma? Pop a perk. I got standing gorilla. They come and kill you with bananas. For feelers. I feel it. Pull up in the finest. No niggas. They come and kill you on the comma. But Rolly is dancing bigger than the pound. Go out to a Grammy. But pull it. You find it. Pull up. I'ma flip it. I got bills. Pull up and they get it. I got niggas. This count for digits. Say you make you a lot of new money. No some killers. Pull up in the inner baby. CTD. Diddy pull off and he kill it, baby. Call a feel it, feel like gon' feel it, baby. Lift up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, gon' kill it, baby. Get it. I got broad, yeah, I get it. I got cards, yeah, I shoot it. It's how I live. Did it all for a ticket. I play the bombs when he spin it. And Bobby be trending. Chop the dawn, doing business. In the rave, doing the fool, and I'm doing the feeling. I be getting to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas are fleeting. Panda. Panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta. Twisted to lean the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the van. Legacies, family. Why is it look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacies, family. Why is it panda? Packers full, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out for granted. Then nigga pull up your banner. Hope you killers understand me. Panda. Skyrock, Romano. Excuse-moi de te déranger, man. T'aurais pas un petit. Ah, tu sais, j'ai des kilos, moi. Difool. Goddamn, qu'est-ce que tu racontes? Cédric. Ta gueule, Cédric, t'es pénible. Mais quoi, ta gueule? Mais c'est quoi ta gueule? Il est fou, lui. Le mec, il respecte même pas les règles, c'est un fou, lui. Marie. Bon, bah, c'est la folie, quoi. Samy. Bon, ah ouais, en Allemagne, j'ai même pas joué couplé donné, je suis en 3G normal. Et Karim. Non, moi, je suis un arabe sexy, gros, donc. Difool Radio Libre. Soir sur Skyrock. Et on est en direct sur Skyrock Radio Libre avec Big Flo et Oli avec nous. Ouais. Avec Romano bien sûr, la Marie. Ouais. Je tiens quand même à dire que ça nous fait toujours bizarre d'être ici. On est quand même des fans de l'émission et même si vous êtes des VIP. Ici. Ouais, on est vraiment des fans quoi. Ça, fait ça suffit Oli, c'est bon, on les connaît maintenant. C'est plus mais la non, peine de. Je le dirai tout le temps, même dans. Sucer, ouais, arrête. Même dans. Ils sont en forme là. Voilà, j'arrête de parler, on me ridiculise. Merci, merci Oli. Voilà, merci. Vas-y, branche-moi mon micro, Romano. J'envoie mon avocate Marie. Hop là, je suis branché. Bon, pas de problème. On va aller faire deux trucs. Alors Cédric, tu restes là, Romano aussi. Ouais. Vous montrez nous voir tout à l'heure. On va donc nous, on est plus dans la salle surf de Skyrock puisque nous avons installé un surf. Vous allez-y. Le savez, la BO de Bryce the ouais. Nice 3 parce qu'il n'y aura pas de 2 parce que le 2 il l'a cassé. Cassé. Oh. Moi, la BO de Bryce the Nice, c'est ça. Je pourrais sortir le katane. C'est le prochain son qu'on va se passer d'ailleurs tout à l'heure. Big Flo Oli avec Pour un pote. Donc vous avez fait la BO du film. Pour c'est pote. La première BO que vous entendrez pas pendant que vous irez voir le film. Bravo. C'est ouais, ça ouais. Officiellement parce qu'on a rendu les bandes en retard. Ah, c'est bien joué les gars. C'est la faute de qui? C'est Big Flo ou c'est Oli? La faute de tous les deux. On était à un moment donné un peu en vacances. Ça a été beaucoup de concerts et on. Vous êtes allés où en vacances tous les deux? Alors moi je suis allé en Grèce avec ma copine. Ouais. Ça lui va bien la Grèce. Voilà. Bien, parce qu'il est en plein. Moi je suis allé en Croatie. Je suis allé en Croatie avec une bande de potes. C'était vraiment très très drôle quoi. Et on était à New York City aussi. Ah, et New York. Ouais, ouais. On est allé avec Netflix aussi ouais. Pour les on a visité les coulisses de The Get avec Down. Avec un site de streaming Oli. Oui, un site de streaming en ligne. Non, mais on n'est pas touché par mon poste, on peut dire des marques ici. Ah, ok. On leur demandera du fric. Ouais, après. Donc si c'est Netflix qui vous a invité, ça n'a pas dû vous coûter trop cher, quoi. Non, c'était plutôt aux alentours de 0 euros. Bah, ah, faut faire profiter quand il y a des plans comme ça, les gars. Donc, moi, je m'en vais avec Big Flo et Oli. On va aller faire un petit tour, dans la salle de surf de Skyrock, parce que Skyrock est la première radio du monde. Ouais. La première radio urbaine mondiale, on le savait. Première sur le surf, bien sûr. Et la première sur le surf. La première radio du monde à avoir une salle de surf. Et vous pouvez voir les studios. Et vous pouvez voir les images sur le Facebook Live et également sur le Periscope. Ah, on est suivi sur Skyrock FM pour les deux. Hein. Donc je prends Big Flo et Oli avec moi. N'allez pas voir ça, les amis. Et ils y croient pas depuis tout à l'heure. Ils se disent, mais ils ont pas fait mettre un surf dans Skyrock. On va mettre des images sur Snap aussi, c'est n'importe quoi. Vous allez voir. Et vous allez surfer comme ça. Après, vous pouvez montrer ça à Jean Dujardin et vous la péter un petit peu. Est-ce qu'on prend le maillot vraiment du coup? Ah oui, il faut prendre le maillot de bain. Prends ton micro, Oli. Ouais, j'avoue, c'est pas con ça. Merci. Ah, voilà. Bah, c'est moi, je veux dire. Essaye d'être pro un minimum, s'il te plaît. Ouais, oui, je pars en haut, je suis l'envoyé spécial. Et Romano et Cédric, préparez-vous pour votre clash. Il n'y a pas de problème, c'est quand vous voulez. Et Cédric, pour le clash, essaye de choper des magasins ouverts parce qu'il est quand même tard. Il est quoi? Il est minuit? Non, il est 23h06. Et donc, pour qu'on ait du people qui vous répondent, je pense que d'aller chez les gens qui bossent, c'est pas mal. Ouais. C'est au choix, en fait. Vas-y. Bon, alors, on y va? On vous suit. Il y a un étage à monter, hein. C'est parti, on y va, on passe par là? Ouais, la sortie de secours, alors. Alors, attention, un étage à monter, et nous arriverons dans la salle de surf. Alors, je vais dans un endroit où on n'est jamais allé chez Skyrock. Là, on est dehors sur le grand escalier en colimaçon. J'ai le vertige. Et en fer. Je suis ému, c'est la première fois. Je suis très ému, c'est la première fois de ma vie que je suis dehors avec Difool. Voilà, c'est émouvant. On n'a jamais vu l'air. Vous avez vu, les amis, il y a un petit jardin derrière. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, il n'y a pas d'eau. Non, arrête. Ah, mais ça va. Ah, mais c'est génial quand même. Alors, on arrive dans la salle de surf de Skyrock. Magnifique. Mais vous êtes des fous d'avoir fait ça. Ah, Difool qui s'est jeté. Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Difool, tu t'es cassé mes chaussures? Ah, tu t'es cassé la gueule. Cédric, il faudra t'enlever tes chaussures. Je sais pas si ça va être possible pour toi. Moi, j'irai pas avec Cédric. Est-ce qu'on décrit pour les gens qui. Décris. T'es où? Alors là, en fait, c'est l'espèce de. Vous êtes des malades. Comme vous voyez les taureaux sur lesquels vous montez, qu'il y a des trucs gonflables, mais c'est pareil mais avec un surf. Yes. Exactement, c'est comme les taureaux mécaniques, sauf que à la place d'un taureau, c'est une planche de surf. Du coup, Romano, sur la page Skyrock pour regarder ça en live si vous conduisez pas bien entendu. Romano, t'es l'organisateur, le chef du truc. Du coup, en fait, il y a quoi? Il y a des chronos, pardon, Difool, je te coupe. Vas-y. Il y a un chrono. Ouais, il y a un chrono. Ah, ouais. C'est équipé, c'est un vrai truc. Hein. Bon, donc Difool va participer avec nous, ça fait plaisir. Ah non, moi je suis l'arbitre. Ah oui, d'accord. Et il faut quitter ses chaussures. Ah oui, c'est vrai. Ah putain. Eh oui, putain. Flo se lance. Flo, t'y vas? Je vais monter dessus. Vas-y, Flo, regarde ça, gros, tu vas nous faire vivre tout ça. Tu montes sur le surf, tu nous montres que tu es un vrai Bryce the Nice. Franchement, je te conseille de t'allonger sur la planche. On vous dira d'ailleurs, c'est de la triche d'allonger. Si vous avez envie d'organiser une soirée avec des potes, on vous donnera une adresse, on mettra tout ça. Attends, on va enlever tes chaussettes. Alors explique-nous comment ça marche. Tu vas appuyer sur un bouton et tu vas faire gigoter le surf. C'est ça, exactement. Et dessus, on a mis Big Flo dessus. Alors attention, c'est parti. Allez, c'est parti, on y va. Pour l'instant, il tient le choc. Vous êtes vraiment des. Une seconde. Ok, non. Il a fait deux. Attendez, il y a trois essais, on va dire. Bravo, quel score! Attends, j'enlève mes chaussettes. Alors, ouais, je pense que c'est mieux. Moi, tout le monde s'est évanoui dans les studios. Deux secondes pour Big Flo. Moi, c'est Oli de Toulouse. Voilà, c'est mon nom de surfeur. C'est nul. Alors. Oui, surtout qu'il y a pas la mer. Big Flo, j'ai vu ton truc, mais c'est catastrophique. Oli de Tripoli. Allez, vas-y. Ouais. Oli, pour l'instant, il tient. Trois secondes. Alors là, c'est la petite vitesse, ça, pour l'instant. Ouais, vas-y, on y va tranquille. À 10 secondes, on te met la grande vitesse. Et moi, ça fait plus de trucs que ça. Magnifique, hein, vous avez les images sur Facebook Live. Attention, ça va plus vite maintenant. Je pourrais sortir le katana. Ouais, il chante, mais il se démerde pas mal. Hein. C'est bon, Oli. Il est bon, hein, ce con. C'est pas mal. Voilà, yes. Allez, ciao. Et blam. Ciao. Alors, combien? Tu as tenu 20 secondes. Il y a un chronomètre officiel. Ouais. Le petit frère assure. Hein. Attends, filmez le chronomètre officiel pour Facebook, s'il vous plaît. Filmez le chronomètre officiel pour Facebook. On l'a vu. Attention, top chrono pour Big Flo. Difool, il faut bronzer. Ah, ok, mais regardez là, ces vieux pieds de Hobbit là dessus aussi. Ok, il y a pas de souci. Mais oui, ça colle. Pour l'instant, 7 secondes, il tient. Il transpire, donc ça colle. J'ai une réclamation à faire, s'il vous plaît. Il transpire des pieds. Oui, exactement. Il s'est mis du pied, là. Oui, bien sûr, pour que ça adhère plus à la surface. Et ça pue plus aussi. Ouais. 16 secondes, c'est bien. Faut passer à 2 là. Moi, c'est très facile. Faut monter la vitesse là. Pour l'instant, c'est très facile pour moi. Il y a vraiment pas de souci. 21 secondes. Ah, mais il maîtrise bien ce con. Allez, il maîtrise. Oh là là. Ah oui, il prend bien les vagues, hein. Wow. C'est n'importe quoi, j'ai jamais fait ça. Non mais t'as vu. Eh, vas-y, fous la pleine vitesse. Ça y est, c'est à pleine vitesse. Vas-y, mets fast. Non mais il y a une télécommande, tu peux faire gauche droite avec. C'est très très simple pour moi pour l'instant. Si je roule le Bitonio, ça fait quoi? Ça c'est mode manuel. Vas-y, wow, vas-y, fous-le par terre. Fais gaffe à la tête, Flo. Ah, mais il maîtrise super bien, franchement, il assure. Hein. Ah, maintenant, tu pourras essayer. On a quand même studio pour le deuxième album, s'il vous plaît. Il y a une assurance. Les gars, c'est trop facile. Il n'y a pas d'assurance. Ils nous ont demandé. Ah, mais l'assurance. Putain, mais il est toujours dessus. Mais hein. Il est à 54 secondes, 55. Est-ce qu'on peut le pousser un petit peu? Ouais. J'ai failli me péter la gueule. Tu sais, je vois son corps tout disloqué. Non, arrêtez, il vient de me pousser. Il y a des requins, il y a des requins à pousser. Il y a des requins avec des longs nez. Moi, je peux sauter, regardez, je fais des figures et tout. Tellement c'est simple. Regardez. Oh, il est tombé. Oh, combien de secondes? Combien? Ah, là, c'est long. 1 minute 6. Ah, personne fera mieux que moi. Personne fera mieux que moi. Tu relèves le défi, Oli? Je relève le défi et j'ai la technique qu'on appelle le requin masqué. Très bien. Et vous entendez les clims de Skyrock, elles sont très silencieuses. Ah, c'est la clim. Je croyais que c'était la machine, moi. C'est quoi? C'est la machine? La machine. Ouais, c'est la machine, ouais. Allez, à toi aussi, t'enlèves les chaussettes. Attention. À toi aussi, t'as des Artengo comme moi. Exactement. Des chaussettes pas chères. Ça fait plaisir. Ouais. Attention. Balance la sauce. Allez, il y a 2400 personnes qui te regardent sur Facebook, Oli. Alors attention, Oli. Facebook Live, allez mater Skyrock FM. Ouais, et sur Periscope aussi, Skyrock FM aussi. Hein. Il est pas bien là, il est pas bien, Oli. Hey, il va plus vite. Il est à 8 secondes. Il est pas bien, Oli, il est pas bien. Il tient pas sur ses jambes, le garçon. Et pour l'instant, il tient 15 secondes. Il tient pas, regardez. Ça va, Oli? Il a fait combien, Flo? Ah, il a fait 1 minute. Ciao, oh. Ciao, Oli, ciao. Stop, stop. Qu'est-ce qu'il fait? Putain, il saute sur combien un combien il a fait, Flo, s'il vous plaît? 1 minute 6, faut que tu tiennes encore pas la moitié, t'es même pas à la moitié, frérot. La famille, on s'arrange. Putain, le surf il bouge super vite, hein! Eh oui, Romano, t'as vu? Et on c'est quoi cette merde de merde là? C'est. Là, il fait le beau, mais. En tout cas, ce qui est bien, c'est que là-dessus, t'as l'air intelligent. Oui! Il faut un changement 40 de vitesse. 40 secondes! Un changement de vitesse. Ah, là, il va tomber. Là, il va tomber. Là, il tient, il tient. Hein. Là, il va en tomber. En fait, j'ai pigé le truc, faut se mettre pieds nus, comme ça accroche les pieds. Ouais, c'est les pieds qui accrochent. Mais oui! Allez, regardez, une petite figure! Une petite poussette. Oh, il a fait tourner le micro, magnifique! Oh là là, c'est impressionnant! Magnifique! Une petite poussette, peut-être. Et il va te niquer, hein. Je suis à combien, s'il vous plaît? 56, faut que tu tiennes 10 secondes. Hop! Ah, putain, il est sourd! 9, tout le monde! 8, 7, 6, yes, il va gagner! 4, 3, 2, il a gagné! Égalité! Mais non, il t'a pas poussé. Non, j'ai glissé. Flo. Il t'a pas poussé. Aïe. Flo, t'es un salaud, sérieux. Non, frérot, sérieux. Romano, tu viens tout à l'heure? Je peux même venir tout de suite. Hein. Non, on se fait une petite partie tout à l'heure, on va faire le clash avant peut-être. Hein. Ah, il faut que je pine Cédric. Bon, ce qui est bien, c'est que vous êtes arrivés à 1 minute 06 sans aucune triche tous les deux. Hein. Franchement, c'est un truc de fou, j'ai jamais fait ça. Non, mais tout à l'heure, vas-y, on fait un concours, je participe et Marie, tu veux essayer? Ouais, pourquoi pas. Ah, Marie. Et Marie. On va jouer. Et Karim et Diffoul aussi. Casser la gueule. Ouais, moi je monterai dessus. Bon, par contre, Cédric, on va éviter avec sa clavicule. Non, moi c'est mort. Ouais. Cédric, faut faire. Sa clavicule. Moi j'aime bien cette espèce de truc en. Moi, il y a des gros bouts comme Cédric sur lesquels on peut sauter qui sont une gonflés. Petite démo de Diffoul, ça me fait pas de mal. Écoutez-moi, j'en ai fait des émissions de radio, mais là attention, j'en ai jamais fait. C'est le grand Diffoul va s'essayer. Ah, Diffoul, s'il te plaît. Non, mais le problème c'est que si demande des applaudissements pour le grand Diffoul, s'il te plaît. Faut filmer les gars, faut merci le public. Mais si Diffoul tombe le nez en avant, crève la machine. Vous inquiétez pas, Big Flo et Oli, l'émission va reprendre son cours normal dans 10 secondes. Va te faire enculer, on va te. Mais le problème c'est que franchement, je m'issue. Le monsieur de la machine envoie des gaz directs. Hein. Hey, allez-y, mec. Il va percer le truc gonflable avec son. Mais la planche à donf. Ah, attention à la tête. Diffoul. Déjà, Diffoul, il n'arrive pas à monter dessus. Baisse-toi, attention à la tête. Suis le mouvement, Diffoul. Suis le mouvement avec tes pieds. Mais quel beau gosse. Et là, je suis avec le monsieur des réseaux sociaux. Nous sommes à combien sur Facebook Live? Allez, vous faire enculer. 2700. Exactement. Je tiens juste à penser au mec qui écoute la radio, qui n'a aucune image et qui doit s'imaginer ce qui est en train de se passer. Ah, mais Diffoul, là, vous avez un beau gosse qui fait du surf. Bah, facile. Diffoul est sur la planche. Oh, il a cassé. Arrête. Il a cassé. Arrête. Attends, Romano, t'as pas compris ce qui s'est passé là. Il a cassé le plafond. Il vient de casser. Ah, mais ça va. C'était sûr. En plus, ça va. En plus, on a dit avant. Faut il pas vient de casser. C'est pas possible. S'il vous plaît. Il y a le plafond qui se casse la gueule, ouais. C'est vrai que je me suis fait mal au crâne quand même. Hein. Mais oui, mais ça vient de casser. S'il vous plaît, ramenez une boisson pour Diffoul. Il y a une souffre. Je sens pas bien. Ah, je souffre. Il se sent pas bien serré dans les filets, tu sais. S'il vous plaît. Je suis malade. Est-ce qu'on peut appeler assistant Romano, s'il vous plaît? Appelez l'ambulance. Non, mais dis full, ça va. Mais qu'est-ce que tu fais? Je récupère mes chaussettes. Non, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi cette tenue? Bon, je tiens à rassurer les gens, c'est quand même, c'est en polystyrène, je crois, ou en. Non, non, dis que c'est en béton armé. C'est en béton armé. C'est en béton armé, excusez-moi, j'avais pas bien touché. Mais dis full n'a rien, ne vous inquiétez pas. Grâce à son nez, dis full a cassé le béton. Merci, toi, je te retiens avec du nez. Moi, j'ai toujours préféré Oli à Big Flo, je sais pas pourquoi. Mais je tiens juste à dire que Flo a triché, donc on peut dire, et Difool le confirmera, que je suis le grand gagnant. Non, pas du tout. Merci à tous. Bravo, Difool. Merci. Yes, merci. Eh, vas-y, ouais, on va faire un tournoi après. Ouais, bon, après, on remonte, on finira. C'est génial d'avoir fait ça. Merci, les amis, d'avoir amené ça. Moi, ça m'amuse beaucoup. Ouais, grave. On savait que ça vous amuserait. Dans un instant, on le fait, mais avec du verre pilé sur, à la place des boudins, là. Alors, Roman, reprend la suite, vous faites votre clash, là, maintenant. Ouais, bah, allez, vas-y, Cédric, t'es prêt? Nous, on va redescendre. Allez, on arrive. Bon, alors, attention, tout le monde est prêt, clash de la drague, c'est parti. Attention, attention, ils sont prêts à draguer tout ce qui bouge. Et quand on dit tout, c'est absolument tout. C'est le clash de la drague, ouais, avec les deux meilleurs séducteurs au monde. Alors, Cédric, est-ce que tu as ta méthode pour le clash? Ouais, bah, bien sûr. Alors, bah, vas-y, balance. Bah, là, je sors de convalescence et j'aimerais bien niquer pour mon retour de convalescence. Comment? Mais t'écoutes quand je te parle, connard? Non. D'accord. Bon, ben écoute. Toujours aussi clair, Cédric, pour les méthodes. Juste avant, t'entends, je vais vous donner l'adresse parce que vous êtes peut-être non, en train de. Non, mais ce con était sur son téléphone. Comment on fait pour récupérer du surf et le mettre chez soi? C'est sur internet. C'est ouais. Du vent. Poly-event. Poly-event. Vas-y, Romano, donne l'adresse. Alors, c'est. Attends, je l'ai pas sur moi là. Merci, Poly-event. C'est. Je crois que c'est. P-O-L-Y-E-V-E-N-T. .com, je crois. .com, je Poly crois, Event, ouais. Si vous cherchez un surf gonflable. Excusez-moi, j'ai des précisions sur le site. C'est poly-event.com. Ah, merci les précisions. Poly-event.com. Merci à eux d'ailleurs de nous avoir fourni le matériel. Oh, je te vois, Romano, de dehors. Oui, la calvitie de Romano mais brille. C'est tout petit. Allez, vous faire enculer. Vous voyez mon doigt là ou pas? Ouais, je vois ton doigt. C'est tout petit, dis donc. Bon, alors. J'avais jamais capté qu'on pouvait voir de dehors. Je vais venir plus souvent. Il va surveiller. Absolument, l'autre, c'est un vrai sadique en fait. Ouais. Bon, alors Cédric, ta méthode, rappelle-la. Moi, je vais faire la méthode du gynéco ce soir. Attends, changement de méthode. Non, mais attends, c'est plus la même méthode, là. Non, c'est un changement de méthode, ouais. Est-ce c'est intelligent comme mec, toi, hein. Tu changes de méthode toutes les 5 minutes? Ouais, mais parce que j'en ai plein de méthodes, en fait, c'est pour ça. Mais c'est. Attends, juste un truc. T'as, j'ai pas vu, moi. Rapport avec ce qui s'est passé, mais Difool, c'est quoi? C'est une chute à deux balles. Je t'emmerde. Mais je suis tombé, Romano. Mais je suis tombé parce que je me suis cogné la tête. Non, mais c'est une chute de merde. T'as vu, Bigflo et Oli sont tout petits. Ah, vous êtes là. Oui. Moi, je suis quand même. Je fais quand même. Je suis pas vraiment. On t'avait dit de t'accroupir. Difool a pas fait de sport depuis des années. Depuis la dernière guerre. Bon, alors Cédric, ta méthode. Moi, c'est la méthode du gynéco en fait. Cet après-midi, mais attends, non, mais attends, Cédric, les choses soient claires. Il y a 30 secondes, ce n'était pas du tout ça. Mais si, je viens de te dire gynéco, t'es con. J'ai non, mais juste avant. Ouais, mais juste avant. Non, mais c'est un changement de méthode. T'avais la j'ai il est lourd. Il est parlé un truc de convalescence, pas. Ouais, mais non, je vais pas faire ça. Je vais pas jouer sur ça. Bon, d'accord. Je pensais que tu ferais une méthode spéciale pour ton retour. Ouais, bon, je suis de retour dans la région, tout ça. Enfin bon, non, mais t'inquiète, on fera une déclaration là-dessus. C'est pas un problème, ça. Méthode du gynéco. Et toi, Romano? En fait, j'ai mis un doigt dans la chatte de la femme et puis la bague, elle oh est. Là là. J'ai laissé ma bague, donc j'aimerais bien la récupérer. Quelle est ta méthode, Romano? Excusez-moi, j'étais en train de boire du vin. Oh. Toi, t'es vraiment avec modération. Ah, bah, bien sûr. Bien sûr. Je ne sais pas qui est ce fils. Il a bu de modération, oui, on le connaît pas. Alors, ma méthode, c'est. J'ai perdu mon téléphone portable, donc j'ai perdu toutes les photos coquines de la femme. Ouais. Et ce soir, vu que j'ai un nouveau téléphone, je vais prendre des photos et accessoirement, on fera une sextape, quoi. Tu vas arriver au bout du clash parce que tu t'es sifflé la moitié de la bouteille. Une demi-bouteille. Ah, mais déjà. T'es un ouf, gros. T'as tapé la moitié. Il a bu la moitié de la bouteille, oui. T'as ouais, chaud, hein. Non, ça va. Non, franchement, avec ce que je m'envoie le week-end, là, c'est léger, là. Bon, bah, vas-y, c'est le tour de chauffe. Il y a du Jack Daniel, sinon. Si non, mais je reste à l'alcool soft. Et avec modération, comme le disait Flo, là. Ah, vous faites chier avec ce type, je sais pas où il est, moi. Oh, bon, on y va ou pas? Allez, on y va. Allez, Cédric. Cédric, premier coup de fil pour le clash ce soir. Allez, appel! Ça va, Oli? Ouais, je suis passé au stand de bouffe, donc c'était un plaisir. T'as bien bouffé? Très bien, c'était magnifique, c'était un vrai plaisir. Bon, les gars, après, je vous mets une pile. On va chez quoi, là? C'est magnifique, Skyrock. Je veux y aller, là? Ah ouais, bah, bien sûr. Et même tu vas glisser avec ton crâne. Ouais. Non, mais je vais pas glisser sur le crâne. Allô, bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, c'est les gynécos, téléphone. Oui. Je vous appelle parce que j'ai vu une de vos collègues là cet après-midi. Elle est venue au cabinet et en fait, quand je l'ai ausculté, je lui ai mis un doigt et j'ai oublié ma bague dans sa chatte. Donc attendez, c'est pas le moment là. Écoutez, je vous laisse parce que j'ai en train de fermer le. Bah ça tombe bien, je vais venir dans 5 minutes comme ça. Attendez, ça sera fermé. C'est bon. Au revoir, monsieur. Bonne soirée. Au revoir. Attendez, allô. C'est bon, Cédric t'appelle, ça ferme. Non mais c'est incroyable ça. Un resto, tu l'appelles, Cédric annonce qu'il vient bouffer. le truc, il ferme. Ouais, incroyable. Incroyable ça. Bien joué, Cédric. Très beau. Premier coup de fil pour le clash, c'est pas fini. Vraiment grande réussite. Bon, putain. À toi. On appelle quoi? Là, on va à l'atelier de l'écharpe à Toulouse. L'atelier de l'écharpe à Toulouse, ouais. Mais c'est ouvert à 23h20. Ouais, truc. Bah ouais. Mais si t'as envie d'acheter une écharpe à Toulouse, vous connaissez? Oui, bonjour, c'est l'atelier de l'écharpe. Oui. Oui, bonsoir, comment ça va? Mais très bien, vous-même. Bah, ça va pas mal. Je vais passer là, c'est encore ouvert? Oui, c'est encore ouvert. Par contre, les cuisines sont fermées. Ah oui, non, mais c'est pas grave. Je voudrais juste prendre un verre avec toi. Ok, pas de soucis, je suis là. Dis donc, est-ce que après on pourra aller dans l'arrière-salle faire des photos coquines tous les deux? Mais bien sûr, pas de soucis. Et après on fera l'amour, hein. Ah ouais. Ouais, bah je suis là dans 5 minutes, ma poule. Ok, à tout de suite. À tout de suite, mon amour. Bisous, chérie. Il y a Oli qui disait ça, voilà, c'est Toulouse. Ça, c'est magnifique. Les gens sont gentils. Bah, c'est grave. Et attends, prête à se faire. Non, incroyable. C'est pas Toulouse, ça, frère. Qu'est-ce que tu dis? Bravo, Romano. Hein. Bon, bah, c'est rage déjà. Mais bon, tu m'avais pas dit que pour le retour de Cédric, tu ferais prêt de faire de la merde pour qu'il gagne? Ah non, mais non. Là, vous savez que j'aime Romano, mais objectivement, c'était parfait, là, ce qui vient de se passer. Non, mais c'est vrai. Le but en blanc, c'était magnifique. C'était chez vous à Toulouse, les gars. En plus, à Toulouse, franchement. Il est très objectif, ouais. Tu veux pas t'occuper de ton téléphone là, il est de la merde là. Laisse-le sur ses réseaux sociaux, Flo. Mais tu cherches de la meuf, il est en galère. Bon, allez, vas-y, un autre appel. À toi. On fait un deuxième tour parce qu'on est sympa avec toi. Allez, on va chez qui? On va à Tours, à l'Hippopotamus. Ça te va très bien, Cédric, ça. Allô? Restaurant Hippopotamus de Tours, Nathalie, votre écoute. Oui, bonsoir Nathalie, comment ça va? Dis que tu veux faire mascotte. Allô? Oui. Oui, bonsoir Nathalie, ça va, tu vas bien? On se connaît pas? Non, on se connaît pas. Je suis le gynéco en fait. J'ai vu une de tes collègues là cet après-midi. Elle est venue au cabinet en fait. Allô? Voilà. Attends, je demande un rappel. Oh là là. Eh bien, Cédric, je demande un rappel. Moi, pour le coup, pour défendre Cédric, il a vraiment de la malchance, quoi. C'est... Non, mais c'est abusé. Non, il fait rien de plus, Romano. Il a pas plus de talent que Cédric. Non, je suis désolé. Je ne veux pas me la faux. Non, mais je veux pas me la raconter. Karim, mais avec je moi crois que le talent, c'est le talent, quoi. Ferme ta gueule, toi. On rappelle ton hippopotamus, Cédric. Ouais, attends. Et ben voilà, Cédric, ça a été un bon appel. Très bien, bravo, bien joué, bravo. Il y a un truc qui passe pas dans la voix, je crois. C'est trompé, c'est pas possible. Non, mais je crois que c'est le gynéco à 23h22. Non, mais autant le dire, c'est une méthode de merde. Bon, moi, c'est pas une méthode de merde. Si, je suis pas sûr à 100% du gynéco. Non, mais moi, je suis sûr à 0%. Alors, tu vois, il y a Toshi 54, Cédric, méthode de merde, résultat de merde. Je suis c'est un mec de ta team, ça. Je suis un blédard jusqu'au bout, justement. On était à Toulouse. Il y a mon pote du TFC qui me demande une petite dédicace. Voilà. Salut le TFC. C'est le gardien. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Alban Lafont. Mais ils sont quatrième ou troisième, le TFC? Quatrième. Troisième en ce moment. Moi, je me souviens. Je me souviens qu'à Skyrock, on s'est fait souvent clasher avec Toulouse et le TFC. Oui. Mais je signale qu'on a gagné Paris, les amis. C'est vrai. Et on est combien tième, là, Oli? On est trois ou quatrième. Quatrième, je crois. Alors, s'il vous plaît, respectez Toulouse. C'est vrai, t'as bien raison. Comme tu l'as dit, on est combien à Paris, nous? Je sais pas. Ah bah on est deuxième, on est devant vous. Juste, Karim, tu connais Alban Lafont? Ouais, le gardien, le jeune, il a 17 ans. Bon, les gars, ça vous dit 17 ans. Ouais, voilà, excusez-moi. Ouais, il nous écoute, big up au TFC. Bah, salut à toi, il a TFC. Il avait fait un bête de match contre le PSG aussi. Oui, c'est vrai. Bon, on peut finir le clash, ça vous dérange pas? Pardon, j'ai bien leur entraîneur qui arrête pas de gueuler. Tu prends, c'est le roi, lui. C'est le roi de Toulouse maintenant. Il lui en fait un. On y va? Envoyez un appel. Qui sera le roi du clash? Romano pour la semaine. Regardez comme il est fier, Romano, là. Il est impatient. C'est fait, et voilà. Moi j'adore parler aux familles, moi. C'est qui? Lafont, c'est le meilleur, on nous dit. Jean-Louis, mais c'est qui Jean-Louis? Tu nous écoutes, t'as des fans sur les messages, on appelle Jean-Louis. Et donc c'est le deuxième tour, et dernier tour logiquement. Ouais. Alors, et j'ai un rappel, hein. Bah alors Cédric. Putain. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je sais pas, la meuf, je sais pas, elle était énervée là, je sais pas ce qu'elle avait elle. Pour ton retour, je me suis dit. Non mais c'est vrai, Difoul a une fois de plus raison. T'allais faire une démo quoi? Pourquoi j'ai raison? Alors, mais gynécologue à 23h24, bon. C'est nul comme technique. Non. J'irai peut-être pas jusque-là. C'est vrai, c'est vrai. Ah, je suis désolé. Calmez-toi. Non, mais je suis désolé, Cédric, je t'adore. Mais gynécologue, quel gynéco appelle à minuit, frère? C'est pas faux. Bah, c'est un gynéco qui a perdu sa bague. Allô? Guillaume. Allô? Guillaume? Oui, bonjour. Oui, bonjour, comment tu vas, toi? Bah, écoute, ça va et toi? Ça va nickel. T'es tout seul ce soir ou t'es avec ta femme? Non, là, je suis tout seul. Ah, et ta femme, elle revient ou pas? Ben j'en sais rien, elle est partie faire un tour. Bon, écoute, pas de problème, je vais venir la remplacer. Non, parce qu'en fait, je t'explique, j'avais des photos sexy d'elle, j'ai perdu mon téléphone. Et là, j'ai mon nouveau téléphone, j'aimerais en refaire quelques-unes. Mais je peux faire des photos sexy de toi aussi, si tu veux. Des photos sexy de moi? Ben écoute. Ouais, je peux passer dans 5 minutes. Dans 5 minutes? Alors, attends que je me prépare, que je me maquille et tout, que je me fasse belle. Dans 10 minutes, un quart d'heure alors? Ah, au moins. Bon, allez, dans la demi-heure, je suis là. Dans la demi-heure, t'es là? Ouais, on fait des photos et après, on s'envoie en l'air tous les deux. Allez, je te dis à tout de suite, ma puce. Allez, à tout de suite. À tout de suite, bisous. Sympa. Bisous. Et voilà. Oh là là, c'est magistral, là, vraiment. Magistral. Alors là, c'est magistral. Alors ça, on peut le dire magistral. Magistral. Magistral. Ah, il y en a un en face qui a la gueule en biais, quoi. Oh, Cédric, t'as la gueule en biais. Tranquille. Bien, écoute, tu n'as pas changé quand tu fais de la merde au clash, t'as la gueule qui se met en biais. Ta gueule. Ça a écouté, Oli, t'as entendu? Non, il est en train de bouffer, mais il bouffe. C'est incroyable, là, Romano, ce soir. C'est très, très bon. Incroyable, c'est le mot. Alors, votez 41759, appli Skyrock, faites péter tout ça, et évidemment. Hey, j'ai un rappel que j'utilise pas. Et en plus, Romano a un appel. Et on s'en fout pas. De ton rappel. Quel beau gosse, ce Romano. Regardez les messages qui défilent. Ça défile en haut, ça défile en bas, ça défile sur tous les écrans. Ah, bah, il y en a partout, bon, ça déborde des écrans tellement il y a de votes. Ça déborde. Ouais. Bon, Cédric, une petite déclaration rapide. Bah, ma team le Belge, la team Romano, ce soir, je suis de retour. Vous tous et vous toutes, donc pour ça voter Cédric. T'adresses pas à ma team, mec. Je vous aime très très fort, sachez-le. On fête mon retour ce soir en votant Cédric, c'est EDRIC. T'as pas bouffé depuis combien de temps Depuis tout à l'heure, il bouffe, c'est incroyable. En fait, je tiens à dire que j'étais en concert Skyrock en plus pour la Fondation Abbé Pierre. Oui, il est fort, à la Cigale. Il y avait Black M, il y avait qui d'autre? Youssoupha. Il y avait Black M, Youssoupha, Giorgio, Vita et Brave aussi. Et a priori là-bas, il n'y avait pas à bouffer parce que. Pas mis bien, Vous connaissez Skyrock, donc voilà. Ah, c'est... ah ouais, c'est vrai. Non, sérieux, c'est que j'ai pas eu le temps de manger, donc mais je t'as de la salade sur la chico. Romano, est-ce que je peux faire ton discours à ta place? Vas-y, pas de problème. Flo, fais le discours. Vas-y. Mais toi, vous savez, gros, ça a mal se passer pour toi. Vous me connaissez avec moi, il faut une musique. Il faut une musique. Moi, je fais une musique triste, un peu sur la tête. Elle est bien, elle. Mais est-ce que tu m'autoriseras à faire un petit mot pour Cédric aussi? Bien sûr, Oli. Vas-y, ma gueule. Les amis, ce soir, on a eu un Romano qui a été, comme l'a dit Difool, le héros, magistral. Magistral. Deux appels qui ont duré moins d'une minute. C'était propre, c'était avec la bonne humeur. C'était oui directement. Avec la bonne humeur. C'était magnifique, ça venait de Toulouse en plus. Alors si vous aimez Big Flo et Oli, vous votez. Mais tiens, toi, t'es fou toi ou quoi? Ça veut dire quoi ça? Mais tu parles pas comme ça aux invités. Ouais, tu fais comme ça. T'es cru chez ta mère ou quoi? Mais toi, je vais te casser ta gueule, toi, si tu continues. Romano Forever. Les amis, s'il vous plaît, je voudrais parler au nom de Cédric Lebel. Une musique sympa aussi. Je suis désolé, on n'a plus le temps. Émotion. On a plus le temps. Musique émotion. Je voudrais parler au nom d'un grand héros qui s'appelle Cédric, qui nous a manqué, il n'était pas là pendant quelques temps. C'est vrai. Merci. Et oublions ses performances, oublions ses scores. Ce soir, s'il vous plaît, pour le retour de Cédric, tout le monde vote. Team Cédric, c'est vraiment pour son retour, donc merci, donnez-lui de l'amour. Votez Romano. Ah, il est bon, lui, il est bon. Votez Romano. Toi, t'es un bon, toi. Tu veux manger un truc? Il y a un truc à bouffer à côté, si tu veux. Mais il y a des muffins. Et bien sûr, si vous préférez Oli dans le groupe Big Flo Oli, votez, bien sûr, Cédric. Votez Romano, bien entendu. Merci. Allez, c'est parti. Vous avez 5 minutes pour voter, les 23h28. On vous laisse jusqu'à la fin d'un gros son qu'on va passer maintenant. Et voter Cédric. Alors, deux rappeurs français qui viennent du sud de la France. Ah, c'est quoi? Dis-moi. Ils viennent du sud-ouest, même précisément. Ils, oui, ils mangent du cassoulet. Ah, et si vous voulez rire, vous pouvez m'appeler et écouter ma messagerie, au fait, on a pensé. Ah, on fera ça tout à l'heure. Juste après le son. Voilà. Allez. Eh ben oui, Big Flo et Oli qu'on écoute tout de suite. C'est pour un pote. Tiens, on reviendra à ce que vous feriez pour un pote, hein, vos messages. Ah, puis il y a Étienne qui nous attend depuis tout à l'heure qui va vous parler. Ah. Bon, et. Et nouvelle session de surf, hein. Et on finira l'émission sur le surf. Ah ouais. Ah ouais. Le temps passe vite. Ah, t'as vu, hein. Skyrock. Ils ont gagné 1 500 € dans le morning de Difool sur Skyrock. Et ils savent ce qu'ils vont en faire. Honnêtement, je viens de déménager, du coup, c'est super. Je vais faire une grosse soirée avec mes potes, ça va être génial. Je vais faire plaisir à mes amis. Je vais m'acheter une prod. Bah, elle est dépensée. Ah, bah, moi, je garde tout pour moi. Non, mais attends, Romano, je t'ai reconnu, t'as pas gagné les 1 500 €, toi. Allez. Quand Difool t'appelle et te demande quelle est ta radio préférée, réponds Skyrock. Et après, fais-toi plaisir. Le morning de Difool, 6h-9h sur Skyrock. The Morning Show! Envie de t'engager, de vivre une expérience au service des autres, rejoins le service civique et trouve une mission à ta mesure. Le service civique, une mission pour chacun, au service de tous. Avant toute chose, question basique, qu'est-ce que le service civique, Monsieur Blanc? Comment nous l'expliquer le plus simplement possible? Le service civique, c'est une mission qui peut durer entre 6 et 12 mois, qui est effectuée par un jeune volontaire qui a entre 16 et 25 ans. Cette mission, elle doit porter sur un projet d'intérêt général. Elle peut se dérouler dans une administration, un établissement public, une collectivité locale ou une association. Pendant cette mission, il touche une indemnité de 577 € par mois et il a toute la couverture sociale. Le service civique propose des missions toute l'année aux volontaires entre 16 et 25 ans. Plus d'infos sur service-civique.gouv.fr.

Hey. On me dit souvent arrête un peu, tu vas te mettre dans la merde. Tu sais la vie c'est pas un jeu. Et dis full chante avec nous, c'est magnifique. Pour toi on dit souvent arrête un peu, tu vas te mettre dans la merde. Oui. Tu sais la vie c'est pas un jeu. Mesdames et messieurs, l'Oscar. L'Oscar, monsieur Jean Dujardin, maintenant. Attention. Alors les gars, expliquez-moi, un pote c'est quoi exactement? Un genre de frère présent à chaque moment, quand parfois t'as la nausée, à deux doigts d'exploser. La seule chose sur laquelle tu pourras te reposer. Ouais, moi j'ai mon lit pour ça. Non, Brice, tu comprends pas ce qu'on te dit. Ton ami, c'est ton seul rempart. Et la famille? La famille, c'est pour la vie. Mais y'a celle par défaut. Et y'a celle que tu choisis. Mais ça me rapporte quoi? Rien. À part des rires et des galères. Donc pas de fric et de salaire? Non, rien. Et écoute bien, si tu te perds en chemin, il donnerait tout ce qu'il a pas si t'en as vraiment besoin. Les gars, merci. Je crois que j'ai compris la valeur d'un ami. Le seul qui pourrait surfer avec moi le jour d'un tsunami. Quand parfois j'ai la nausée, ouais, que mon cœur pèse des tonnes. Donc les gars, on est potes. C'est vrai? Non, je déconne. Enfoiré. Je vais pas être pote avec des rappeurs de merde. C'est Brice. Big Flo et Oli. Merci Big Flo et Oli. Et merci Jean Dujardin. Bah bravo, ouais. Et voilà, c'était le live sur Skyrock. Non, ça fait super plaisir parce qu'on a vraiment, pris putain, il y a mon casque qui déconne complètement. On a pris plaisir à le faire. Donc on s'est vraiment amusé en studio sur le tournage de clip. On a bossé pas mal de tension. On était pas mal stressé d'être avec Dujardin quand même, il faut le dire. On fait les beaux. C'est vraiment voilà, quelqu'un de très gentil, très simple malgré tout ce qu'il a fait. J'aime bien quand il a sa perruque qui fait Brice. Bon, ouais, Brice Denis, la tête de chameau, tout ça. Il y en a plein qui disent parce que la tête de chameau, il fait bien. La tête de chameau, ça c'est super. C'est ça. Mythique, il nous l'a vas-y, fait. Vas-y, Romano, fais la tête du chameau. Non, mais ça, j'arrive pas, moi. C'est pas faire la tête du chameau. Non, rien, mais avec la lèvre du dessus, là, mais. Il a pas de lèvres, Romano, donc. Oui, bon, je te remercie. Non, mais connard, là. Bah, si, parce que c'était trop cher. Il a pas enlevé non, les lèvres. Mais mec, attends, ça va, tranquille. Ah, je prends mes aises. Qu'est-ce qu'il veut, le Gringalet, là? Je rappelle qu'il t'a soutenu pour ton clash. Oui, c'est vrai, mais il y a quand même des limites. Il oublie vite, Romano. Il oublie ses amis, je vais passer du côté Cédric bientôt. Non, mais c'est trop tard, les votes sont finis. Ah, bah, j'ai le résultat, tiens. Radio Libre. 21h minuit sur Skyrock. Et merci pour tous les messages, ça défile, ça défile. Merci à Ben, merci à Morgane, à Kralis de Bordeaux, à Lolo, à Lily, à l'inconnu qui est là, Thibaut Thib le Belge. On a Étienne qui est avec nous aussi, qu'on va prendre en direct. Il est à Toulouse, les gars, dites donc encore. Étienne, retour à Toulouse. Ça va, les gars, ou quoi? Salut, Étienne. Ça va, nickel. Comment vas-tu? Joliment. Ah, joliment, t'es sur les hauteurs là. C'est ça. C'est là où on a l'émetteur de Skyrock, joliment. Sky, d'ailleurs. Ouais, ah, mais très fort, c'est vrai. Tu dois bien recevoir, ouais, la radio, toi. D'ailleurs, oui, petite anecdote nulle. Dans le four, presque. Alors, une anecdote nulle par Oli de Big Flo et Oli. Dans le clip aujourd'hui, à un moment, on est sur une espèce de colline. C'est là-bas? Ouais. Et c'est sur c'est à côté de l'antenne de KMS Skyrock. J'espère que l'antenne n'est pas dans le clip, j'ai pas vu. Je sais pas si on la voit. Il va falloir payer. Clip aujourd'hui qui est disponible dans notre album, qui est disponible sur iTunes. Oui, profitez-en. Et c'est ce que. Top ce morceau. Qu'est-ce qui vous arrive? Non, parce qu'en fait, j'ai dit un truc qu'il fallait pas forcément dire, voilà. Alors, Étienne, comment ça va? Bravo, frérot, ça a été tourné, c'est ça? Non, non, non, c'était, c'est pas grave. Allez, Étienne, tu voulais nous dire quelque chose ou quoi? Ouais, je voulais poser une petite question, Flo. Que je voulais savoir si un jour ça vous dirait de faire le stadium de Toulouse. Ah. Un peu comme Soprano qui va faire le vélodrome à Marseille. Frérot, j'ai une question. T'étais au Zénith ou pas? Oui. Ah, ça fait plaisir. Ça, c'est vrai. Oui, oui, mais franchement, figure-toi qu'on commence à y réfléchir vraiment sérieusement. Parce qu'on a fait un Zénith à Toulouse qui était vraiment très très rempli. Ah, mais c'était complètement fou, les gars. Il y avait 10 000 personnes. Beaucoup. 10 000 personnes c'est quand même, à Toulouse. Big Flo et Oli, c'est quand même les seuls gars qui invitent leur papa à faire une chanson au Zénith. racontez ça. Raconte-nous, Étienne, raconte. Mais en fait, en plein milieu du concert, vers, ouais, c'était le milieu, il y a Big Flo et Oli qui ont fait venir leur papa qui est chanteur de salsa. Exact. Et il a chanté Commandant de Che Guevara avec eux sur scène. Mais ouais, c'est vrai, c'est vrai. Pour le coup, c'est Paco et Juan, mais en direct. Là, oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Non, c'est vrai. Figure-toi qu'on y pense à faire un stade à Toulouse, mais alors là, ça fait prétentieux pour l'instant. Ça dépend du. Si ça se trouve, le deuxième album va sortir et Skyrock ne passera pas son. Et là, on se jette dans la Garonne. Non, mais si ça se trouve, voilà, on sait pas, voilà, qu'est-ce qui va se passer. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a fait deux salles de concert à 2000. Ensuite, on a fait une salle à 10 000. Donc, c'est pas inimaginable. C'est pas inimaginable de faire un 15 000 soit le stade du rugby, soit le stade de. Ouais, Ernest Vallon, ouais. Voilà, où le stade. Ernest Vallon. T'as vu, Étienne, on dirait. Je sais que je connais Ernest Vallon parce qu'on offre des places de rugby le matin sur Sky. Ah, c'est vrai. Pour les matchs. Il y en aura, je crois, on est quoi demain? Non, on est mardi. Mercredi matin à 9h du mat, on vous offrira vos places. Donc, je connais Ernest Vallon. En fait, Étienne, c'est un malin, il veut organiser le concert, là. Il est en train de voir avec nous. C'est notre manager, en fait, ouais, directement. Ouais, voilà, vous m'avez débasqué, c'est ça. Non, mais c'est vrai, Étienne, ça nous ferait plaisir, vraiment. T'es au lycée, t'es à la fac, t'es où, toi? Moi, je taffe. Ah, tu taffes, ok. Ouais. Tu taffes où, à Toulouse? Je taffe vers Basso-Cambo. D'accord. C'est okay. Où on passera te voir? Passer, c'est à la Carsat. Alors moi je te promets pas du tout c'est ça. C'est là je comprends, j'ai l'impression qu'on va aller en patois là, la Carsat, Maxi Combo. Dédicace à tous les Toulousains qui comprendront, Jean Jaurès, tout ça, Jean-Jo. Jean-Jo, oui. Jean-Jo, Jean-Darc. Grand merci Étienne pour le soutien. Merci beaucoup. Bah, on soutient les gars, comme toujours. De toute façon, on se croise tout le temps. Franchement, on se croise à Wilson, on se croise partout. Ouais. Franchement, Mick Flo Hollis, c'est vraiment les gars que tu peux croiser, mais tout le temps à Toulouse. Comment ça se passe quand vous êtes à Toulouse d'ailleurs? C'est plus accessible de toute la scène rap française. Quoi. Mais on se fait, merci beaucoup. On se fait beaucoup reconnaître, mais d'ailleurs, partout maintenant, c'est dingue. Mais ouais, on est cool, on se prend pas la tête. Quoi. Bah, ça coûte rien de faire une petite photo. En fait, il y a tellement de stars qui nous ont refusé des photos. Que maintenant on est obligé de dire oui à tout le monde. Ouais, vous alliez les voir et vous disiez putain, mais quel gros con celui-ci. Après, ce qui est relou, c'est les mecs bourrés en soirée, ça on va pas se mentir. Il y a des fois des mecs qui font voilà, exactement. Hey, Olive. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir. C'est vrai qu'on est toujours en ville. Tu peux nous croiser au kebab. Voilà, on est à Toulouse tranquille, quoi, à la maison. Au kebab ou au restaurant 5 étoiles aussi, des fois, Oli. On va pas se mentir. Tu m'inviteras. Je vous rappelle que vous connaissez Jean Dujardin maintenant. Donc, mais non, on connaît Jean, s'il vous plaît. Ah, vous connaissez pas Jean, pardon. Mais, Jean, excuse-moi. D'ailleurs, c'est peut-être le moment d'écouter ma messagerie. Alors, ouais, appelez la messagerie. Ah, oui. Il paraît qu'il y a une messagerie qui est super. Etienne, écoute ça. Oli m'a dit, faut appeler la messagerie de mon frère. C'est vrai. Et c'est pas énorme non plus. Maintenant, attends, mais maintenant que tu nous as dit ça, on s'attend à un truc de fou. Si c'est claqué. Donc on appelle, ton téléphone sonne, inconnu. C'est nous. Je ne vous ai pas enregistré. Non mais c'est nous qui appelons. Tu sais que tu peux raccrocher, Flo, ça irait un peu plus vite. Ah tu crois que... Mais j'arrive pas. J'y arrive pas. Il a l'iPhone, il ne sait pas raccrocher. Bonjour, c'est Jean Dujardin, vous êtes bien sur le répondeur de Flo, il a pas le temps de vous parler, laissez un message. C'est pas la classe, hein, sérieux. Le mec qui se la raconte pas du tout. Sérieux, c'est la classe ou pas, les gars. Magnifique. Ah ouais. C'est la meilleure messagerie. Oli ne l'a pas fait. On va vous faire écouter le répondeur de Cédric maintenant. Alors vas-y. C'est pas pareil à mon avis. Vas-y Romano. Ouais. J'ai le répondeur de Cédric, tu nous le fais écouter? Bah vas-y. Voilà, écoutez bien, c'est le répondeur de Cédric. Cédric, on fait comme si on t'appelle, je fais écouter ton répondeur. Picou les boys and girls. Picou les boys and girls. C'est ça, ouais. Pas mal. C'est donc Mathieu Delormeau qui te l'a fait. Salut. Ah mais c'est fini. Ah, Mathieu Delormeau, Jérém Star. Boule pendeuse. Oh, c'est mignon. Comment Mathieu boule de pu? C'est chou. Ça va. Picou les boys and girls. Tu as Jean Dujardin sur ton répondeur. Ah, mais voilà, ça, je voulais partager ça avec vous. Voilà, apparemment, ça a pas fait un effet de fou. moi, je suis beaucoup plus. Ça va, tu te la pètes quand même. Non, mais je m'attendais à un truc de dingue. Bon, moi, c'est plus simple. C'est un pote qui me le fait. Voilà, j'ai pas la grosse tête comme Flo. Oui, s'il vous plaît. Ce qui est bien d'être deux, c'est de tout représenter. Tu vois, toi, tu représentes la modestie. C'est vrai. Flo, il représente. Ouais, je suis le mec, je connais Jean Dujardin. On prend des cours de théâtre, en fait. On travaille tout ça. C'est faux. Est-ce que moi, je me la pète? C'est Rihanna qui m'a fait mon répondeur. Est-ce que je me la pète? Ah non, c'est vrai. Parce que tu l'as pas fait. Est-ce que j'ai Tiens d'ailleurs, puisque c'est comme ça, regardez, tellement que je me la pète pas, j'enlève Rihanna de mon répondeur. Oh, c'est pas, vous allez me demander de l'écouter. Sur quoi? T'es très rapide pour enlever un répondeur. La meilleure méclame d'or. Contrairement à ton frère, je sais bien utiliser mon iPhone. Ah d'accord, ok, tu me montreras. Qui est sale d'ailleurs, mais je. Oh bah non, tu as essayé de voler mon iPhone? Non, pas du tout. J'ai des traces de doigts dessus. Non. Rien C'est moi. Ah pardon, Cédric. C'est vrai que Cédric est de retour, c'est ta grande soirée. Alors qu'est-ce que tu penses de ta soirée, Cédric? Ah franchement, ça fait plaisir. T'as vu les potos Big Flo qui sont venus? Ouais, ça fait plaisir. Il y a eu de la bouffe. Il y a de la bouffe de la meuf. Toute patate. Il faut aller surfer là. Et on va chocolat. Aller surfer, oui, on va aller. Il est impatient. Ah ouais, j'ai trop envie d'essayer moi. Il est toujours là, Étienne ou quoi? Ouais, je suis là. Ah, mais merci en tout cas, je voulais te faut dire. Faut partir, monsieur, maintenant. On t'embrasse, Étienne. Hein. Ouais, salut les foules, salut toute l'équipe. Salut, ciao, Étienne. Ciao. Si vous avez des questions pour Big Flo Oli, vous les envoyez. Vous avez le hashtag Big Flo Oli Chidifoul. Vous envoyez sur Twitter. Chidifoul. Et sinon, vous êtes Chidifoul. Et sinon, vous allez sur le 41759 et la nouvelle appli Skyrock. Vous avez testé la nouvelle appli, est super. Alors oui, j'ai testé, c'est la meilleure appli que j'ai jamais testée de ma vie. Ah ben ça c'est super. Non franchement, c'est quoi? C'est quoi la nouvelle appli? C'est le mec qui est prêt à tout quoi. C'est quoi la nouvelle appli? Je sais pas. Regarde, c'est la mise à jour. Bah c'est une mise à jour en fait. Ah. Et là, hop. Et là j'ai l'appli avec le son HD Skyrock sur l'appli. Regarde, c'est la mise à jour. C'est une mise à jour. Très énervant de s'entendre en retardement. C'est vrai que c'est pas facile. Non, moi je kiffe écouter Difou là. En double. Comme ça, il peut m'écouter deux fois. Ah ouais, c'est trop bon. Romano, tu es tellement bon que je vais vous donner à toi et à Cédric les résultats du clash de ce soir. Ouais, vas-y, on va même le laisser l'annoncer par. Oh! Tu veux, Oli? Par moi. S'il vous plaît. Attends, je fais quoi là? Je devais poser une question, Pierre, moi, papier, normalement. Ciseaux. Pierre, papier, ciseaux. Allez. Ah, vite. Vas-y, on va voir. Big Flo Oli. Un, deux, ciseaux, hey. Ciseaux, un, deux, papier, hey. Papier. Un, deux, Pierre. C'est mon frère. Ah oui. Pierre, hop, ciseaux, ça casse le ciseau. C'est Big Flo qui va donner les résultats du clash. Les amis, l'heure est grave. Cache. Oui. On a eu un Romano qui était magistral. Mais ferme ta gueule, toi. Non, mais c'est vrai. Faut, bah, faut faire comme Default, tu donnes un indice qui correspond aux deux. Indice de merde, en général. Voilà. Je les écris avant tout ça, attention. Faut cacher. C'est Karim qui le gagnant est un homme. Ah, le gagnant est un homme. Romano, tu as gagné le clash. Est-ce qu'il a des cheveux? Ah non, pardon. Cédric, il y a aussi Cédric. Est-ce que je peux poser des questions? Le gagnant n'est pas très intelligent. Ah. Ouais, donc ça doit être Cédric. Est-ce qu'il y a le R dans son prénom? Oh oui. Oh. Il y a un R dans son prénom. Ouais. Le gagnant avec 57%. Quand même. C'est tout? Toi, tu mets son grand retour. Hein? De maladie de convalescence, Cédric n'a pas gagné ce soir. C'est Romano qui gagne. Romano ce soir, c'est pas beau, mais Cédric il y a cru, il commençait à se lever et tout. J'étais content, moi. C'est raci direct. Non, mais j'allais faire quand... péter une bouteille de champagne, moi. C'est quand t'as dit, n'est pas très intelligent, là, Cédric, j'ai vu son sourire sur le visage. En tout cas, mon ami Cédric se repose et quand il aura la force de soulever la coupe, il sera un grand héros. Ah, tu penses que c'est pour ça qu'il a pas voulu gagner? Il a fait combien? 43. Là, c'est la réplication. J'ai deux résultats différents sur une même feuille. Bah oui, 57 et 43. Et en bas? Ah, ça, c'est le dernier clash, ça. Ah, là, c'est celui d'avance. Excusez-moi, j'ai pas encore les marques. Karim, il comprend pas tout cet imbécile. Et ouais, Cédric. Ouais. Donc ce soir, tu as perdu contre Karim, tu as donc été élu. Tu as le titre quand même, donc de l'animateur le plus con de la radio libre. Oh là là. On a fait le match ce soir, Karim qui a marqué 5 points à 0, t'imagines? 5-0, je t'ai mis dans les. Putain, parle dans ton micro. On lui a remis une grosse bouteille de shampoing. Ouais, moi, t'es champion. Ouais. Tu peux lever la tranche de Karim, s'il te plaît? Ouais, mais bah attends, je peux pas tout faire, j'ai pas trois mains. Hein. Cédric aimerait se faire insulter par Karim, et il entend pas. Ouais, enculé, va. Ta gueule, espèce de petite salope. Bon, c'est bien, en tout cas, vous avez fait un beau clash. Et la prochaine fois que vous venez nous voir, faut revenir vite, hein, Big Flo. De toute façon, c'est pas fini, il est quoi? Il est minuit moins quart, on a encore quelques instants, quelques minutes d'émission. Mais il faudra nous faire un clash tous les deux aussi. Ah ouais, avec non, plaisir. Nous, ça, c'est toujours avec plaisir qu'on vient ici. Et l'un contre l'autre, ça serait bien. Ouais, bah tu sais quoi, on va préparer une technique chacun et on reviendra à fond. Déjà, on va tous vous baiser au surf. Tu as bu un peu de champagne? Ouais, non, il a bu du vin, lui. Tu sais plus boire, t'en as plein sur ton tableau. J'allais dire, il faut prendre la photo là, il a une grosse tache sur son tableau. On dirait l'oncle à Noël qui fout la honte, tu sais, le mec qui boit trop. Il a toujours des grosses taches quand il boit. Il sourit, il est content. Ouais, je suis content, j'ai gagné le clash, j'ai baisé Cédric, c'est ce qui m'a heureux. Tu sais où est ton portable, Romano? Non, je déconne, c'est bon, arrête. D'ailleurs, je le mets immédiatement dans ma poche. Tu sais que je suis paranoïaque, c'est histoire de portable, le mien aussi. Ouais, moi aussi. Ouais. On est vraiment des gamins de façon. Non, mais il y a des voleurs. Pourtant, non, Youssoufa m'avait prévenu que t'étais un gros voleur de portable. Ouais, bah ouais. Tu vois, ça tourne dans le milieu du rap. Hein. Dans le rap game, ça se dit, Romano. Hein. Ouais, Youssoufa, il m'en a voulu. Il t'en a voulu, il t'en veut encore. Je crois qu'il t'en veut encore, ouais. Mais ouais, il t'en veut encore. Il en parle à tout le monde, le mec. Bon, les questions pour Big Flo et Oli, allez-y, profitez-en. Allez, Romano, c'est vraiment le dieu de l'amour, on nous dit. Tiens. On est chaud pour répondre très vite. On parle très vite. Alors, très vite. Album suivant, vite. Alors, allez, à Conakry qui nous laisse la réponse. Il y avait Laura qui nous avait laissé un message. Plein de filles, plein de. Une réponse chacun. Album. L'album, pour l'instant, on y travaille, on est dans la grotte et on peut pas en dire plus. Alors attendez, parce qu'il y a Jules, l'autre qui est dans sa cabane. Salut Jules, dans ta cabane. Là, les deux, là, ils sont dans leur. Ils grotte, sont dans leur joliment. À Joliment. Une grotte toulousaine. On va dire. C'est quoi cette histoire de grotte? On n'a pas le même rythme de travail que Jules, mais on est. Jules, moi, tu vois, ici, nous écoute Jules, on salue. Il était vendredi en direct sur Sky, en direct du vélo. Au vélodrome, j'ai vu, c'était incroyable. Ouais. On en parlait avec Fred qui était à la soirée. Ouais. À la Cigale, c'était vraiment super. Et comment tu fais, Jules? On t'avait demandé déjà dans l'émission, mais comment tu fais pour sortir autant de trucs? Parce qu'il a sorti un album gratuit là, il y en a un autre qui sort dans moins de 2 mois. C'est incroyable. Là, il en a fait 4 cette année. Cette année, non? Il en a fait 4, non? On peut dire que c'est un ovni. Bien joué. Oh là là. C'est le nom de son prochain album. Il s'appellera. On en parlait tout à l'heure, il s'appellera. Ah ouais. Bien joué, Oli. Hein. Tu vas finir animateur sur Skyrock. Retrouvez-moi au Café Théâtre de Toulouse tous les soirs. C'est là que je suis content d'être un peu bourré, tu vois. Non, mais c'est vrai qu'on travaille sur le deuxième album. Les blagues fais rire Marie, je suis content. Ben, je suis bourré aussi. Non, mais lui, en plus, il est comme vous, il fait les sons, il fait tout, quoi. Est-ce qu'on pourrait arrêter de parler des autres rappeurs, s'il vous plaît, et parler de nous? S'il vous plaît. Ils connaissent quand même Jean Dujardin. Ouais, parce que Flo, il a Jean Dujardin à son répondeur. Oui, n'empêche qu'il nous a montré son Oscar par FaceTime, c'était très classe. Ouais, ça c'est vrai. Ouais, le mec pèse. Mais pour répondre à ceux qui se demandent, on est sur le deuxième album, bien entendu, on travaille, on a déjà plein de sons, on peut beaucoup, rien beaucoup, dire beaucoup pour l'instant. Mais voilà. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y aura des collaborations. Voilà, on peut pas en dire plus. On peut en dire une. On peut pas en dire plus. Allez! Allez une! Allez une! Ça serait un grand acteur français en même temps. Jean Dujardin! Non mais en tout cas, maintenant qu'on a eu Jean Dujardin, on essaye de mettre la barre très haute sur les collabs. Donc normalement, ça va être du gros, mais. Les mecs qui se la pètent quoi. C'est même pas encore sûr. C'est même pas encore sûr. Ouais, parce que c'est vrai, j'ai pas encore accepté. Voilà. On espère d'avoir le prince du hip-hop sur l'album. Wow. On a voulu l'avoir, mais j'ai eu un manager qui s'appelait, je crois que c'était Defool. Mais il me demandait 100 000 euros pour un couplet, donc c'était un peu cher. Ouais. Voilà, c'est ça qui galère. C'est le tarif, hein. Les rappeurs, un petit rappeur. Allez, dites un nom. Vas-y, non, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a des rappeurs qu'on kiffe et qu'on aimerait bien. Est-ce qu'il y a un rappeur qui commence inviter par exemple, Youssoupha qui était à la soirée. Je dirais que ça commence par un Y, par exemple. Alors, pourquoi pas Youssoupha, ouais, ça pourrait être pas mal. Elle a voix qui paie. Pas mal. Bon, Youssoupha, très bien. Après, on est très fans de plein de rappeurs, donc ceux qui connaissent, voilà, connaissent ceux qui nous suivent savent quel feat ils pourraient avoir, déjà. Bon, très bien. Le principe. Je vais essayer d'y arriver par oui, je vais essayer d'y arriver. Merci. Par un autre moyen, oui. C'est quoi c'est qui les rappeurs que vous écoutez ces temps-ci? Alors, les rappeurs qu'on écoute, on va bien y arriver quand même. Non, mais qui vous traînez comme rappeur, voilà. C'est Drake, Rihanna, Jay-Z. Ils seront tous sur l'album de Big Flo et Oli. D'ailleurs, j'allais vous demander le numéro d'Eminem. Je sais que c'est un ami d'ici qui vient souvent. Bah, c'est son anniversaire aujourd'hui. Sauce mes boules. Ouais, c'est vrai. Bon anniversaire, Eminem. On lui a envoyé un petit texto tout à l'heure pour lui souhaiter son anniversaire. Oui, c'est vrai. Ça fait plaisir. Il est fou de l'envoyer tout à l'heure. Il sera sur l'album de Big Flo et Oli. Mais c'est un morceau caché, il faut acheter l'album pour l'entendre. En vrai, Diffoul, qu'on n'a pas enregistré le son, tu connais, ça porte l'œil. Ça porte la poisse, ouais. Ouais, comme c'est pas encore fait, si jamais c'est pas. Si, vous voyez, si on dit un non et qu'après ça se fait pas, ben on passe pour des cons, quoi. Et on passe assez pour des cons comme ça, Diffoul. Merci. C'est vrai. Et c'est pas fini parce que vous allez finir sur le surf dans 5 minutes, là. Ah ouais. Avec grand plaisir. Ça va surfer, là. Bon, Romano avait une question économique à vous poser. Il voulait savoir combien vous aviez sur vos comptes. Je vais laisser poser la question, Romano. Il y a plein de questions, waouh. Ouais, combien vous avez sur vos comptes? Alors, sur mon compte, en ce moment, j'ai 2,75€. Ouais, allez. Non, c'est vrai que depuis le premier album, on a gagné pas mal d'argent. On était vraiment en galère à l'époque. On est millionnaire maintenant. On est. C'est vrai. Ouais, non, c'est... mais il y en a qui pensent ça, frère. Arrête. Hein. Tu sais qu'il y en a qui pensent vraiment qu'on est millionnaire. Mais peut-être. Hein. On est un peu modeste. Milliard. T'es pas loin. Ouais. Regardez comment Romano il vous regarde. Ah, non, mais c'est vrai qu'il faut dire la vérité. Ouais, on est millionnaire et les yeux qui. Non, sont mais vous, genre. Nous, on a décidé de tout dire. Donc c'est vrai qu'on on a gagné pas mal d'argent. Un peu d'argent. Bah, il c'est pas une honte. C'est bien. Voilà. Donc moi, je vais acheter un appartement à Toulouse. Voilà. Cash. Non, quand même pas cash, mais bon. Il va acheter un pavillon avec piscine, lui. Olivier, on dit tout, mais quand je dis ça, il fait quand même doucement, frère. Non, mais parce que... non, parce que le mec, il est là, cash, il va dire le prix, il va tout dire. Non. Est-ce que tu peux nous dire l'adresse pour les auditeurs? Oui, bien sûr, j'habite. Alors, je l'achète à Jolimont, net vendeur. Ouais, à côté de l'antenne de Jolimont. Il faut dire la vérité, il y a beaucoup de tabous un peu pour rien sur ça. C'est vrai que voilà, on gagne bien notre vie grâce à notre rap, on a la chance de ça. Et voilà. Oli, rappelle où t'étais, enfin Oli au Big Flo, mais Oli, où t'étais il y a 3 ans? Il y a 2 ans et demi, ouais, 2 ans, j'étais au lycée. Ouais, alors, tous les soirs tu nous écoutais et le lendemain tu te levais avec nous et tu partais avec ton sac. Et je vous écoutais même avec ma mère, je me souviens dans son Opel Corsa. Ah ouais. Elle avait écouté vos émissions avec nous. Elle nous fait des qu'on entend sur votre album en fait. Et d'ailleurs, elle nous envoyait plein de textos, je sais pas si elle nous écoute encore. Ouais, bah, big up maman, gros bisous. Pour elle, vous êtes les messieurs de la salle de bain parce que en fait, il y a la radio dans la salle de bain. Donc voilà. Elle n'a jamais eu peur? Non, elle n'a jamais eu peur. Oh, c'est monsieur de la salle. Mais elle adore la voix de Diffoul, notamment. Ah, oui, c'est vrai, je t'embrasse. Diffoul, tu as une touche. On se calme, c'est notre mère. Je te fais un bisou sur les joues parce qu'il y a les deux fils qui sont en face de moi. T'imagines, Diffoul en beau papa. Ça va pas. Oh, putain. Non, Cédric, tu es complètement désaxé. Repas de famille, Tintin. Oui, bonjour. Oui, salut. 01 53 43. Radio libre, alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y a 2 ans et demi, toi, t'étais au BAU. T'étais où, toi, Flo, il y a 2 ans et demi? Moi, j'étais à la fac, j'attendais Coli et son bac parce que. Enfin, j'étais à la fac en touriste, on va dire. Non, mais c'est vrai que ça paraît con, mais on a vachement cru en nos rêves et au final, ça a bien payé, donc on est hyper content. En 1 an et demi, 2 ans, ouais, c'est vrai que vous avez vu grandir un peu ici. Ouais. Faut dire la vérité. Si on m'avait dit que j'allais faire un son avec Dujardin qui passerait sur Skyrock et tout, franchement, je l'aurais vraiment pas cru. Donc, c'est un truc de fou. Petit violon, Romano. Non, mais c'est pour tous ceux qui font du rap dans leur chambre, qui sont passionnés. Du rap ou autre chose, d'ailleurs. Ouais, voilà, de l'équitation ou quoi, n'importe quoi. Dans sa chambre, l'équitation, c'est plus compliqué. Dans sa chambre, ouais, c'est un peu compliqué. On peut faire du surf dans une chambre, on va montrer ce soir. Ouais. Non, mais c'est vrai, croyez en vos rêves, il faut voilà. Comme dirait Gad, tout est possible. Voilà, merci. Très bien. Très bien. Bravo. Et comme dirait Arthur, le grand philosophe et intellectuel français. C'est les mecs ici de Gad Elmaleh en tout est permis. Voilà. Tout est permis, ouais. Exactement. Bon, on est de retour dans un instant. Vous filez faire du surf? Allez, on y va. Parce qu'il y a Romano qui veut en faire un petit peu, là, juste après. Il y a Karim aussi et Marie aussi. Ouais, allez. Merci pour les messages. Gros big up tout le monde, là. Vous allez me laisser tout seul à la table de mixage, alors. Eh ouais, Cédric reste là, lui. Ah, je veux voir, moi aussi. Pourtant, t'es malade, Cédric. On a qu'à tous monter. Bon, on est en train de saboter le son de MHD. Est-ce que MHD sera sur votre album? MHD, on aime bien ce qu'il fait, ouais. On l'a rencontré, on avait mis une photo aussi. Bon, il fait papa. Ça met l'ambiance, MHD, c'est et bien pour danser. Il fait un Kelenta, là, maintenant. C'est plus qu'un pote, c'est devenu un frère. Quand je marche avec lui, pas rien de mes frères. On a vécu des choses qu'on peut pas citer. Entre nous, pas de langue de bois, pas de secret. On n'a pas changé, les années sont passées. Certains nous ont lâchés. On s'est promis d'être soudés jusqu'au bout. Tu l'as choisi, vous deux, c'est l'amour fou. Tu connais sa famille, elle connaît la sienne. Dans les moments durs, elle partage ta peine. N'aie pas d'inquiétude, t'es sa première et dernière. Accroche-toi, le bonheur t'appelle. Ce soir c'est ton jour, la nuit se fait démarrer. On est tous dans la foule, tout le monde est présent. Vers cette La première naissance, la vie de famille se construit. Elle t'a donné sa confiance. Forcément, il y a des hauts et des bas. C'est qu'une étape à franchir, cousine, tu sais. N'écoute pas les gens, tous les hommes sont pas pareils. C'est qu'une légende. Si tu l'aimes, c'est réciproque. Je le connais par cœur, c'est quand même mon pote. Je vois son sourire quand il passe la bague au doigt. Ça me fait plaisir, ça me fait rêver. Tout le quartier s'est déplacé pour toi. Ton histoire ne fait que commencer. Ce soir, c'est ton jour. La glace fait démarrer, on est tous dans la foule. Tout le monde est présent, personne ne veut rater ça. Des petits au grand, la famille au complet. Je vois le bonheur dans vos yeux, nul ne pourra le retirer. Ce moment restera gravé dans ma tête et c'est bien qu'on pourra se partager. Elle t'a choisi, le destin s'est pas trompé. Une étape de franchie. Le meilleur moyen de se ranger, c'était de s'unir. Désormais dans la cour des grands, la fierté des parents quand ils verront leurs petits-enfants. Mon ami, on est fiers de toi. C'est ta destinée, à quel endroit. Ce soir c'est ton jour, la glace fait démarrer. On est tous dans la foule, tout le monde est présent. Personne ne veut rater ça, des petits au grand. La famille au complet, je vois le bonheur dans vos yeux. Nul ne pourra le retirer. Ce moment restera gravé dans ma tête et c'est bien qu'on pourra se partager. MHD sur Skyrock, MHD avec Akelenta. Default, radio libre. What the fuck, 21h minuit sur Skyrock. Bon, il faut me mettre en retour Facebook Live pour que je vous vois sur le surf et que je rigole un petit peu. Non, mais viens. Mais non, mais moi je vais. Mais non, mais c'est bon là, je laisse comme ça. Hop. Mais en haut, tu peux régler en haut. C'est bon là. Et on peut aller là-haut. Impeccable. Bon, fais voir mon micro. Bon, ça marche. Bon. Attends, faut que je mette le casque et tout. Big Flo, Oli, vous venez avec nous. On est en direct sur Skyrock. Merci d'avoir passé cette soirée avec nous. C'est pas fini parce que là, vous vivez la dernière ligne droite. Attention, de la ouais. Radio libre. On va surfer. Il y a du monde ce soir. Il y a Big Flo et Oli qui sont. Il faut savoir qu'ils sont très très fiers de leur surf. Rendre visite. Et ils sont venus nous en faire. Eh, vu le prix que ça nous a coûté, tu vas. Ah là, d'accord. Donc, on vous met l'adresse d'ailleurs du site sur lequel vous pouvez trouver cette espèce de surf. Si vous faites une soirée avec des potes, c'est marrant. Hein. poly-event.com. Bah voilà, on vous la donne et autrement elle est sur tous les réseaux sociaux de Skyrock. Oui, on vous mettra le lien tout ça. Ouais, on vous met le lien. Ils ont tout. Sur la page Big Flo et Oli, il y a elle plein est... de choses intéressantes aussi ah, sur ouais. Facebook Big Flo et Oli. Un petit j'aime, ça fait pas de mal. Un petit like. Voilà, un petit like. Ouais. Allez. Bon, Oli, montez, je vous rejoins au cas où il y a un problème technique. Mais viens, non ? Non mais attends, je préfère vérifier que ça marche bien. Ouais, écoute, Romano, tu vérifies et... Ouais, j'arrive tout de suite. Et t'arrives, OK. Bon, on remonte, on va lancer la roulette aussi, la roulette au 7-20-20. Marie, tu t'occupes de la roulette ? Ou tu montes ? Comment tu veux ? Bah Marie, il faut qu'elle vienne aussi parce qu'elle va faire un coup. Allez Marie, tu Moi je vais voir Marie sur Karine, le surf. T'en as pas fait, tu veux en faire. Vas-y. Marie à plat ventre sur le surf. Bah Cédric t'occupe de la roulette. Toi tu montes pas. De la roulette, mais si je monte. Mais non tu montes pas, tu peux pas en faire. Mais bah, non mais si bah, Cédric. Moi je vais Cédric t'en fais pas. Non Cédric, tu peux pas. Bah si je veux voir. Bon allez-y. Excusez-moi parce que je suis dehors là. Mais Romano tu voulais venir non? Ouais mais je vérifie juste que ça fonctionne bien et j'arrive. Ok. Donc on monte à l'étage. À l'étage est installé un surf. Ouais. Le surf. De Big Flo et Oli, et on peut même le dire, tu l'as dit Romano. Le surf du film. Le surf du film de Bryce. On est en direct ici, il y a Karim avec moi. Est-ce que cette émission a encore un sens, les amis? Non, aucun, mais à minuit moins 30 secondes, on se lâche. Non, mais tu vas voir le sens quand je vais vous mettre la misère. On est en direct des studios, je sais pas si vous avez déjà vu. Karim, un petit mot sur la nouvelle déco des studios? Au fait, Romano, comment tu m'as trouvé sur le surf? Pourquoi tu ris? Magnifique. Ah, merci. Excusez-moi, je suis tout seul dehors, je voudrais qu'on me rejoigne, s'il vous plaît. Alors, rejoignez Big Flo. Allez, c'est parti. Excusez-moi, je n'ai pas de casque. Romano, rejoins Big Flo. Je n'ai pas de casque. T'entends rien? Si on m'entend crier. Oh, pourquoi t'as pas pris un casque, frère? Alors, Romano, c'est Marie qui me l'a volé. Prends mon casque. T'as pas de casque? Oui. Tiens, prends mon casque. C'est mon micro. N'importe quoi, les amis. Je reste à la table de mixage, donc j'essaye de gérer les choses d'ici. Pendant ce temps, vous vous inscrivez au 7-20-20 si vous voulez gagner Escrow et Nekfeu en concert avec Skyrock. C'est à pas louper. Alors, attention. Hop, hop, hop, hop, hop. pardon. Vous vous inscrivez. J'avais jamais vu les étages de Skype. T'as vu, c'est joli, hein. C'est magnifique. Allez, vas-y, retourne là. Ah, pardon. Alors, attention. Vous savez que ça fait bizarre de voir le studio tout seul. Je suis tout seul avec vous. J'ai vos messages. Envoyez-moi des messages, sinon je me sens vraiment, vraiment très, très seul. Bonjour à Megan, le petit MC. Visio, Big Flo et Oli. Bonjour à Manon. On te fait une bise. Rosalie, à Livol également. Salut aux surfeurs qui nous écoutent. Est-ce que quelqu'un parle? Parce que j'ai pas de casque. Non, mais il y a 10 foules qui parlent, t'inquiète. Ah, ok. Alors, il est en train de baratiner, là. Romano, t'es où? Alors là, je suis avec les apprentis surfeurs. Oui. Alors, qui veut commencer? Toi, moi, Romano, t'as le beau. Non, je propose que ça soit Marie, honneur aux femmes. Marie est en train d'enlever ses bottes de cuir. Oh oui, Marie, enlève tes bottes de cuir. Bah, j'ai relevé mes chaussettes. Alors, Marie peut faire comme dans Fort Boyard et se mettre à plat ventre. Ouais, elle va se mettre à plat. Marie, enlève ton gilet, tu seras mieux. Avec ça, on va faire des vues. Enlève ton. Ah oui, non. Allez sur Facebook Live d'ailleurs, on est en live sur Facebook Live. Alors attention, Marie rentre sur. Monte sur le la surf. Piste. Ouais, là, elle est sur les tapis autour. Difool, est-ce que tu m'entends? Oui. Marie, il faut te mettre accroupi. Est-ce qu'on, hein, on est d'accord pour dire que je suis le grand gagnant quand même. Mets-toi plus bas, plus bas. Non, vous avez fait une. Alors attendez, on résume. Big Flo, 1-0-6. Oui. Oli, 1-0-6. Difool, 2-0-6. Ça doit être à peu près ça. Voilà. Alors attention, Marie est sur le surf. Quelles sont tes impressions, Marie? Je vais me péter la gueule dans une seconde. D'accord. Voilà, elle est très optimiste. Très bien, Marie. Attention. Alors attention. Juste, s'il vous plaît, attention au plafond parce que Difool a quand même cassé le plafond. On s'en fout. Ah ouais, on s'en fout, vous savez que j'ai une fracture du crâne. Hein. Ah ben non, c'est sûr. Si, si, Romano, je te dis, j'ai une fracture du crâne. On fait un décompte, Romano, un décompte. Alors attention. 3, 2, 1. C'est parti. Marie sur un surf. Combien de temps elle reste? Oh putain de merde. Qu'est-ce qu'il y a, Marie? Essaie de tenir, Marie. Elle tient. Allez, Marie. Elle tient. Baisse la tête. Elle en a tenu des choses, Marie. Ah oui. Allez, vas-y, Marie. Allez, Marie. Allez, Marie. Allez, Marie. J'essaye. Il faut accélérer, monsieur. Accélérer. Moi, c'est... Je crois qu'elle va pas tenir longtemps. Oh bah c'est fini, elle est tombée. Ah bah tu vois, c'est quand même la première fois que je vois un thon faire du surf. Merci à tous. Oh, bravo, bravo. Oh, c'est une sirène. Oh non, elle est super celle-ci. Je rigole, Marie. Elle a fait 16 sympa. Secondes. Alors attention, qui va secondes. Le tenant. Ah, mon frère. Vas-y. Attention, Big Flo, moins de 50 kilos. Ah, Big Flo est sur le... Combien il pèse, Big Flo? Et sur le surf. Combien tu pèses, me demande le grand du foule. Alors moi, je pèse, veuillez monter sur la balance. C'est-à-dire que tu montes dessus. Veuillez alors monter sur la balance. C'est parti. 3, 2, 1, go. Alors, c'est parti, ça bouge. Il est fort. Oh non, Flo, tu triches. Flo, non. Fou, il a plein ventre. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Reste debout. Flo, debout. J'ai sans les mains. Il n'y a pas de souci, frérot. Il n'y a pas de souci. Stop. C'est elle est remontée, il fait quoi? Là, il est tombé, il vient de s'éclater comme le seul, rappeur surfeur qui est capable de. C'est à toi, Romano. Qui est capable de tomber à plat ventre. Bravo, Flo. Tu gardes le micro? Ouais, je garde le micro. Alors attention. Difool, nous sommes en direct des studios de Skyrock pour le surf game. Je vois Romano d'ailleurs. Ouais. Alors attention, c'est moi qui monte sur le truc. Ah. Non, c'est bon, je le tiens. Que vas-tu te casser, Romano? Ah non, il faut pas que je me pète un truc. Hein. Moi, j'ai un permis bateau à passer bientôt. Je voudrais passer un big up à Marwan de Poly Event. Petit bonjour. Allez, c'est parti. Salut Marwan de Poly Event. C'est lui qui nous a amené 3, le surf. 2, 1, go. Attention. Allez, attention. Non, mais ça va, franchement, pour le moment, tout va bien. Je vérifie s'il a pas mis de résine sous son pied. Ne me touchez pas, les gars, sinon il y a un bourre-pied. Là, t'as une dégaine, Romano. Allez voir ça sur Facebook Live. Il est magnifique. Tourne autour de lui pour le stabiliser. Franchement, je suis bien là. Mets pas le cul en arrière comme ça, Cédric va débarquer derrière, il va te le remplir. Hein. On tourne autour de lui pour le déstabiliser. Pas des trucs à la... moi, je crois que je vais battre leur corps, les gars. Il faut aller plus vite, Marwan. Plus vite. C'est fini. Attendez, j'ai entendu un craquement de son dos. Il est tombé là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que j'ai cassé un truc micro sans fil, mais bon, c'est pas grave. Bon, j'ai fait combien de secondes? 23 secondes. Oh, bah, c'est nul, pas hein. Brillant, c'est pas c'est beau. Quoi, c'est qui le gagnant pour l'instant? Pour l'instant, Big Flo et Oli. Combien? Attends, combien? 1 minute 6. À part moi, je me mets hors course, hein, bien sûr. Tu vas avec les chaussettes? Allez, c'est parti. C'est qui? Oli. 3, 2, 1. C'est perdu déjà. S'il vous plaît, c'est perdu déjà. Je demande à remonter sur le surf. Enlève tes chaussettes. Vas-y, remonte. Mais attention, nouvel essai d'Oli. Assume tes pieds sur Facebook. Oli, monte sur le surf. Vas-y, Oli. C'est parti. 3, 2, 1, top. Vas-y, bourre. Il fait le malin, fous-le par terre. Il fait le malin. Vas-y, position 3, le plus vite. Il fait tourner le micro. Attention, la vôtre beau, bientôt. Hop, il s'est tapé. Si tu casses la lampe, tu payes. Il s'est brûlé avec la lampe du plafond. Cette scène, elle est triste. Mais il tient dessus, il continue. Elle est triste. C'est le plafond que j'ai défoncé avec ma tête. Il a fait un saut, Difool. Il vient de faire une figure. Vas-y, fous-lui le force maximale. Allez, hop. Attends, il tient le choc, hein. Attends, il tient le choc, mais pas longtemps. Je le fais pour la France. Non, non, il tient bien, sur mal, il a le style mal. En plus, il fait attends. Des figures, il saute et tout. Non, non, s'il vous plaît. Attendez, on va y aller à deux. Oli, j'arrive. Arrêtez, okay. Allez, Big Flo, Oli, on saute. Allez, hop, c'est fini. 38 secondes. 39 secondes. Oh le carnage. Oli, on y va à deux. Allez. 38 secondes. On y va à deux et on finit en beauté. Alors attention maintenant, Big Flo et Oli, les deux en même temps sur la planche de surf. On a le droit en fait. On a le droit. Je sais même pas si on a le droit. Et c'est bon, normal 3, que Romano. 2, 1, top. Attends, on pèse comme si c'était Cédric sur le surf. À deux, oui. Ça va aller les deux. Et encore. Ah ouais. Envoyez la sauce, les amis. Est-ce que. C'est pas tous les rappeurs français qui feraient ça. Non, ça c'est vrai. Je pense c'est qu'on est les rappeurs les plus ringards de l'histoire. Oui. Attention. Oh là. Et là, vous savez que grâce à vous, c'est la première fois qu'on fait du surf dans l'émission. Vous avez du style, les gars. Ah oui. Why? Il envoie fort là. Je saute. La figure. Vas-y, demi-tour, les gars, demi-tour. Chacun change de sens. Ah oui, tiens bien, ils sont à 28 secondes. Mais ils sont quand même sur la BO de Bryson. Non, mais on sent la pratique. On sent quand même qu'ils ont travaillé leur surf. Bon, je vais vous dire que dans ce milieu de requins, il a fallu apprendre à faire du surf. Oh, bravo, Oli. Et franchement, ça devient très, très simple, vous voyez. Ma tête. Non, Romano, stop. Qu'est-ce qui s'est passé? Putain, il essaie de. Il loupe. Oui, c'est long, hein, Romano. Hein, donc, voilà. Tu as poussé tout le monde. Oh, bah ça y est, ils ont fait 44 secondes. En fait, il est jaloux parce que vous tenez plus longtemps que lui. Là. Oh, Karim. Allez, Karim, il faut essayer. J'essaye, vas-y. Alors vas-y, allez. Enlève les chaussettes. Voilà, attention. Cette émission, ça devient vraiment n'importe quoi. Alors, vas-y, sans les chaussettes. T'avais encore des doutes. Alors attention, non, attends, enlève écartez-vous, ses il enlève ses chaussettes. Ah, alors, j'ai une question à poser, Diffoul. Vas-y. Pourquoi les chaussettes de Karim étaient blanches à la base et là, je les vois noires? Ah, c'est parce qu'il a dû marcher quelque part. Qu'est-ce que t'as fait, Karim? Allez, c'est parti. 3, 2, 1, top stuff. Une impression. Qu'est-ce qu'elles ont tes chaussettes, Karim? La maîtrise. Vas-y, force 3, on y va. C'est quoi ton blast de surfeur? Karim de la rime. Karim de Nîmes. Oh là là, attention, il saute ta tête. Attention, ah, il gère pas mal, hein. Allez, c'est ouais, demande, il fait le beau. Ah, c'est le max, frérot, ou comment que ça se passe? Il fait le beau un peu. Ah, il se la pète en plus. Non, mais attends, attention à Bobo Hano, tu vas se foutre la gueule. Vas-y, tiens le coup. sinon, aidez-le discrètement. Hein. Non, on va l'aider. Skyrock, hein, premier sur le surf, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Et premier sur Big Flo et Oli. Putain, Karim. Bon, on va laisser Karim. Karim, on va le retrouver demain matin dans le morning. Ça y est. On a 36 secondes, minable. Bon, on le retrouvera pas demain matin dans le morning, c'est en direct du surf. Là. Minable. Les premiers rappeurs qui font du surf en direct à la radio, c'est ce soir sur Skyrock, Big Flo et Oli. Ouais. Et Romano. Ah ouais. Et Karim. Et Marie. Et moi. Toi, bah ouais, toi aussi. Elle est où, Marie? Elle est là. Je suis là, je suis redescendue. Ah merde, putain, je t'aurais bien vu faire un tour, quoi. Ah bah ouais, mais je suis redescendue. C'est fini. Marie s'occupe de la roulette. Exactement. Il faut calmer Romano, s'il vous plaît, parce qu'il est excité. Il est excité par ce surf, là. Regarde, ah saute, ouais, je saute, il saute partout, là. Il saute partout. Et je remonte dessus. Hop, c'est reparti. Mettez en route, s'il vous plaît. Attention. Allez, c'est parti. Ouais, je vous ferai remarquer quand même un truc. Le seul qui en a pas fait, c'est quand même le moins courageux de l'équipe, c'est Cédric. Ouais, alors que c'est ça. Alors mais que si j'en fais, je me pète l'épaule, gros. En fait. Je reviens dans deux mois. Je vais monter. Il y a une scène très très bizarre, quasi gay qui se passe. C'est Romano et Oli ensemble qui tiennent la main sur le surf. Oh putain. Oh, vous êtes mignons. Tous les deux. Romano est tombé, mais Oli est toujours là apparemment. Romano s'est pété la gueule, il s'est tapé contre une table. Qu'est-ce qu'on peut monter sur. Il a voulu faire une blague en faisant semblant de tomber fort, mais il s'est vraiment tapé la tête sur une table, Oli. Romano vient de se taper. Non, mais c'est vrai, sérieux? Non, oui, c'est pas une blague. Il a voulu faire. Attends, c'est bon. Je t'avais dit que tu te ferais mal. Diffoul, viens calmer Romano et Oli là. C'est n'importe quoi. Je vais les laisser vivre leur histoire d'amour. Pour tous les deux. C'est n'importe quoi. Allez, mets-toi à quatre pattes. Ce qui est marrant, c'est que. Non, ça suffit. Ça suffit, oh. Oli est arrivé en disant je suis plus célibataire, j'ai une meuf, et il repart avec Romano, c'est magnifique. Mais une baston générale. Je vais le baiser. Je vois sur Facebook Live, je vois. Ça suffit. C'est sexuel, on va avoir des problèmes avec le CSA. Faites du sexe en direct à la radio, c'est chaud, les gars. Oli et Romano, c'est officiel. Bravo. Flo, bienvenue. Bon, les gars, mais bon, on vous retrouve. On fait tourner la roulette. Bonne de l'aide. Venez vite. Bon, bah amusez-vous. Ils sont en train de se. Je sais pas ce qu'ils sont en train de dire. Ils s'éclatent. Je vois un homme avec un crâne chauve qui est en train de toucher le zizi d'un Toulousain jaune. C'est qui? Franchement, on peut dire qu'on se connaît bien maintenant, la team. Parce ah que bah là, c'est intime. Ça devient n'importe quoi. Hein. Bon, c'est l'heure de la roulette. Escrewboy. Ouais, ouais, c'est Nekfeu dans la roulette sur Skyrock. Skyrock t'offre 200 places pour voir Nekfeu et Escrew en concert. Nekfeu et Escrew en concert. Et oui, c'est avec Skyrock, évidemment, on vous offre vos places. Et on va dire bonjour à Anaïs. Mettez-moi Anaïs en direct. Allô? C'est bon. Bonjour tout le monde. Bonjour mademoiselle. Salut Anaïs. Alors Anaïs, t'as 24 ans et t'es à Nantes. C'est ça. Est-ce que t'es surfeuse toi aussi, Anaïs? non, je suis pas surfeuse. Eh ben moi, moi je peux mal à surfer, ouais. Moi, je peux dire que depuis ce soir, je suis surfeur. Ah bah j'ai bien vu ça. L'équipe aussi, ils arrivent, s'ils sont pas cassés, ils étaient en train de faire l'amour sur la, à côté de la planche. Et du coup, il a pété le plafond. On arrive, on arrive. Ah, vous arrivez. Ouais, moi je me suis fait une fracture du crâne, c'était super. Romano s'est pété le crâne. La meilleure surfeuse, c'est bien la femme. C'est bien Marie. Ah, ouais. C'est gentil. Oh, vous m'avez tué. Je vois que t'étais pas sur Facebook Live. C'est qui est mort? Ça y est, on est de retour là. Ah, ils sont bien. C'est qui qu'on a tué? C'est lui, c'est Flo. C'est Flo, t'as tué? Non, non, c'est Oli, c'est Oli. Parce qu'il y a une baston entre Romano et Oli. Qu'est-ce qui s'est passé? Romano a mis une balayette à Oli. Oli est tombé. Romano a fait des attouchements sur Oli. Ouais, je pensais que c'était comme fidèle à la radio. On était de grands fans et je pense que un petit fan vient de briser son cœur ce soir. Voilà, c'est fini, on ne reviendra plus ici. Qu'est-ce que t'as fait à Oli, Romano? Ah putain, je suis mort. Ils m'ont tué en fait, ils ont commencé à se mettre à deux pour tenter, je cite, je vais te baiser, Oli. Voilà, baiser Oli, c'est ça, ouais. Bon, on fait tourner la roulette, t'es prête? Oui. Anaïs, vous avez vu déjà. Oli, il a vraiment mal. Hein. Nekfeu en concert, les gars. Ah ouais, on l'a déjà vu plusieurs fois cet été en festival. C'est bien. C'est sympa. C'est moins bien que Big Flo, Oli. Oh. Évidemment. En vrai, c'est un super gars en live. Il envoie grave. C'est le feu. C'est le feu, c'est Nekfeu. Et Escro, tu dis stop quand tu veux. Il passe à Nantes en plus, hein, chez toi, Anaïs. Oui, c'est ça. Stop. Hop là. On arrête la roulette. Et tu viens de gagner tes places pour Escro, pour Nekfeu à Nantes le 21 mars avec Skyrock. C'est gagné, Anaïs. Je vous remercie tout le monde. Ah bah c'est nous qui te remercions, on va te faire des gros bisous. Bah moi aussi je vous fais plein de gros bisous. Bisous, tu veux faire un bisou à Big Flo Oli? Non. Merci. Non. Oh le vent, wow. Je suis désolé que ça se termine comme ça quand même. Ah ouais, mais il laisse tomber quoi. Désolé. Ça avait bien commencé ce soir. C'est vrai, ça avait démarré sympa et je sais pas ce qui s'est passé vers la fin là. C'est fini, Romano a pas su résister. Comme Jean-Michel Maire avec l'autre avec les seins. Ah ouais, j'ai craqué, désolé. Non mais le surf, ça vous va pas, les mecs. Oh, c'est parce que t'as pas vu le Facebook Live. Tu viens d'où en fait? Je viens de Nantes. On fait tous des erreurs, je t'ai cassé. Ah, cassé, bien joué. C'était nul. Bisous, Anaïs. Allez, salut à toi, ciao. Bon, Big Flo, Oli, il va falloir revenir hein, parce qu'on vous avait promis un clash, je vous l'ai même pas fait. Non mais on a trop de choses à faire à chaque fois, tellement on s'amuse et on n'a pas le temps passé ici, c'est vrai les amis. Hein. Bon bah en tout cas c'était sympa de vous voir sur un surf, ça fera des beaux souvenirs, ça fera de belles images tout ça là. Bah vraiment, encore merci tout le monde et voilà nous on retourne, t'as fait le deuxième album qui arrive bientôt. Ce qui est bien c'est que toi tu t'es trouvé une meuf en début de soirée, à la fin de la soirée tu repars avec Romano et... Et je suis plus avec ma meuf là, elle vient de me la prendre par texto donc... Elle est jalouse. Du coup... Mais moi je suis pas jaloux moi. Ah c'est mignon. Mais c'était bon. Et Romano sérieux tu m'as fait mal aux jambes là, enfin, vraiment. Ah, attends, c'est pas mal qui t'es sauté dessus. Non, mais t'inquiète, c'est bon pour nous, c'est un procès à Skyrock, ça fait de l'argent. C'est très bien ça. Allez, malin. Ouais, je vois. On fera peut-être un jour une émission économique avec toi, Romano, et Big Flo. Ouais, y a pas de problème. Il faudrait faire, vous savez quoi? Capital sur Skyrock. Le jour où on revient ici pour l'album, pour le Planet Rap, on fait une semaine entière. Des full Big Flo, si vous êtes chaud. On fait un marathon, mais on organise que des trucs de ouf. Non, non, on pique pas l'autre, mais on fait des vraies équipes, des vrais jeux, et à la fin, il y a vraiment une coupe, un truc de ouf. Vas-y, ok. Bon, on va organiser ça. C'est pour. On sait pas. Alors, ils ont pas voulu donner la date de l'album. Mais vous allez venir avant quand même. On sait pas, là, on va un peu s'isoler pour essayer de faire la meilleure musique possible. Voilà. Ouais, bah, bossez bien. Et bah, bossez bien, les gars. Merci pour cette soirée, c'était cool. Bien, vous êtes les bienvenus à Toulouse quand vous voulez, au fait. C'est gentil, merci. On ira à Jolimont sur l'antenne de Skyrock. On pourra faire une émission là-bas avec plaisir. Non, mais va être sympa autour de l'antenne. Bon, merci beaucoup. On rappelle, redonne l'adresse du site. Alors, où on peut trouver le surf. Ouais, pour le surf, ils ont surf, taureau mécanique, etc. C'est polyply-event.com. Ça lui fait chier de faire de la pub pour les autres, Manon. Non, non, non. Et moi, je fais un gros big up. Merci, Marwan. Un gros big up à Hello Boisson aussi. Ah ouais, aussi. Merci beaucoup. Il y avait beaucoup à manger. Il y avait à manger, il y avait à boire, il y avait de la meuf. Oh là, c'était trop bon. Gros big up à eux. Est-ce qu'on peut finir sur un applause pour Cédric qui est de retour? Oui, merci. Cédric, bravo. Et on embrasse Samy de la Radio Libre qui était le seul à pas être là ce soir avec Pamela qui est pas venue, c'est marrant ça. Ah mais j'imagine qu'il a un cadeau pour moi, c'est pour ça. Il était dégoûté. Samy il a passé la soirée dans le TGV. Dommage. Le pauvre, il en peut plus là. Le TGV qui faisait Marseille Paris. Non mais c'est incroyable le train, il y a toujours des galères. Moi aussi je suis venu en train là, c'est une galère, c'est. Non mais le mec a mis 8 heures pour monter quoi. Depuis que je suis pote avec Dujardin, je prends des jets privés. Ouais, mais t'as raison. C'est mieux. Salut Big Flo, salut Oli, merci à vous. Merci à tous, gros big up. Cédric, tu reviens demain soir? Ouais, je suis là demain soir. Demain matin, on se retrouve tous les deux, Romano avec Karim. Karim, putain, là. Ah merde, Cédric est là. Ouais, Karim, ouais, il a réussi à piquer la place de Cédric le matin. Je suis là, man. Vous savez que les audiences du morning sont en hausse, c'est un truc de fou. On n'a jamais eu des audiences pareilles. Bah, on voulait vous remercier depuis que Cédric n'est plus là le matin et que Karim l'a remplacé. Je sais pas, l'audience a été multipliée par 4 voire 5. Un peu moins que la radio libre, mais pas mal. Un truc de ouf. Moi, je vais encore. Par contre, tu parais que t'arrives pas tout le temps à l'heure, quoi. Si, tous les jours. Ouais, genre. Non, ça va. Ouais, c'est horrible. Parce qu'elle plus à l'heure que le mec était avant lui. Ouais, c'est clair. J'ai une petite question. Est-ce que Cédric, tu les écoutais le matin et le soir? Ouais, tous les jours, comme un gros lard. Ah, ça fait plaisir. Tous les jours, j'étais sur l'application, la nouvelle application Skyrock d'ailleurs. Elle surtout qu'elle est sortie aujourd'hui, donc t'as du vachement ouais, mais j'avais la version test, moi, je pouvais la tester à l'avance. On a 2-3 dédicaces à faire, voilà, on a toujours des blédards. On a plus le temps, les mecs. Une dédicace à Wawad, notre pote beatboxer que vous connaissez, Wawad, qui est déjà venu, qui nous a demandé une dédicace, et une dédicace à notre chauffeur Uber qu'on avait pris. En fait, c'est un mec, c'était énorme, j'ai demandé à Marie de lui passer une dédicace à l'antenne, et le mec a complètement craqué, genre, donc voilà, il vous écoute tout le temps. Un gros big up à Uber. On salue Bona, je crois. Non. J'ai oublié le nom. Bon, on salue les Uber qui nous écoutent. Bon, gros big up, voilà. Il a voulu faire un truc au lit, il a raté complet. Voilà. On finit vraiment l'émission sur une note nulle. Non, on termine en beauté. J'ai plus de jambes, mais je posterai la photo de mes bleus pour le procès contre Skyrock. Merci, oui, tout à fait, oui. Chloé Oli. Eh ben, revenez très vite. Le nouvel album, vous pouvez revenir avant quand vous voulez. Nous, on vous donne rendez-vous demain matin, donc pour le morning avec la famille. Du morning. Ouais, la famille. Et puis demain soir pour la radio libre. À demain soir, Cédric. À demain soir, tout le monde. Oui, bisous. Bisous à vous tous et à vous toutes. Et profitez bisous. Bien. C'est Prisca qui débarque tout de suite. Ouais. Elle est connectée, Prisca? Je pense. Ou c'est moi qui envoie le. Ascendance. Ouais, je suis là, mais j'ai pas de casque. Ah, c'est cool. Ah, bon, bah voilà. Moi aussi, on me l'a volé, là, dans la bataille. Dans la bataille. Bah ouais. Mais oui, Romano, viens mettre la bande-annonce. Un big up à Emmerich aussi, l'après-midi, je l'écoute beaucoup, voilà, Emmerich. Ah, okay. 16h-20h tous les jours, Emmerich, sur Sky, à pas louper. Bon, bah, c'est parti, on vous souhaite une belle nuit, profitez bien de Sky. Ouais. Et Romano balance la suite. Allez, salut. Salut, Romano. Et il faut appuyer sur le 6. Et j'appuie sur le 6. 6. 6. Ouais. Ah. Non, 7, pardon. Ouais, finalement, c'est ça. Skyrock. Ils ont gagné 1 500 € dans le morning de Diffoul sur Skyrock. Et ils savent ce qu'ils vont en faire. Honnêtement, je viens de déménager, du coup c'est super. Je vais faire une grosse soirée avec mes potes, ça va être génial. Je vais faire plaisir à mes amis. Je vais m'acheter une pomme. Bah allez dépenser. Ah bah moi je garde tout pour moi. Non mais attends Romano, je t'ai reconnu, t'as pas gagné les 1 500 € toi. Allez, quand Diffoul t'appelle et te demande quelle est ta radio préférée, réponds Skyrock. Et après, fais-toi plaisir. Le morning de Diffoul, 6h-9h sur Skyrock. The morning show. Any pain. Practice legend.